C'est Soprano qu'on vient d'écouter sur Sky. Soprano, celui que vous avez découvert avec nous, c'est lui qui nous l'avait amené d'ailleurs. Il est sympa, Soprano. Hein. Livraison à domicile. Le diable s'habille plus en Prada. Romain. Oh non, moi ça coûte bien. Moi, franchement, souvent, je fais des belles merguez. Difool. Non, mais j'ai pas mal. Moi, je crains pas ça. Moi, je suis trop fort comme man. Cédric. Moi, je bouffe de la grosse saucisse. Marie. Ouais, moi, je mouille mes strings. Samy. You know, Marseille. The South of France. Marseille. Nier, Saint-Tropez, Monaco. Momo. Non, mais le truc qui est bien pendant les matchs, t'as des cartons de pitch à voler, quoi. Et Karim. Karim, c'est un peu la femme de l'équipe. Elle va te faire enculer, ouais. Ah, bonjour Karim. Difool Radio Libre, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et salut tout le monde, bienvenue, 21h pile. Et ben on est pile à l'heure. Le match va démarrer, on va suivre ça en direct. Les Turcs, j'ai vu des Turcs qui étaient là, qui commençaient à se déchaîner là. Ah oui, Osworld, allez la Turquie. Turks are the best of the best. Je suis turc, c'est normal. J'avais compris, Osworld. Les Espagnols, les Turcs qui vont se disputer le match pendant 90 minutes en direct sur Sky ce soir. C'est l'Euro 2016. L'Italie s'est qualifiée. Vous avez vu ça cet après-midi? Qualification de l'Italie contre la Suède de Zlatan. Bravo les Italiens. L'Italie, il a pas marqué Zlatan. L'Italie, non, il a pas marqué. Il a même fait un match de merde. Non, mais l'Italie, dans l'équipe de la Suède, deux matchs, zéro frappe cadrée sur deux matchs quand même. Pas mal, bravo, bien joué. C'est des bonnes stats. Ah ouais, vraiment. Zéro tir cadré. Et un but marqué par les adversaires lors du précédent match. C'est ça, c'est pour ça. Mais ils rentrent chez eux, les Suédois. Non, pas tout à fait, pas encore. Ah, pas encore. Qui gagne absolument. C'est ça. Bon, on va suivre tout ça. J'adore les kebabs, je suis pour les Turcs. C'est bien. Noté, merci à toi. Bon, on va voir ce que ça va donner, la Turquie contre l'Espagne. Viva España pour Jules. Salut à toi, Jules. Skyrock bug au muro. Allez, on va s'en occuper, ne bouge pas. Merci de nous le signaler. Merci à Déter qui vient d'arriver. On salue tous ceux qui sont là. Bonjour à Cortez. Bonjour à Elao. Bonjour Elao. On salue également toute l'équipe quand même parce qu'elle est là. Je les vois tous autour de moi. Ils sont beaux. Ils ont l'air intelligents. Ah, bah oui, au moins ça. Tiens. Bonjour Marie. Bonsoir tout le monde. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Salut Samy. Salut tout le monde. Karim est déjà au téléphone avec vous. Salut Karim. Salut tout le monde. Et donc Romano. Alors Romano, on a plein de choses à faire ce soir. Oui. Le top bug qu'on n'a pas fait mercredi. Ouais, c'est ça. On a deux jours de retard, mais ce soir, promis, il aura lieu. On va pas tarder d'ailleurs. On va attaquer là. Le top bug à retrouver. On aura. Ah oui, les familles pour le double appel. Le double appel qu'on va retrouver à n'importe quel moment de l'émission. On met en contact des familles. Vous nous laissez leur numéro d'ailleurs, dès maintenant, sur le 41-759, l'appli Skyrock. Vous nous laissez tout ça et on prendra les meilleurs. Enfin, une petite sélection, déjà ceux qui répondent. Et on prendra les meilleurs tout à l'heure. J'ai vidé mes couilles là. Oui. Très bien, et nous aurons je crois qu'il est prêt, des intervenants extérieurs, notamment Patrick, JF et les autres, pour les familles de France. Pour nous, pour ceux qui n'ont pas encore tout compris dans ce que j'ai dit, vous verrez, ça va se passer en direct, vous pigerez tout. Double appel. Je salue tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Je voulais d'ailleurs saluer Cyril qui nous a laissé un message, qui revient. Alors lui, t'as eu trop de chance, t'as vécu en Afrique du Sud pendant 3 ans et tu reviens en France. Tu dis que t'es content de revenir, même si tu as laissé plein d'amis là-bas. On salue Cyril qui est de retour et qui vient nous rejoindre sur Skyrock. Ah bienvenue, bienvenue à toi, ça Cyril. Ça va changer. Exactement, tu vas voir. Ici, ça déchire tout, tous les soirs, et en direct, et avec vous tous, et vous toutes, au 01 53 40 30 20, je vous le disais, sur les SMS, sur le net, vous nous faites péter tout ça, et on va retrouver d'ailleurs, tiens, le premier de la soirée. Ah, c'est Poissman qu'on devait prendre hier. Ah, Poissman. Alors, Poissman, je vous l'ai annoncé, c'était 10h, 10h30. Hier soir, je vous fais, bon, on va vous présenter Xavier. Xavier, la reine, il a une particularité, c'est un poisseux. Voilà. Eh bien, Xavier. Moi aussi, je suis poisseux du corps. Ah oui, non, mais là, c'est poisseux, ça veut dire qu'il est huileux, Cédric. Ah ouais, très, très poisseux. Poissman, ça veut dire qu'il a pas de chance. Ouais, je suis pas lavé. Je sais, mais Poissman, je pense qu'il se lave. On va lui demander à Xavier. Si, je me suis lavé. Et donc, Xavier, hier, on lui a dit bonjour. Et je lui ai dit, je te reprends dans un instant. Et puis, j'ai oublié. Jusqu'à minuit. Voilà, Poissman, quoi. Il est resté, nous a attendu le pauvre Xavier. Donc, en effet, c'est Poissman, Xavier. Donc, on va te retrouver, t'as vu. Eh, on avait promis qu'on t'oublierait pas ce soir. T'es là avec nous. Salut, Xavier. Salut Divo, salut toute l'équipe. Salut, salut à toi. Bienvenue Poissman. Désolé pour hier soir. Ah, il a pas de soucis, il a pas de soucis. Ah, vraiment désolé. Ah, t'as l'habitude d'avoir la loose, la poisse. Ouais, c'est ça, ouais. Tout, quoi. Bah, en ce moment, ouais, j'ai un peu l'habitude, quoi. Ouais, mais il y a des séries comme ça. Eh ben voilà. Ouais, je te vais pas dire. Eh ben écoute, je vois ça. Alors tu vas nous raconter un petit peu si vous êtes du genre poisseux vous aussi. N'hésitez pas à nous laisser vos messages, comme ça il se sentira peut-être un petit peu moins seul, notre ami Poissman. Donc t'as 20 ans, hein, Xavier, et t'es à Rennes. Très bien, tu fais quoi dans la vie, toi? Bah, c'est ça le problème, je suis sans emploi. Ah, tu cherches du boulot? Ouais. Ça aussi, c'est la poisse. Ah, bah, oui, en fait, tu cumules la poisse de partout, dis donc. En fait, c'est ça, la poisse, c'est surtout pour l'emploi. En fait, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, vas-y, explique-nous un peu. T'as arrêté le bahut quand? Puisque t'as 20 ans. J'ai arrêté le bahut il y a 1 an et demi. En fait, j'étais en bac pro commerce. Et depuis 1 an et demi, tu fais. D'ailleurs, on salue tous ceux qui font la teuf ce soir, qui fêtent la fin du bac. Ah, bah, ouais, je pense qu'on en profite. La fin du bac, il y en a qui ont 2-3 épreuves la semaine prochaine. Et puis, on salue également tous ceux qui ont encore des examens, je pense notamment au brevet. Sympa. Tous les ans, les derniers à finir. La semaine prochaine. prochaine. Bon courage à vous, ami du brevet. Eh ouais. Ouais. Donc toi, t'as passé bac pro commerce, Xavier. En fait, j'ai ton bac pro commerce qu'en première. Ouais. Et en fait, j'en avais un peu marre des cours, alors j'ai décidé d'arrêter. Ouais. D'arrêter il y a un an et demi. Non, et mais après, moi, si j'avais fait comme toi, Xavier, j'aurais arrêté les cours, j'aurais eu 10 ans, quoi. Si t'arrêtes les cours quand t'en as ras le bol, moi, ah, bah, ouais, à 10 ans, tu me demandes, moi, pst, c'est pas des bêtises. Bah oui, c'est sûr. Dis-toi, en fait, que j'avais déjà un CAP, j'avais déjà fait un CAP avant, alors. Ouais. Non, mais bon. J'en un petit peu marre des cours, quoi. Bah, ça peut se comprendre. Hein. T'as arrêté, t'avais quoi? T'avais 18 ans, quoi. Non, 19 ans. 19 ans, très bien. Ah, bon. Écoute, bravo à toi. Hein. Ouais, enfin, bravo, sauf bravo. Que... Marie, t'as arrêté les cours à quel âge, toi? Parce qu'elle elle est en train de te donner des leçons, là. Oui, alors bravo, sauf que t'es quand même un gros con. Déjà, je voulais te le dire. Et en plus, vraiment, à 19 ans, t'as arrêté les cours. Oh, mais non. Quelle grosse feignasse. Non, mais moi, j'arrête à 17, ouais. T'arrêtes à 17? Ouais. Mais t'y allais plus déjà avant? Si, si, j'y allais, mais pas trop. Non, mais elle arrête tout. C'était ma dernière année, quoi. En fait, Marie, elle a décéléré. Oui, c'est ça, exactement. Ah, mais je fais pareil. Je suis bien allée au début de l'année, puis alors, petit à petit, ils me voyaient plus trop. Ouais. Voilà, Marie, elle a freiné un peu. Ah, mais moi, au mois de mars, ils me voyaient plus, hein. C'est la dernière année de. Ah, bah, de j'étais bahut. Content. Ah oui. Soulagement pour l'ensemble du bahut, ça, je peux te le dire. Ils ont fêté ça dans le bahut. Ah, putain, il n'y a plus l'autre poche qui vient. Ça y est, on est tranquille. Il vient plus. Et donc, t'as arrêté, et depuis, tu cherches du taf et tu trouves pas, c'est ça? En fait, c'est pas ça. En fait, que je trouve, en fait, je trouve, mais j'arrive pas à conserver le taf. T'as quoi, tu te fais? Juste après le bac pro, je travaillais dans une usine de viennoiserie. Ils m'ont gardé une semaine, après, ils m'ont dit au revoir. Une usine de viennoiserie? Ah, j'ai compris une lingerie, moi. Ah, Marie, évidemment, tout de suite. Pense tout directement à un truc de cul. Pain, tu vois, un peu de surgelé, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, du pain industriel, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, bon, après. Oui, oui. Des fois, il est pas mauvais. J'ai fait une semaine et après peu de temps après j'ai fait une autre entreprise de ouais mais au bout de la semaine où tu t'es fait virer là de l'entreprise de pain industriel c'est pas longtemps une semaine dans un boulot il s'est passé qu'il y a un truc parce que c'était l'intérim c'était une mission d'une semaine donc en fait oui ils t'ont pas acheté c'est que le contrat ils l'ont pas renouvelé ouais, ils ont pas juste pas renouvelé bon alors c'est donc en même temps après faut peut-être pas être parano ils avaient peut-être plus besoin de personne hein. Non, si tu comme ça l'intérim les mecs ce qu'ils font c'est qu'ils prennent une semaine pour tester. Et si ça correspond, il est trop nouvelle. Il y a deux solutions où ils avaient besoin de plus personne, ou alors le test n'a pas été efficace. Oui, ou alors t'étais bidon dans la. Ou alors c'est pas ta voix, ouais. C'est pas ta voix la viennoiserie. Pour vous dire, ils m'ont trouvé lent. Lent. Ouais, donc t'étais pas à ton truc la viennoiserie en fait. Non, pas trop. Hein. Non, pas trop. Bon, après t'as essayé quoi? Après, j'ai fait agent de quai dans une autre entreprise de transport. Ouais. Le problème, c'est que là, encore poitman, je me suis baisé l'épaule. Ah, t'as après, une tendinite. Tu as eu une tendinite à l'épaule. T'entends Romano, il a eu une tendinite à l'épaule. Ah ben ouais, mais lui. Le pauvre, comme il a dû souffrir. Ouais, mais bon, lui, il a fait un vrai effort physique, quoi. Bah, moi aussi, je fais des vrais efforts physiques. Ah bah, c'est clair. Il m'a dit, le médecin m'a dit pour ma tendinite. Tu fais trop de sport, il faut. Ah bah, c'est ça, ouais. T'es trop musclé, faut arrêter, arrête un peu la muscu, c'est trop. Donc, tu t'es fait, ouais, donc forcément, t'as arrêté le boulot, donc machin de quai, c'est fini. Après. Ouais, et après, j'ai trouvé McDonald's. J'ai fait deux mois à McDo. Ah, t'as réussi à tenir deux mois quand même. Et au bout des deux mois, pourquoi ça s'est arrêté? Record battu. Bah, en fait, à la base, c'était saisonnier. Ah, alors, je suis parti. Et après, j'ai essayé de revenir, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu me reprendre. Ah, non. Allez, bah, t'es parti. Attends, trop tard. Qui va à la chasse perd sa place, monsieur. Et t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse, hein. Ah, donc voilà. Là, ça y est, c'est cassé. C'est ça, exactement. Fini. Ouais, donc tu galères pour trouver un boulot. Après, c'est vrai que t'as pas de chance. Il y a quelques semaines, j'avais trouvé un CDI. Quelques semaines, à CDI dans un restaurant. J'ai fait deux semaines et basta, ils vont casser mon contrat. Pas gardé. Il doit y avoir un problème. D'après vous, ça peut venir d'où tout ça, vous qui nous écoutez là, dites-nous. 41759, ce qui est recours. Alors moi, je vais être un peu radical. Vas-y, radical l'histoire, Romano. Tu te radicalises. Non, mais moi, je pense que t'es plus ou moins compétent. Pour être plus soft que Romano, que tu n'as peut-être pas trouvé de moi. Non, mais j'ai dit que j'allais être radical. C'est pas être méchant. Hein. Tu sais, il y a des gens, moi, je sais pas, tu me mets dans un garage, je serais un incompétent, tu vois. Attends, dans un garage, il y a plein de garagistes qui sont escrocs, Romano, je pense que tu te ferais un maximum de thunes. Oui, mais tu me demandes. Tu lui demandes à Romano, changez-moi un pneu, il revient le soir même. Bouillant, j'ai un problème, alors vous avez à changer le moteur, mais l'ensemble du moteur. C'est tout, la totale. Ah oui, c'est obligé, oui. Obligé. Un pneu, non, c'était les quatre qu'il fallait changer. Je suis sûr que tu leur ferais des devis de fou. Oui, non, mais je parle, tu sais, au point de vue, ça, faire les factures, tu me mets dans n'importe quelle société, j'arriverai à carotter les gens. Des fausses factures, bien sûr. Évidemment. Et le truc, c'est que. Changer un moteur, tu sais pas faire. Ouais, par exemple, tu me demandes de, je sais pas, de changer les plaquettes de frein, je suis incapable de le faire, tu vois. Ah, c'est galère, ça. Et je suis incompétent. Mais ça veut pas dire que dans d'autres domaines, tu ne le seras pas. Mais en tout cas, là où tu as travaillé, a priori, ça n'a pas fait l'affaire. À chaque fois, tu t'es fait jeter parce que soit tu étais trop lent, soit tu te pètes une épaule. Ouais, bah c'est pas fou. Ou soit. Tu te pètes une épaule. Le contrat se termine et les mecs, ils veulent pas te garder. C'est qu'à un moment donné, c'est que tu fais pas le taf, quoi. Alors, est-ce que vous avez vu aussi. Ah, je suis de mon mieux, hein. Oui, mais a priori, ça ne leur convient pas. T'as peut-être pas trouvé. T'as envie de faire quoi vraiment dans la vie? C'est quoi là, le truc qui t'intéresserait vraiment à 100%? Bah, sérieusement, bah là, vu les temps qu'ils sont, bah, un peu dans tout, là, mais j'avoue, j'ai une préférence pour être à SH. Ah, pour dans les services hospitaliers. Ah, pour dans les services hospitaliers. Tiens, pendant les vacances, ils cherchent beaucoup dans les services hospitaliers, des brancardiers, ouais, parce qu'il y a des gens qui partent en vacances. Ah, bah, il y a des gens qui partent en vacances. Ouais, non, mais bon, ils prennent pas, tu sais, c'est pas comme vendre des beignets sur la plage, il faudrait vraiment des compétences. Ouais, brancardier, tu peux le faire comme ça, sans. Non, ouais, on m'a dit. T'as une seule journée de formation, en fait. C'est rassurant. J'ai reçu un message de Clément, là, qui connaît bien les hôpitaux. Et puis d'infirmières et d'infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux. La semaine dernière, vous savez, on avait eu un Marseillais qui cherchait un boulot. Et il nous avait dit, dans les hôpitaux parce que vraiment c'est facile à trouver, Ouais, c'est vrai, moi j'ai des potes qui font ça même en intérim, tu vois, des fois des missions de 2 mois dans un hôpital. Alors qu'est-ce que vous nous dites là? D'où est-ce que ça peut venir? C'est sans doute lui le problème, nous dit Walls. Ah non, mais c'est sûr, c'est même pas sans doute, c'est sûr et certain. Parce qu'à un moment donné, c'est possible de ne pas avoir de chance une ou deux fois, tu vois, mais toi c'est tous les tafs, t'arrives pas à en garder un. T'es peut-être pas. Ouais, t'as peut-être un peu raison. Hein. Bah, faut trouver aussi le truc qui t'intéresse. T'as envie de travailler dans les services hospitaliers. C'est sûr que si tu te retrouves au McDo, bon, c'est pas vraiment la même voie. Bah, seras plus, tu seras plus motivé. J'ai quand même bien aimé McDo. Hein. Il a pas que ça, en fait. J'ai fait quand même pas mal d'entretiens d'embauche et j'ai quasiment tous loupé. Ouais, donc il doit y avoir un truc. Est-ce qu'il sent mauvais, nous dit Jibi, le catalan du Sénégal. Salut Jibi. Ah oui, parce que tu veux dire que les collègues ne supportent pas. Raison. Écoutez, ça n'empêche pas de travailler avec des gens qui sentent mauvais. Nous en avons quelques-uns dans l'équipe, mais je ne citerai pas. Je suis là. Je ne te citerai pas. Ça, on le sent bien, ouais. Je ne citais pas. Ça, c'était Jibi qui nous laissait le message. Ah, ça doit être un manche à couilles. T'as raison, dit Fouli, il a pas trouvé sa voix. Petite bibiche. Romano a raison. Il faut faire travaille sur toi-même et réfléchir à vraiment ce que t'as envie de faire. Et là, au moins, tu réussiras parce que tu seras motivé. La motivation, c'est par là que tout passe. Farid, je suis d'accord avec toi. Est-ce que dans le taf, t'as un glandu? Glandu? Non, du tout. Je suis quelqu'un de bosseur. Ah ouais, ça y est, ouais. En fait, le problème, c'est que je veux tellement bien faire que je fais des fautes. Ah oui. Non, mais bon. T'es sûr que tu veux travailler dans les services hospitaliers? Toi, tu fais flipper quand même un peu. Mais c'est risqué, ouais. Ah, tiens. Ah, excusez-moi, j'ai fait l'erreur. Le con, il est tombé du brancard. Oui, tu vas parce que je suis poissman, j'ai pas de chance. J'ai vendu deux bras cassés, là, et deux jambes. Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai fait tomber du brancard et pas de bol. L'ascenseur s'est refermé sur ses jambes. Été sectionnés. Je veux tellement bien faire que je fais pas. Dites-nous si vous avez fait un stage dans une boîte, si vous avez bossé dans des boîtes et que c'était vraiment pas des trucs pour vous. Genre, vous êtes allé dans une boîte, bah, pour les stages, notamment quand t'es en troisième, on te fait faire un stage. Pourquoi tu choisis ce que tu peux trouver, hein. Donc tu choisis pas vraiment. Tu te retrouves dans un truc et tu te dis non, ça c'est vraiment pas mon boulot, quoi. Et là, je me suis vraiment trompé d'orientation. Ouais, la preuve. C'est hein. pas là du tout de. Non, mais même dans le même boulot, moi j'avais travaillé dans une autre radio qui s'appelait. Comment ça s'appelait SM, Radio SM. Ouais. Radio non, non, non, là ça allait. Non, mais quand j'ai fait l'école de radio. Beurre FM, ça allait. J'avais fait un peu. BFM Radio. Ah, t'as travaillé à BFM Radio? Ouais. Je savais pas que. Ouais, mais à l'ancienne. Tu faisais des flashs d'infos. Non, je faisais. Veillant, flash spécial. La bourse monte. Youpi. Ouais, c'est ça. C'était avant qu'il y ait BFM TV et tout. C'était. À l'époque, c'était une radio locale à Paris. Là-bas, je me suis bien fait chier. Tu sais quoi? Je faisais du montage de reportage, tu vois, mais ça ne m'intéressait absolument pas. Et pourtant, c'était dans une radio, c'est un truc que j'aime bien. Mais monter des reportages sur la foire à la grenouille ou la fête de la nouille, je sais pas où, ouais, tu vois, ça m'a saoulé en deux. Et après, je me suis barré. Mais c'est vrai qu'il faut trouver l'endroit. J'ai dit au mec, je suis désolé, ce serait sympa de m'avoir pris, mais ça ne me convient pas du tout. C'est vrai, tu fais bien ton boulot quand t'es bien dans un endroit. Tiens, j'ai travaillé 2 jours à la poste et moi ça m'a saoulé grave. C'est Raph qui nous laisse le message. Salut à toi. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un consulat de France, mais c'était vraiment pas pour moi. Je me faisais vraiment chier dans les bureaux. Romano, t'aurais dû essayer BFM Business plutôt que BFM Radio parce qu'il y a business dedans, ouais. C'est Charles. Mais ça n'existait pas à l'époque. Ah, ça n'existait pas. Autrement, t'aurais été heureux là-bas. Peut-être que tu serais jamais venu à Skyrock tellement que t'aurais été heureux à BFM Business. Hein. T'aurais fait la bourse. Peut-être. Il aurait donné des infos. C'est économique, ouais. Ouais, c'est économique. Non, mais ça, tu vois, ça me déplairait pas de faire. De présenter genre Capital, tu vois. Présenter Capital. Bon, en même temps, c'est toujours mieux que le mec qu'ils vont prendre, qui a un escroc notoire. Le mec... Alors, ce n'est pas un escroc notoire, mais en tout cas, il a escroqué son CV. Ouais, c'est un gros mytho. C'est-à-dire que le mec, a priori, était un jeune qui montait plein de start-up. Donc, un nouveau présentateur, il arrive bientôt sur Capital. Mais il le garde, du coup, parce qu'ils ne savaient plus trop. Vu qu'il s'était fait baiser la gueule, concrètement, M6. On va dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. Parce qu'en fait, soi-disant, ils avaient trouvé un animateur. Le mec était jeune entrepreneur, il avait monté plein de start-up, là, tout ça. Startup. Et en fait, bon, je sais pas, M6, eux, à aucun moment ne se sont renseignés. Et il se trouve que le mec, il a monté une société qui a fait 400 euros de chiffre d'affaires en 3 ans. 400 euros en 3 ans, chiffre d'affaires de la boîte. Autrement dit, les mecs, c'est du businessman, quoi. Ah, c'est un non, bon mec. Lui. C'est, ouais, tout ce qu'il a fait, ça a foiré. Mais, bon, mais comment il s'est retrouvé là, lui, d'ailleurs? Bah, parce que le mec, il est malin, du tout. Il a bien niqué M6, quoi. Ah, bah ouais. Et ils ont, oui, ils pourraient pas l'embaucher. Hein. Bah, ouais. Bah, je sais pas s'ils vont l'embaucher, du coup. Bon, en tout cas, on verra. Mais donc, oui, il faut vraiment trouver le truc qui te plaise. Tiens, la comptabilité, c'est la pire chose que j'ai fait. La saisie de facture, c'est horrible. C'est le message de Sally, là, sur SMS. Allez à l'école d'aide-soignant s'ils veulent travailler à l'hôpital. Comme ça, c'est pas mal. Ah, faut que tu retournes à l'école pour Mimi. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier, toi? Ah, ouais, ça m'intéresse, moi, les trucs aide-soignant, ouais, ça m'intéresse. Bon, bah, tu vois, Mimi, t'as une bonne idée. Ah, merci à toi, Mimi. Non, Valérie, tu lui diras juste que tu travailleras plus tard, comme ça, on ira pas. Parce que, franchement, moi, t'as peur de tomber du brancard, toi. Ah, ouais, non, mais c'est clair. Non, je vote pour toi, et là, tu donnes plus envie de voter pour toi. Là. Ah. Non, mais comprends-moi. Regarde, hey, on là, il a pas envie de tomber du brancard. On met le truc dans le sens inverse. Je sais pas, tu sais que j'ai les mains pourries, ou alors 10 foules devient brancardier. T'arrives, franchement, moi, avec mes muscles, je fais, laissez-moi, je vais me débrouiller. Les épaules, les bras qui partent tout seuls, tu sais. Pourquoi je pourrais pas être brancardier, moi? Mais déjà, t'arriveras à le pousser? Bah, il faut le porter, le brancard. Non, ça se pousse déjà. C'est un roulette. C'est fini les trucs à l'ancienne. C'était pendant la guerre de 14-18. Ouais, où ça, portait, les trucs avec deux mecs, tiens, avec les... Eh bien, écoute, Romano, je n'ai pas besoin de roulette, moi, car j'ai des muscles. Ah, comme ça, sur l'épaule. Voilà, je le prends nickel, sur mon épaule gauche. Sur la tête, tu sais. Ah, mon épaule avec la tendinite. J'ai dit que j'avais une tendinite. Ouais, on sait. Ouais. Ouais, c'est en train de passer, là, ça va mieux. Oui, bah, heureusement. Ouais, dites-moi aussi, parce que je ne veux pas aller dans son hôpital, j'ai trop peur. Bon, reste là, Xavier, on a Valérian pour toi, justement, qui appelle. Salut, Valérian. Allô, Diffoul. Oui, bonjour Valérian. Salut Valérian. Ça va, t'es dans le 93, t'es où dans le 9-3 toi? Près Saint-Gervais. Près Saint-Gervais, on salue tout le 9-3, ouais. Salut à toi. Big up. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah honnêtement, qui trouve autre chose. Toi c'est, si on a un périmètre, on lui propose pas de CD ni quoi que ce soit. Moi perso, ça fait 9 mois que je suis en intérim, ouais. Je refuse quasiment des CDI toutes les semaines. Et CDI, bon... CDD, tout ça. Ah donc il y a du boulot actuellement toi, c'est ce que tu veux dire toi? Sur Paris, je bouge pas de Paris, j'aime pas Paris perso, enfin j'aime Paris, je suis pour le PSG tout ça, mais l'ambiance de Paris, les gens aigris, j'aime pas, désolé, mais il y a un moment où il y a qu'ici qui a du travail, il y a beaucoup de travail, je refuse des CDI, des CDD tout le temps, je suis poissonnier en tant que poissonnier, en tant que charcutier, boucher, on me propose dans tout alors que je suis que poissonnier. Il faut être motivé. Tiens, puisque tu veux travailler dans le médical, est-ce que la boucherie ça t'intéresserait? On n'est pas loin du médical dans la boucherie. Oh bah super. Bah si, t'es comme un peu chirurgien quoi. Mais ouais, moi je trouve aussi. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Xavier, la boucherie? Non, pas trop mon truc, non. Non, pas trop ton truc. T'es plus les brancards, toi. Bon, on va plus rester sur les brancards. Bah ça, l'odeur de la viande crue, tout le monde n'aime pas. Ouais. Ah ouais. Merci Marie. Ça sent fort. Oui, non, mais c'est qu'elle est pourrie. Ouais, Marie, tu as fait de la viande un peu bizarre. Mais moi, j'adore l'odeur de la viande. Vous savez que l'autre jour, la viande, je l'ai posée en haut du frigo, elle est redescendue en bas, elle avait des pattes. Vous savez, des toutes petites pattes blanches. Là, c'est qu'elle était pourrie, c'est confirmé. Je crois, Marie, que c'était des vers. Bah ouais, parce que la bidoche, ça sent pas non plus. Elle était fraîche, elle était encore vivante, elle marchait dans mon frigo. Mais t'es déjà allé dans un abattoir? Non, mais je suis déjà allé dans une boucherie, même dans l'arrière d'une boucherie. Non, mais il y a de la viande. Non, moi, j'ai mon oncle qui a été bouché, ça puait pas chez lui. Après, il y a de la viande. Viande qui sent naturellement, par exemple, si tu bouffes le sanglier, par exemple, c'est qui est odorante, mais je sais pas, tu manges du bœuf ou. C'est deux morceaux de viande entre les cuisses. Oui, c'est un chat. Eh ben, non, ça sent le poisson. Ah, bah, il y a un petit problème alors. Ah, c'est boucherie ou poissonnerie? Ça sent bon, je te rassure. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'espère. Bon, et. Oula. Alors, Valérie, oui, moi j'ai pris froid. Mais mec, le temps de merde qu'on a. Sinon, il peut faire une formation, voir à la NPE, à Pôle emploi, pour faire une formation, quelque chose qui l'intéresserait, ou dans la sécurité, au moins il serait déjà essayé de mettre au chien. Un truc qui l'intéresse, ça c'est clair. C'est le mouton qui sent fort, on nous dit. Ah oui, le mouton, c'est vrai, ça sent fort. Bon. Oui, mais c'est pas une puanteur non plus. C'est vrai aussi. Oui, mais... Cédric aussi. Oui, oui mais là ça, c'est une vraie puanteur, tu vois. Là, ça sent le pourri. C'est Cédric aussi. En fin de semaine, oui, Cédric, ça peut arriver. Ça poique. C'est des choses qui arrivent. Ah, ils sentent le mouton pourri, quoi. Ils sentent le bouc, le bon mouton. Ils sentent le bouquetin, quoi. Bon, et les pires stages, les pires métiers que vous avez eus, allez-y, dites-nous. On va faire un petit point avec Xavier dans un instant. Merci Valérian. Tu bosses aujourd'hui? Tu fais quoi? Tu fais rien, non? Non, aujourd'hui j'étais de repos. Eh ben, écoute, seul jour de repos. Eh ben, profite bien en tout cas de cette journée, profite bien de la soirée, reste avec nous. Et pour le match de foot, puisque on suit ça sur Skyrock, c'est l'Euro. Et on est premier sur le foot, bien sûr. Et pour l'instant, 0-0 entre l'Espagne et la Turquie au bout de 20 minutes de jeu. Pouvez-nous dire d'ailleurs qui c'est qui domine? J'ai pas regardé le match. Pour l'instant. L'Espagne domine. Ils ont le pied sur le ballon, ouais. Ils ont le pied sur le ballon. Ils ont bien raison. Et un poteau. Un poteau pour l'Espagne. Bon, 0-0 pour l'instant entre l'Espagne et la Turquie. Valérian, tu quittes pas, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à. Si, je peux faire une petite dédicace. À la maison. Ouais, petite dédicace au Précia Gervais. Dédicace, tout le 9-3. Oui. À vous. C'est gentil. À toi et ta tendinite. Merci, merci, elle te remercie, la tendinite. Merci à toi et c'est sympa, à tous ceux qui veulent aller demain à Paris pour le 18 juin pour légaliser la weed. Ah, c'est demain, oui, le 18 juin. Legalize it. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de. Oui, quoi, une manifestation. Non, moi, je sens pas le mouton, je sens la weed. Oui, ah, tu sens la weed. Ça sent meilleur. Merci en tout cas, Valérian. Tu quittes pas, Xavier reste avec nous. Florida, écoutez un tout de suite. T-shirt Skyrock, bien sûr, on t'envoie ça. Et pareil pour Xavier. Merci. Restez là, on vous reprend. Et donc, dans un instant sur Skyrock, le double appel. Ouais. Les familles à l'honneur, plus votre top bug. Le clash de la drague tout à l'heure. Ah bah on verra si Cédric en gagne un cette semaine ou si Romano fait carton plein. J'espère bien faire le carton plein. Bah j'imagine, c'est toi qui décides de tout. Cédric est parti réfléchir aux toilettes et dans un instant on en saura peut-être un petit peu plus sur sa méthode de drague. Et puis Pamela avant minuit et les pervers de la semaine, on les oublie pas en ce vendredi soir. Il y a du lourd et c'est sur Sky. Après avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Champion, mon frère. Ça, c'est quoi? Bah, des tomates. Oh, oh, génial. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du persil. Du persil? Mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et là, tu vas planter quoi? J'hésite, mais tu me fais penser à un truc. Ah bon, à quoi? Une courge. Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître? Télécharge Je Jardine, l'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique. Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Maintenant disponible. J'ai les yeux rivés vers le ciel. Beau mec à 500 mètres. Va tout droit. Tourne à droite dans 50 mètres. Beau mec en vue. Tu es arrivé à destination. Smax, l'appli de rencontre qui te guide vers de belles rencontres. Télécharge Smax, S-M-A-X, Smax, et active ta destination vers de nouvelles rencontres. Pendant l'Euro, il y aura des matchs de poule, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Mais une seule équipe jouera l'intégralité des matchs, sans exception. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon, et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Et c'est reparti sur Skyrock, c'est reparti avec toujours 0-0 entre l'Espagne et la Turquie et avec Florida, c'est l'heure d'en trouver ma house sur Sky. Tous les soirs, 10 full radio libre, 0153 40 30 20. Et ouais, ça c'est pour nous appeler, une maison en Floride, c'est sympa, hein. Florida, il nous l'a fait visiter. Il est gentil ce Florida. C'est un agent immobilier un c'est peu. C'est ça, ouais, ça peut le Stéphane Plaza américain. Voici ma house sur Skyrock. Vous avez écouté un petit son, vous nous faites signe hein, ce soir. On est là jusqu'à minuit, on va tout déchirer. Allez, on ouvre une bouteille de champagne et c'est parti, radio libre. Au 0153 40 30 20. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. And you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the down brakes, hit the brakes, we don't slow have down to go. Cheers to this. Welcome to my house, play that music too. Turn it loud, show me what you do now. We don't have to go wild. Come out. Welcome to my house. Et voilà sa maison, c'était Florida sur Skyrock. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, on est sur Sky toute la soirée, 01 53 40 30 20, c'est pour nous appeler ici à Skyrock. Vous débarquez en direct dans les studios, en direct dans l'émission et en direct de toute la France, du monde entier même. Vous pouvez nous écouter avec l'appli, donc vous pouvez nous écouter partout. Un métier qui doit être cool, on parle de métier là. C'est acteur porno, nous dit Screw, 20 ans, mais ce n'est pas le seul également. Et puis il y en a plein qui ont fait des stages pourris. J'étais en stage dans l'entreprise de ma mère en comptabilité, c'était horrible, je me suis fait chier pendant 15 jours. 15 jours de stage, 15 jours de cauchemar pour Ben sur SMS. Merci à toi Ben. C'est pour Xavier qui a fait plein de boulot. Il n'y a rien qui lui a plu. T'as essayé le McDo, Xavier? Ouais, il a bossé, ouais. Ah, hein, t'as bossé au McDo, hein? Ouais, je voudrais bien retourner à McDo, parce que j'avais bien kiffé. Eh ben, c'est que nous, ce matin, on est allé au McDo. Alors, faut que je fasse écouter ça. Philippe Echtebecht, vous connaissez Philippe Echtebecht? Ah ouais, cauchemar en cuisine. Ah, c'est le mec qui pourrit tout le monde quand il va visiter des restaurants. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, il va visiter des boubouilles. Ouais, mais ça, c'est de la merde. Regardez, c'est normal qu'il y ait des rats dans la cuisine. Ah, t'as le mec qui répond, bah oui, bah, c'est normal. Ça montre s'il y a des animaux que c'est naturel ici. Bah oui, bah attends. Voilà. Donc, Philippe Echtebecht, il visite des restaurants et il les remet à niveau. Enfin, il essaye de les remettre à niveau. Ouais, ouais. 70% de réussite, il a sur cette émission. Ah, il y a quand même 70% de réussite. Ah ouais. Ouais, non, mais il y en a. Y en a qui ferment derrière. Ouais. Non, mais il y en a, tu savais que c'était désespéré, quoi. C'est-à-dire, par exemple, tu sais, le boui-boui préféré de Cédric. Ah, le mec sert après avoir jeté les poubelles sans s'être lavé les mains. Ouais, ah, non mais ça, à la limite. Est-ce que Philippe Echtebecht peut faire quelque chose pour lui? Ouais. Il faut couper les mains, ouais, il faut lui mandale, déjà. Il faut lui mettre une tarte dans la gueule. Ouais. Non, mais tu sais que ça, c'est limite. Non, mais ça, c'est soft pour lui. Pour qui? Pour Cédric? Ah non, mais pour Philippe Echtebecht. Moi, je te disais, ce matin, j'ai regardé la semaine dernière, où il y a 15 jours, là, il y a un truc qui est passé. C'était une meuf qui avait ouvert une pizzeria. L'autre, tu sais, il vérifie, là, tu sais, t'as tous les pots avec tous les ingrédients, là. Il regarde le jambon. Le jambon, il était pourri. Ah non. Il commençait à moisir. Et la meuf, mais normal, hein, elle fait. Ah, mais moi je le mange même s'il est comme ça. Ah, hein. Oh bah tu vois. Ah non. Et l'autre il retourne, mais tu sais, il y avait de la moisissure. Ah. Et il lui dit, non, mais il fait. Tu te rends compte? Cédric, tu te rends compte que c'est de la merde? Ah ouais, c'est quoi le restaurant qui t'a rendu le plus malade, Cédric? Le plus malade? Ouais, ah, mais s'il y en a eu un paquet. Je suis sûr que c'est un bon truc en fait. Normal, tu sais. Non, mais t'as été malade plein de fois après avoir bouffé. Ouais, mais non, il y a un restaurant il y a pas longtemps, j'y étais. Ouais. J'ai même pas eu le temps de finir que je suis parti aux toilettes direct. T'étais malade? Ah ouais, j'étais malade. C'est que ça devait être sacrément bon. Non, non, c'est un pote à moi qui l'a choisi. Putain, je l'ai traité. Tu devrais manger aux toilettes. Et en fait, on est parti. Oui, c'est vrai. Non, et en fait, c'est quand je suis dans les toilettes, j'ai ouvert, tu sais, il y avait une petite fenêtre. Tu sais, je voulais ouvrir pour aérer parce que, tu sais, ouais, l'odeur, ça puait. Ouais. Et je vois pas, tu sais, dans la cour, t'avais les mecs, ils avaient les marmites avec, tu sais, les carottes du couscous. Les marmites dans la cour. Ouais. Ouais, tu sais, dans la, il avait avec posé une fenêtre qui connecte les toilettes. Ah, ouais. Ça m'a dégoûté. J'avais filmé, j'ai envoyé à mon pote il avait halluciné. Parce qu'on est sorti, lui il a eu la chasse juste derrière. Faut lui envoyer, ah bah c'est ça, faut lui envoyer Flippé je te bêche à lui là, il va te remettre à niveau. Ah, je et ce matin, donc, puis tu as bossé au McDo, bon ça s'est pas super bien passé, t'as fait deux mois et après ils t'ont pas repris. Donc c'est un peu ton problème d'ailleurs, tu fais plein de boulot mais ils te reprennent jamais, Xavier. Et par exemple. Eh bien, oui. Allez, juste au McDo, mais ils t'ont sorti quoi comme argument pour pas te reprendre? Bah, ils m'ont rien dit, j'ai envoyé des lettres de motivation CV, ils m'ont jamais répondu. C'est peut-être le même problème que JR là, qui nous envoyait un message, qui nous dit moi on me trouve toujours trop lent quand je travaille dans n'importe quelle entreprise. C'est un peu ce que tu nous as dit tout à l'heure, toi. Ouais. Et bah écoute bien, en tout cas ce matin, Philippe, je t'ai appelé si à McDo. Tu mets une demi-heure à faire un Big Mac, ouais. Bah vous allez voir qu'au McDo ils sont rapides à répondre. Et ouais, même le matin, dans le morning, Philippe, je te bêche, réveille le McDo. Eh bien, on est tombé sur une charmante, on peut le dire. Charmante hôtesse de McDonald's. Ah, oh, les équipiers, c'est ça, une équipe. McDonald's, Monday, Mélissa, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, Philippe Etchebest. D'accord, ça va? Carrément. Elle le connaît. Ça vous va comme réponse? Ça va, tranquille. Enchanté. Enchanté. On peut manger ici ou pas? Bah oui. Bah ouais, au drive. Ah, attends, c'est une blague. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Il y a du couscous. Ouais. Le Mac couscous. Il y a du couscous, il y a du tagine, il y a tout ce que tu veux. On va s'arrêter là, parce que moi ça me dépasse, j'arrive pas à te comprendre. Je peux même te faire un kebab si tu veux. Ah, oh, un kebab. Putain. Oh non, c'est pas bien. Oh, du coup. Génial. Vous avez pas de carte? Bah, ça dépend. Tu veux McDo ou tu veux couscous, tagine, kebab, ce que tu veux? C'est pourri, c'est dégueulasse. Ah, bah ça dépend. Si c'est moi qui le fais, tu risques pas d'être déçu, je te le dis. Le plat du jour, vous l'avez goûté? Ouais, j'ai goûté, ouais. Tu travailles dans la merde tous les jours? Bah, non, non, ils sont super bons. Je vomis maintenant ou j'attends un peu là? Parce que là... Comme tu veux. Je vais te mettre ton nez dans ton caca. Et puis après on va voir. D'accord. Oh, j'en ai de la chance. Ah oui. Ma salade, quand vous faites une vinaigrette, mettez du vinaigre ou pas? C'est pas nous qui l'avons la vinaigrette. Arrêtez. C'est une blague. Bah ouais. C'est quoi la salade italienne d'abord? Bah il y a le mozza, il y a des pâtes, il y a des tomates, il y a Oui. Des herbes, et puis voilà quoi. Faut que je bouge d'ici là, et vite. Ok, ça marche. Yes, je vais enfin pouvoir aller me coucher. Putain, mais je suis énervé. Hein. Oh là. Allez, bisous. Bisous, elle est mignonne. Ils sont sympas chez McDo. Hein. Ah, sympa, et je savais pas qu'ils faisaient le Mac couscous et le Mac tagine, moi. Ah bah, c'est nouveau. C'est la nouveauté. Et ouais. Le Mac kebab. Eh ouais. Il y a aussi un Mac kebab. Eh bah, c'est chelou ça qu'ils aient jamais fait ça d'ailleurs. Des Mac couscous, des Mac tagine, des Mac kebab. Non, mais un Mac kebab. Ça pourrait avec un vente de kebab. Ouais, ouais, c'est Mac vrai, kebab. Ouais, ils font déjà les wraps donc. Du McDo. Bon, ben voilà, ça c'était notre petit coup de fil. C'était pour te motiver un petit peu pour le McDo. Bah, en tout cas, tu veux bosser toi dans le milieu hospitalier. C'est là-bas qu'il faut que tu fasses. Bah ouais, parce que tu seras motivé. Et en plus, on nous disait, il y a des boulots, notamment cet été, hein, si tu veux bosser cet été, les brancardiers, tout ça, ils en recherchent dans les hôpitaux. Donc n'hésite pas à te renseigner. J'ai déjà postulé, mais tiens, il y a Lina là qui est au téléphone avec nous, qui voulait nous parler en direct de Nantes. T'es là, Lina? Oui, je suis là. Salut, Lina. Donc toi, t'étais en alternance à la SNCF. Et alors, est-ce que c'est un métier que tu adorais ou que tu n'as pas aimé? T'as adoré ou t'as pas aimé? Non, j'ai détesté. Ah, tu vois, tu n'es pas la seule. Eh bien, big up à tous les cheminots. Ouais, oui, c'est sympa. Salut, la SNCF. Les cheminots toujours en grève. Oui, t'as vu un peu, hein? Bah, pas tous, hein. Il paraît qu'il y a 10% de grévistes. Donc, c'est vrai que quand les cheminots qui bossent, ils entendent dire, on est toujours en grève, il y en a quand même là. Il y a quand même 10%, ça fout la merde. Ouais, 9 sur 10 ouais, qui bossent. Ouais, mais ça fout toujours la merde. C'est vrai. Et puis, ça fait bosser plus les autres en plus. C'est ça, tout à fait. Demandez une prime, dédommagement. Prime de grève. Ah, Romano, tu serais petit cheminot. Tu ferais grève ou pas? Sachant que t'es pas payé pendant la grève. Non. Non, jamais, hein. Ah, mais l'autre fois, j'entendais, bon, ils sont pas tous pareils, mais un cheminot, là, qui parlait, mais le mec, il avait des revendications, alors attention. C'était quoi les revendications? Le mec, il voulait pas, alors le vendredi soir, quand il avait le week-end dernier, le samedi et le dimanche, il voulait absolument pas finir après 19h. Oui. Il faudrait pas qu'il bosse dans la radio libre, par exemple. Il y aura pas d'émission le vendredi avec lui. Non, c'est ça. Et samedi, pour qu'il ait son samedi et dimanche, et que ça lui entame pas son week-end. Très bien. Et le mec expliquait aussi que, admettons, s'il finissait avant 19h, il exigeait un jour de compensation, donc un jour de repos. Pourquoi? Parce qu'il considérait que s'il finissait après 19h pour le week-end, après 19h, et le truc c'était en semaine, s'il finissait après 19h, il refusait de commencer à 6h le matin. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, mais bon. Logiquement, il y a 12 heures entre l'heure où tu finis et l'heure où tu démarres. C'est la loi, hein, je crois. Ouais. Enfin, ça dépend du métier, mais en général. Ouais, après, ça dépend, ouais. Ça dépend, ouais. Oui, quoi, ça va. Tu finis à 19h, tu finis à. Bon, c'est pas non plus. Mais lui, il aimait pas, lui. Non. Ouais, faudrait pas qu'il vienne chez nous. Parce que... Non, mon avis, faudrait pas qu'il travaille à Skyrock. Ouais, lui, c'est à mon avis, s'il finit à 19h, il veut pas finir à 19h05. Ah non, mais non, mais les mecs, s'il finit à 19h, il se barre. Le SAQ. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé, toi, la SNCF, Lina? Ah bah en fait à chaque fois qu'on avait des perturbations on se faisait insulter Ah oui c'est vrai que l'Espagne à zéro. Ah Espagne désolé habitué parce que le but de l'Espagne. Premier sur le foot, excuse-nous Lina, mais le foot, l'euro. Bien sûr. Oui. Bah, premier sur le foot, bien sûr. Eh bien Lina, tu viens de vivre avec nous le premier but des Espagnols face à la Turquie ce soir. Espagne. But du joueur de la Juve, Morata. Ah, c'est Morata, j'aime ouais, bien. C'est ça, ouais. Elle est trop fort, Morata. Aïe. Il joue, lui, Morata. À la Juve, on vient de le dire. Ah. Et dans l'équipe du Brésil aussi. Ouais, au Real. C'est aussi le Brésil. Vous aurez le journal de l'Euro là tout à l'heure. Il s'est passé bleus. Plein de choses. Et le journal des Bleus de l'Euro à suivre sur Skyrock. Et 1-0 pour les Espagnols, désolé les Turcs. Ça va être chaud pour la Turquie, c'est mal barré cette histoire. Ah, c'est chaud. Ouais, ils ont perdu le premier match. Ouais, il me semble 1-0 contre la Croatie. Et là, ils perdent 1-0 contre l'Espagne. But de Morata qui frôle le ballon avec sa tête, mais c'est suffisant pour le foot dans le. Mais dans ça passe. Cas. Ça passe et ça fait 1-0. Bon, tiens, en parlant de foot, tu as entendu ce matin, comment s'appelait-il, Blatter, le cafard? Ah, oh, dégueulasse. Oui, parce qu'une blatte, c'est un cafard. On l'a appelé Blatter parce que c'était Blatter. C'est pas mal. Pour aller voir la vidéo d'ailleurs. Blatter, le cafard qui porte bien son nom puisqu'il a pronostiqué une victoire de la Suisse pour dimanche. Ah ouais, j'ai vu ça. Et tu l'as touché en plus, la Ah oui. Et ses collègues cafards, parce qu'on a vu que lui, il allait dans la Suisse. On s'est dit, on va mettre tous les collègues cafards. On en avait 10. Ils sont tous partis là-bas. On les a tous mis dedans. Et il y en a plus de la moitié qui est partie dans la Suisse. Si nos pronostiqueurs du morning, nos pronostiqueurs ce matin, Blatter et ses potes, il y avait également Kafkaf le cafard, enfin tous ses amis. Ogi également, ils étaient tous là. Ah, tous la famille. Tous la famille. Ah, c'est con, ils sont tous allés dans la Suisse. Mais t'en as fait quoi après Suisse. Donc, ah ouais s'ils ont fait des bons pronostics, ça veut dire que le dimanche on perd. J'espère les a filé à un mec qui a des serpents. Ah, j'espère ouais, qu'ils se sont trompés. Ah, en fait, mais non, on va gagner. Oui, j'espère aussi, Lina, je suis comme faut toi. Espérer, ouais. Ouais, donc tu nous disais pour la SNCF juste avant le but de l'Espagne. Ouais, je disais les insultes. Ah ouais, il y avait des pervers aussi. Absolument. Et toi, tu faisais quoi? Tu faisais agent de quai? J'étais agent d'escale, en fait. Donc, tout ce qui est accueil. C'est ça. Donc, c'est toi qui te fais insulter. Ouais, c'est toi qui es en première ligne. Ouais. Quand il y a des grèves, voilà, des retards, des pannes. Tu es en front line. Il y avait quelque chose. On se faisait insulter. Et puis, bien sûr, on avait nos responsables qui se cachaient dans leur bureau. Tiens, va te faire insulter. Mais, genre, les gens, ils te traitaient de quoi? Connasse. Ah bah, ils traitaient. De salope de la SNCF. Ouais. Deuxième but pour les Espagnols. 2-0, excuse-moi, Lina, on va pas y arriver. 2-0. Espagna. Les champions du monde, les champions d'Europe. Ouais, ils sont plus rapides que les Français. Ah, c'est vrai qu'ils attendent pas la dernière minute. Ouais. C'est vrai qu'ils ont eu un paquet de titres entre 2006 et 2012. Ouais. Et but de Nolito. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben bravo Nolito. Deuxième but, il est en train d'embrasser Morata. Tout va bien, les Espagnols sont contents. Et les Turcs font une sale gueule. Mais tu vas me dire, je les comprends aussi. Hein. 2-0. Ah bah ouais. En 2 minutes, 2 buts. Bravo les Espagnols. Bon courage, amis turcs. Tiens, il y a Oran qu'on. Qu'on s'est cul. Ouais. Salam alaikum. Qui nous dit qu'il a mal au cul. Mais c'est pas fini. Il reste une mi-temps. Hein. Il reste même la fin de la première mi-temps, qu'on suit en direct. Bon, alors Lina, on y revient. Donc la SNCF, tu te fais insulter. Donc connasse, salope. Enfin bon. Plus les pervers. Classique. Je comprends que tu. C'est pas aimé. C'est pas agréable. Ouais, je comprends que c'est pas. Non, en même temps, t'étais pas arrivé à la meilleure période. Ouais, c'est vrai aussi. Si t'es arrivé en pleine période de grève. Ah, bah là, c'est clair, ouais. Non, mais en même temps, moi, je comprends que les gens, ils gueulent. Tu sais, tous les matins, tu galères à prendre ton train. À aller bosser et tout. Ah, ouais, les trains, ils sont blindés. Et les métiers qui arrivent déjà. Ouais, déjà. Il y a des jours où ils n'amènent pas du tout. Bah, quand il n'y a pas de train, oui, c'est sur le quai que c'est blindé. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez fait quoi dans l'équipe comme métier que vous n'avez pas aimé? À part radio, moi je fais que ça. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Santé. Moi. Je ne sais faire que ça. Tu as travaillé au ministère de la Santé. Alors, non, mais écoutez, Karim a travaillé au ministère de la Santé. Eh ouais, man, mais putain, mais je faisais de la merde. Ben, c'est oui. J'étais dans une pièce. Tu n'as pas changé, tu j'avais, sais. J'avais quoi? Peut-être 10 boîtes aux lettres bleues et 10 boîtes aux lettres rouges. Oui. Donc noté de 1 à 10. Quand il y en a un qui mettait une lettre dans la boîte aux lettres rouge numéro 10, fallait que je la prenne, la lettre, et que je la mette dans la boîte aux lettres 10 bleue. Mais pourquoi le mec ne la mettait pas direct dans la bleue? Parce que c'est des P4, c'est ce que je me demandais, gros. Mais en même temps, c'est bien, ça t'a fait du taf. T'as les emplois fictifs. Putain, mais je me fais chier, mais un truc de ouf. Et des fois, j'avais 2 lettres par jour. Je veux dire, toute la journée, je restais pour 2 lettres. Ce qui est terrible, c'est que quelque part, bon, c'est avec notre argent qu'on paye. C'est vrai. Donc, si des mecs comme ça, il y en a des milliers en France. Bah, c'est ça le problème. C'est super. Les mecs qui transfèrent juste une enveloppe. Bon, en même temps, le taf est pas fatigant. Mais j'avais que ça à faire, mais ça me faisait chier. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi le mec, il la met pas direct dans la bleue. Mais je sais pas. Bah pour faire travailler Karim. Bah fallait bien qu'ils embauchent des gens. Surréaliste. Tu te dis, c'est un truc de fou. Je suis paradin, mais comme tu le dis, c'est quand même avec nos impôts. Et est-ce que t'arrives à te tromper, Karim, des fois? Non, non, ça tu va. Tu mettais dans la 8 au lieu de mettre dans la 8. Non, non, ça va, ça va. Et si, des fois, je ramenais le journal des journaux, Libération, tout ça, dans quelques bureaux. Ah, c'est quand tout. Même. Waouh. Mais genre, peut-être 2 bureaux par jour aussi. Mais genre, et ils payaient 7 heures par jour, quoi. Ils payaient, non, plein. J'étais à mi-temps. Ah ouais, bah heureusement, oui. Ils payaient à mi-temps. Tu m'étonnes. Bah, mi-temps pour 2 lettres, ouais, ça va, oui, ça va, c'est. Ça va, ça va. Il y a les métiers que vous avez pas aimés. Vincent Naretto, 20 ans, qui nous dit, moi, perso, je travaillais à EDF. C'était pas super, surtout quand elle fallait couper le dernier resto d'un village, ou alors une mamie qui pouvait plus payer. Ah ouais, ouais, ah, ça fait mal au cœur, ça. C'est vrai que c'est pas facile, t'arrêtes, toi. Crash Bandicoot, qui nous fait, le métier que j'ai détesté, c'est maçon. Parce que je bossais qu'avec des cons. Ah ouais, c'est vrai ah que bah, ça joue aussi. Ça, ouais, bah, ça joue. Peut, ouais. Ça peut te dégoûter d'un métier. Ah, ça dépend de ton équipe. C'est que si t'as que des connards autour de toi. Bah ouais. Bah, merci Marie. C'est gentil de nous regarder tous comme ça. Non, mais non. Je pensais pas à vous. Les uns derrière les autres. bon, bah, écoute, Lina, t'as trouvé un boulot qui te plaît maintenant? Tu fais quoi? Oui. C'est quoi? Je suis chargée, clientèle. Marie aussi, elle est chargée. Hein. Non, ça va. Elle est chargée ce soir. Non, non, pas chargée. Chargée clientèle, tu bosses dans quoi? Je bosse dans une assurance. Très bien. Ben écoute, oui, ça rapporte de l'argent, les assurances sur notre dos, c'est bien. Donc tu peux. Profite-en, fais-toi payer, Lina, t'as raison. Bon, ben c'est gentil en tout cas d'avoir appelé pour Xavier. Xavier, trouve-toi un taf qui te plaît et puis ben, on espère que tu auras un petit peu plus de chance. Qu'il soit motivé aussi. Ouais, c'est post. Ah, t'as mais pas l'air motivé, hein. T'as pas l'air, ouais, t'as pas l'air trop. Ouais, ça va, je hein. Je suis pas motivé, moi. Ah, si, je trouve, moi, je suis très motivé, hein. Ouais, il est motivé, motivé. Ouais, motivé. Ouais, je vais faire un brancard. Bim, je fais tomber de malade. Brancard, boum. Moi, je travaille dans les pompes funèbres. Il y a des brancards chez moi. Tiens, nous dit Ness du Val d'Oise. Salut à toi, Ness, des pompes funèbres. Ça, ça doit être particulier quand même. Ouais, j'ai un pote qui bosse là-dedans. T'as fait là-dedans et c'était bon délire. Ouais, mon pote aussi, il me dit, il fait des blagues et tout, c'est avec ses potes sur les entre eux, quoi, tu vois, il rigole des trucs. Bonjour monsieur, vous avez pas trop froid? Non, mais devant les familles, ils sont super sérieux, tu vois, les mecs sont habillés en costard noir. Ah bah, c'est triste, c'est triste. Ils sont en mode triste, tu vois. Non, après, entre eux, les mecs, ils rigolent. Oh là, les gens, ils sont tristes quand ils voient la mort, je comprends pas. Bah ouais. Ils mettent des costards noirs. Non, mais c'est vrai qu'après, les mecs qui font croque-mort, oui, ils sont pas en bas de toute leur vie. Non, ils rigolent, hein. Les mecs, ils ont une vie à côté. Moi, je pourrais pas faire ça, moi. Après, respect à toi, il en faut, de toute façon. Demain, je cours au McDo. Je prends un Mac couscous. Ah, il y en a qui ont été fascinés par le coup motive. De Philippe Echtebecht avec le Mac couscous de tout à l'heure. Bon, bah écoute, Xavier, on te souhaite bonne chance pour la suite. S'il y a du monde du côté de Rennes qui a un taf à te proposer, bah pourquoi pas, il est motivé, il a envie. Et puis Lina, on te fait de gros bisous, hein, nous plein. Du côté de Nantes. Merci. Et t'as vu ça quand même, parce que c'est la guerre entre Nantes et Rennes. C'est un peu en contre comme Paris et Saint-Étienne, Lens et Lille, Marseille, Paris, ouais. Etc., etc. Eh bien, c'est une Nantaise, Lina, tu es bien Nantaise, hein, qui est née à Rennes, Xavier. Et c'est ça, la magie Skyrock. Et avant la fin de l'émission, si vous êtes turc et espagnol, on cherche un couple turc et espagnol qui s'embrasse sur la bouche en direct. Pour fêter, putain, ils vont être contents. Tiens, pour fêter la paix sur le monde, la paix dans le monde et sur Terre. Et puis, bon, le 2-0 de Espagne pour l'instant face à la Turquie. Bon, gros bisous, Xavier, super bisous aussi à toi, Lina. Salut tous les deux, raccrochez pas, vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. C'est parti, attention, dans un instant, Fabio débarque avec nous, on va lui dire bonjour à Fabio. Et Romano, t'es prêt pour ton top bug? Vas-y, quand vous voulez. On va pas tarder, on est prêt pour le double appel aussi? Ouais. On est prêt pour le double appel, on est prêt pour le top bug. Allez, priorité aux familles, le double appel arrive. Et puis merci pour tous les numéros que vous nous laissez. Il y en a qui nous font des descriptiques. Appelez la première, elle est hystérique. Ok, je prends la première qui est hystérique. Et on l'a pas encore testé, mais on va tester ça, on va le faire en direct là. C'est parti, le double appel sur Skyrock, la priorité aux familles bien sûr. C'est pas nous qui appelons ou qui vont. Aucun des deux n'a appelé l'autre. C'est qui appelle là? J'ai une bonne bite là. Le double appel de Difool sur Skyrock. Qui dit j'ai une bonne bite? Ça, alors celui qui dit j'ai une bonne bite, c'est Patrick qui a le droit d'intervenir pendant le double appel. Comme Cédric d'ailleurs. Salut les filles. Vas-y, chope tous les sons de Cédric, parce qu'en descendant de toi Cédric, on en a quand même un paquet. Ça, tu c'est es clair. Tellement séduisant et tellement beau gosse. Au moins, je pense que les allô, familles. Allô. Allô. Les... Allô, tu parles bien. Je pense que les familles ne pourront pas résister. Ah mais comment résister à ça? Donc Patrick, Cédric, vraiment de la séduction, des séducteurs, des beaux gosses qu'on va retrouver maintenant. Je suis en train de masturber là. Bon, en gros, on appelle deux familles, on les laisse parler ensemble. Si on a un petit problème, Patrick peut venir nous aider, Cédric aussi. Et puis on en a d'autres. Hein. Ouais, on a d'autres. J'ai même Romano qui est là, tiens. Mais oui, Romano, tu t'es reconnu comme t'es mignon. Mais oui. Mais oui, tu as cette voix magnifique. Voilà, très bien, c'est gentil. Parfait, dis quelque chose de peut-être un peu plus compréhensible pour les gens. Oui, non. Voilà, pour les familles, c'est mieux. Ben de voilà, c'est parfait. Alors, qui c'est qu'on appelle ce soir? C'est parti. Ouais. Alors là-haut. J'ai chez Alain. Ouais. Dans le 15. Oui. Et chez Bertrand. Alain et Bertrand. Et dans le sud, Bertrand. Très bien, Alain et Bertrand pour bien démarrer le week-end. C'est parti. Alain. Y en a un? Ah oui. Oui, non. Allons. Allô. Ah, les deux sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça sonne tout seul, il y a notre truc. Ah oui, c'est dingue. Bonjour, vous êtes bien chez Pierre et Christiane. Allô. Oui. Et alors, allons. Salut les filles. Allô. Allô, allô. Allô. Allons. Salut les filles. Allô. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est passé un truc bizarre. Non mais il y a eu un transfert d'appel en fait. Il y a eu un schmurz. Ouais, c'est un transfert d'appel. Ouais, un schmurz. Il y a eu un schmurz. Il y a eu une merdouille quoi. Ah, il y a eu un merdouille. Qu'est-ce que c'est qu'un schmurz? Non mais une merdouille quoi. Une merdouille et un schmurz. Il y a eu un bug. Un bug, ouais, c'est ça. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. On appelle qui? J'ai Yvette et Denis. Oh bah Yvette et Denis. Allô. Allons. Ouais, mais je vous entends très mal, hein. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Patrick. Patrick, pardon? Moi je connais pas de Patrick. Non, qui êtes-vous? Ben moi, c'est moi, je veux savoir qui vous êtes d'abord. Ben, je sais pas, vous m'avez appelé. Non. Non. Certainement pas. Bah attendez, le téléphone a sonné chez oui, moi. Mais c'est pas vrai. Ah, bon, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, j'ai une bonne bite là. Comment? Allô? Allô? Allô? Gendarmerie de seconde unité Bouilly. Bonjour. J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne bite là, bien. Oui, bah c'est qui là? C'est quoi? Patrick. Patrick qui? Patrick. Patrick qui? Patrick. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que ça vous amuse ou quoi? Ben non, mais j'entendais. Chouchou, mais il va falloir qu'il t'encule tout de suite, hein. De quoi? Et encule-le. Oui, mais écoute, toi tu vas te faire enculer, puis après on en reparlera. Et ben écoute, de toute manière, c'est pas compliqué. Sur Orange, on peut avoir les numéros. Donc de toute manière, vais voir avec la gendarmerie. Et à mon avis, t'auras un petit problème. Mais c'est toi qui vas te faire enculer, mon petit gars. Je te dis au revoir et je t'emmerde. Et puis de toute manière, tu viens plus me rappeler parce que si tu continues, mon petit gars, de toute manière, à mon avis, ça va être ta petite guerre. Encule-la comme il faut. Et encule-le. Ah merde, il est parti. Ça va être la petite guerre. Et De toute manière. De toute manière, vous en pensez quoi, vous hein? De toute manière. Trouvez les numéros. Eh bien, merci, Kevin, pour le numéro de téléphone de Yvette. C'est Tata Yvette pour. Ouais, c'est ça. Kevin et un voisin que j'aime pas. Oh, il était sympa comme tout, le voisin. Attends. Le mec s'est pris pour la gendarmerie et tout. Ouais. Allez, gendarmerie nationale. Gendarmerie de Chipidou, là. Et de toute manière, c'était en plein dans le match de foot, là, le bon, et c'est justement pour c'est la mi-temps. Mi-temps avec un 2-0. Deux buts pour les Espagnols qui rentrent tranquille au vestiaire. Bon, un peu plus difficile pour nos amis turcs. Hein. Ah ouais. Pas facile d'ailleurs. Tiens, on a un turc en ligne avec nous, il est là. Non, c'est pas un turc, c'est une fille, Ayou. Et c'est une turque peut-être alors. Peut-être. Bonjour mademoiselle. Allô, bonjour. Bonjour, 2-0, Espagne-Turquie. T'es au stade toi Ouais, je suis au stade, oui. Salut, tu l'appelles Ayou? Ayoumi, oui. Ayouni, d'accord, mais t'es pour la Turquie, t'es pour l'Espagne, t'es pour qui? Franchement, je suis pour aucun parce que c'est deux nationalités que j'aime bien. Donc, D'accord. Donc, c'est le feu. Ça, c'est bien. Au moins, t'es sûr que quand tu vas voir un match, tu seras contente à la fin, quoi qu'il arrive. On sent bien, voilà, on sent bien. T'es dans quel stade? À Nice. À Nice. Ok. Il y a Rihanna qui vient à 10 d'ailleurs, ouais, avec Skyrock, ouais, on vous offrira vos places avant minuit là. En juillet là. Et oui. Bah, je veux bien qu'on m'en passe là. Hein, non, ouais, reste dans le stade et attends là. Eh ben, si tu restes dans le stade jusqu'au mois de juillet, tu ne la louperas pas. Elle sort pas du stade. Elle sera là-bas le 15 juillet. Exactement. Ah bah, t'as du temps. Bon, eh bien, écoute, tu suis le match avec nous, on te retrouve tout à l'heure, Aïnou. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Salut, Aïnou. Salut. À tout de suite. Salut. Eh ouais, on voyage sur Skyrock. Les familles de toute la France, les matchs de foot, l'Espagne, la Turquie, la Bourgogne. Est-ce qu'on a deux familles encore? Ouais, bien sûr. Allez, on y retourne. On a le temps d'en faire un petit. On se prépare pour le top bug. Oui, Patrick, on arrive. Ah, mais il est chaud, lui. On se prépare également parce qu'on a le clash de la drague à faire pour cette semaine. Ouais. Le dernier. Que je termine, Cédric. Dernier de la semaine. Pas d'ailleurs. Et puis, Pamela qui arrive avec les pervers. Faut qu'on vous fasse écouter les annonces des pervers. Allô? Allô? Allô? Je suis en train de masturber. Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour, vous êtes bien à la gare? On est à la gare? Ah, je t'ai dit, Romano, dis-leur des trucs qu'on comprend, parce que je crois que les familles sont pas prêtes pour entendre. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je parle à la tête de tortue, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est pris. Allô? Allô? Mais vous êtes j'ai qui? Une bonne bite, là. Oui, vous êtes qui, vous, madame? Bonjour, madame. Oui, vous appelez qui? Bah, vous. C'est vous qui m'appelez, madame. Ah, non. Bah, si. Bah, j'ai des témoins, je suis avec des amis, on est en train de regarder le match de foot, c'est la mi-temps. C'est vrai. Et là, je sais pas, il y a quelqu'un qui nous a appelé, qui nous faisait ça d'ailleurs. Oui, non. Je sais pas qui c'était. Non, mais écoutez, c'est pas moi. J'ai une bonne bite là. Allô? Ah, vous entendez? Allô? Allô? J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne bite là, bien. Oui, non. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Mais pourquoi vous m'appelez madame? Vous allez me foutre la paix. Ah non, parce mais attendez, ça va commencer à m'énerver. Hein. Ne soyez pas vulgaire, vous êtes vulgaire, madame. J'ai des godes. Voilà, vous entendez. Et votre mari est vulgaire aussi, je l'ai entendu dire, j'ai des godes derrière. Voilà, ouais. Très bien. Ah oui, là, putain, elle est au taquet, ce soir. Ah ouais. Comment ça, m'énerver? Elle a passé une semaine de merde, ouais, elle faut pas la faire chier. Je crois commencer à m'énerver. Oui, alors qu'elle devrait être détendue, elle aussi, elle regardait le match de foot, j'ai entendu derrière. Bah oui, c'est tranquille, on est vendredi soir, c'est le week-end. Ah, mais elle devrait être sur Bein, parce que nous aussi, on est sur Bein. Je sais pas, c'est sur quelle chaîne, ce soir, le match de foot? Sur Bein. Que sur Bein? Non, ça doit passer sur TF1 ou M6. TF1 ou M6, parce qu'il y a de la pub. Non, c'est pas TF1, c'est M6, ça doit être M6 aussi. Ah, il doit y avoir de la pub actuellement. Eh ben ouais, voilà, c'est ça, les gens, ils ont Bein. C'est TF1, c'est la fête de la musique. La fête de la musique. Très cette bien. Année, c'est un vrai bordel en France. Ouais, et le 15 juillet, vous font le jour de Noël, le réveillon. Noël, c'est ce que j'allais dire. Et le 31 décembre se fêtera sur TF1 le 15 août. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'à Marseille, c'est le 23 juin. Ouais, eh bah, ben, tu vas sur TF1, c'est le 17. Ah ouais. C'est ce soir. C'est ça. C'est à cause de l'euro, tout ça. Ah bah oui, oui. Ah bah c'est la panique. Non, mais une fête de la musique, c'est ton mardi, je crois. C'est mardi soir, le 21. C'est mardi. Ça, c'est pas bon, ça, mardi. Ouais. Non, c'est nul. Non, c'est bien la fête de la musique quand c'est le vendredi. Ouais, c'est le week-end. Ah oui, vendredi ou samedi, c'est mieux, là. Bon, alors, bah, on a géré les doubles appels de soir. C'est pas fini, hein, parce que peut-être que d'ici minuit, on aura envie d'en faire un d'autre. Donc, vous laissez vos numéros, ils sont pas perdus, rassurez-vous. C'est avant minuit sur Skyrock. Mais comme je vous l'ai dit, le clash, le top bug, Pamela. Et Fabio qui est en direct avec nous, il est où Fabio? À Bordeaux. Salut Bordelais, salut Fabio. Salut. Mais allô? Ciao. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Salut Fabio. Salut. Salut. Oui, allô? Bonjour. C'est super, ces ordinateurs sont super. Vraiment, j'aime bien celui-ci aussi là. Salut les filles. Voilà. Salut les filles. Ça, salut Fabio. Souto. Et allô? Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Bon, on arrête. Hein. C'est pas mal le jeu. Et bien notre jeu. Bon alors Fabio, okay. dis-nous pourquoi tu nous appelles toi Fabio. Alors moi je vous appelle parce que en fait je suis en famille d'accueil. Mmh. Ouais. Et ah, t'es passé à la télé alors, parce que j'ai vu sur. Il y avait un truc comme ça qui s'appelait Famille d'accueil à la télé. Mais t'es con, pfff. Pourquoi t'es en famille française? Bah, pourquoi t'es en famille d'accueil toi, Fabio? Bah, parce que ma mère, elle avait des problèmes d'argent, elle voulait que je sois en sécurité en fait. D'accord, donc elle t'a mis dans une famille d'accueil, mais t'as de bons rapports avec ta mère encore? Ouais. D'accord, t'es en famille d'accueil depuis quel âge là? T'as 14? Depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais, et ça te fait souffrir ça? Ou tu le vis bien, tu le vis mal? T'as mis à ta famille d'accueil, ta maman te manque, tu trouves ça bizarre par rapport aux autres? Je t'ai posé 20 questions, alors réponds maintenant. Ouais. Et dans l'ordre. Non, ouais, en fait, j'avais appelé Marie. Ouais, je t'avais eu, je pense que. Mmh. Ouais, et je lui avais expliqué, enfin. Eh ouais, et je ne t'ai pas appelé. Bah non, mais. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est moi, mon numéro, je les perds tous. Non, mais non. Non, Marie, c'est occupé. Non, il y avait eu du monde. Mais on avait discuté avec Fabio déjà. Et il t'avait dit quoi, Fabio? Bah, il m'avait expliqué voilà, que ça faisait 8 ans qu'il était en famille d'accueil. Non, 6 ans, Marie. 6 ans, ouais. Oui, oui, c'est parce que 14 moins 8, ça fait 6. Non, mais depuis qu'il a 8 ans. J'ai une bonne mémoire. T'as vu, Marie est toujours aussi bonne en maths, Fabio. Donc, ça fait 6 ans que t'es en famille d'accueil. Et en fait, je crois que t'as perdu ta maman, non, aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un an. Ah ouais, donc, ouais, une vie, c'est pas facile. Ouais, voilà. Et il a une tutrice, en fait, c'est ça. Je pense qu'on appelle ça comme ça. C'est quoi? La tutrice, c'est la dame qui est dans la famille, qui est en gros, qui a le rôle de toi. Le rôle de ta maman, de la personne qui s'occupe de toi. Voilà. D'accord. Et avec elle, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, mais je l'aime pas trop, en fait. Ouais, parce qu'elle est un peu stricte, je crois. Ah, elle est serrée à la maison. Ouais, c'est ça. Vous êtes plusieurs dans la famille d'accueil, vous êtes combien? Non, moi, je suis tout seul. T'es tout seul, ah ouais, donc tu peux mais la famille d'accueil, ils ont des enfants ouais, à, c'est ce que à eux demandé. Oui. Qui ont quel âge? Ils sont grands. Et tu te sens... donc, ils sont encore à la maison? Il y en a, ils sont dans la France, parce qu'ils sont grands. Ouais. Et il y en a, oui, ils sont encore à la maison. Et avec eux, tu t'entends bien? Oui, largement. D'accord, donc tu les considères ouais, quoi, un peu comme tes frères, un peu, c'est ça? Non, je les considère pas comme des potes, mais des demi-frères, quoi. Ouais, vous êtes proches, oui, quoi. Vous êtes, oui, ouais. D'accord. Comme la famille, quoi. Comme des demi-frères. Si, ouais. 6 ans, si t'as besoin de quelque chose, tu peux te retourner vers eux et tu peux leur demander un petit service. Ouais, tu crées des liens, quand même. C'est ça. Bon, bah écoute, c'est déjà ça. Et ton papa, il est où? Je l'ai pas connu, mais ouais. j'ai déjà appelé quand on était petit. Et t'as jamais donné de nouvelles? Et quand ta maman, elle est partie, quand elle est décédée, ton père n'est pas venu te voir en te disant t'as besoin de moi, tout ça? Non, parce qu'il est au Portugal, donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de... Voilà, quoi. Mais il t'a pas passé de coup de fil, il t'a pas donné de nouvelles. Ouais, t'as pas de contact non. avec lui, quoi. Bah écoute, je compatis avec toi, Fabio, parce que t'as 14 ans et t'as déjà vécu plein de choses, c'est pas facile. Mais en fait, faut te dire que tout ça t'endurcit, puis ça te permet de regarder la vie avec... Ah bah c'est certain que avec, ça endurcit. Hein. Avec toute l'expérience que t'as, mais c'est vrai que c'est pas simple. Ça, bah c'est... tu relativises sur ouais. beaucoup de choses, ouais. Et il y a plein de messages pour toi, d'ailleurs, c'est gentil, là. Mais Fabio, ton père, il t'a reconnu, ou... Oui, bien sûr, oui, mais en fait, quand je suis né, vers 2 ans, 3 ans, quand j'avais 2 ans, 3 ans, mais en fait, il... Voilà, ils se sont séparés, ouais. Ouais, voilà. Enfin bon, toi, tu étais pour rien qu'ils se prennent la tête, là. Bah ouais, c'est ça, ça qui me saoule. Et tu voudrais qu'on fasse quoi pour toi, Fabio, ce soir? Oui, donc, du coup, en fait, j'appelle pour parce que, voilà, je suis en famille d'accueil. Et cette fameuse inspectrice, en fait, quand je lui demande des choses, elle me dit tout le temps non. Je peux pas aller chez mes potes, dormir chez des potes. Je peux pas aller chez eux, je peux pas toucher aux nets. Donc, par exemple, tu lui dis, ouais, ce soir, je vais aller faire un tour, sur un bon pote. Même si elle le connaît, chez un bon pote, même si elle le connaît, elle te dit non. Non, là, c'est ça. Et elle répond toujours non. Faut lui poser des questions dans le sens inverse. Comment ouais. on pourrait faire ça, par exemple? Mais tu dis. Ah ouais, mais attends, par exemple, tu lui dis tu ne veux pas que j'aille chez mes potes? Ouais, si elle te dit non, ça marche pas. Non. Non, je ne veux pas, non, effectivement, tu as bien compris. Ouais, non, mais faudrait trouver, si elle ne sait que dire non, faudrait trouver un moyen détourné de lui poser la question, ouais. Oui. Mais bizarrement, je ne trouve pas, et dans l'équipe, personne ne trouve non plus. Comment on pourrait poser la question pour qu'elle dise non, mais que ce soit oui? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, mais j'ai bien compris, mais il faut savoir comment formuler la phrase. Alors, on va réfléchir à la formulation. Tu ne veux pas que j'aille dormir chez un pote? Bah non. Elle va dire oui. Ah ouais, non, elle va dire non, Marie, aussi, elle va dire non, ça marche pas. C'est pour ça qu'on galère, là. Et du coup, à cause de ça, je fais le d'avant en classe, quoi. Bah, faut peut-être avoir une discussion avec ta mère, c'est pas ta mère, tutrice, mais avec ta tutrice, et puis discuter un petit peu avec elle. Dire que t'as 14 ans. J'ai vu il y a pas longtemps, parce que, en fait, j'avais un iPhone en cachette. Ah ouais, parce qu'elle veut pas non plus tes téléphones. Non, j'ai un vieux Wiko, c'est pourri. T'as dit tout. Il y a quand même pire. Mais tu sais, il y en a plein qui sont comme toi, qui sont aussi serrés, même sans être dans une famille d'accueil. Moi non plus, j'ai rien le droit de faire, nous dit Focal, là, sur SMS. Salut Focal. Je n'ai rien le droit de faire à la maison. J'ai 15 ans et ma mère me prend pour un gamin. Tu vois? Donc c'est pas forcément la... Et t'es le plus jeune à la maison, toi, Fabio? Comment? T'es le plus jeune à la maison? Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi, ils te chérissent, ils te préservent, enfin bon. Ouais, mais est-ce qu'elle, elle a pas des instructions de l'organisme qui gère les jeunes comme toi? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, je vois d'ailleurs que tu galères un peu, mais on a compris à peu près la question que tu m'as posée. Non, mais c'est quoi, tu dépenses la DAS ou... C'est la DAS maintenant, j'imagine. Ouais, tu dépenses la DAS. Bon, ben dites-nous si vous avez déjà vécu ça, vous. Elle a des instructions, tu sais, parce qu'elle ne fait pas non plus ce qu'elle veut. Hein, c'est peut-être ça, ouais. Elle reçoit des ordres. Pour un peu, on lui a dit, voilà. Tu ne laisses pas sortir. Ouais, vous le laissez, il faut pas qu'il aille n'importe où, faut pas qu'il ait téléphone. Mais peut-être que tu fous pas bordel dans la vie, dans la rue, tout ça? Si, au Non, c'est quoi, quoi. Bah oui, comme tu peux rien faire.

Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. J'avais les dents pourries donc. Difool. Cédric. Non, non, ça sent pas la merde. Le caca, c'est bon. Marie. Moi, je lui ai déjà pris la bouche à Difool une fois quand j'étais bourré. Oh. C'est vrai. Samy. Oh putain. Oh oui. Oh putain. C'est un truc de fou. Momo. 10 mètres de haut en moyenne. Très vivace. Et Karim. Tu l'as embrassé, je sais pas quoi, non. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, merci à vous d'être là tous les soirs, 21h minuit. On est en direct, il est 22h03 et on suit la deuxième mi-temps qui a démarré juste à l'instant, la deuxième mi-temps de Espagne. Turquie. Espagne, pour l'instant, si. Gagne 2-0 face à la Turquie. Aïe, j'ai regardé les joueurs turcs, Akan et tous les autres. C'est un peu la gueule quand même, là, pour l'instant. Ils sont zaf un peu. Bah, ça se comprend. Imaginez qu'on perde 2-0, on fera la gueule nous aussi. Bah, on serait zaf aussi, quoi. Amis turcs, on vous salue. Le Strasbourgeois. Complètement zaf, Rouya. Oui, complètement zaf. Le Strasbourgeois d'Istanbul. Salut. Skyrock Strasbourg, c'est 96 FM pour nous écouter. Nouvelle fréquence de Skyrock, ça y est, on est arrivé à Strasbourg. Ouais. Ouais. Ah, salut le bonjour. Strasbourgeois d'Istanbul. Qui dit on va remonter, c'est pas possible, autrement on est éliminé. Oui, si vous perdez là, vous êtes éliminé. Ouais, ouais, ouais. Fini, fini. On a plein de réactions pour Fabio, c'est gentil de laisser des messages pour Fabio. Pas facile de vivre en famille d'accueil, ça arrive à ma meuf. Nous dit Coke sur SMS. Salut à toi, Coke. Non, moi ce soir je suis au Red Bull, moi. Hey. Coke, on te remercie. Et je comprends que ce soit pas facile à vivre, pour elle c'était pas simple. Il faut qu'il se trouve une meuf, j'apporte beaucoup de réconfort à ma copine. Eh ben écoute, faut te trouver une ça meuf. Ça sert à ça. Trouve-toi une meuf, Fabio, dis donc. Bah oui. C'est pas con comme idée, ça. Les filles. Ouais, mais. Bah, toi. Ça dure pas, moi. Oui, ah, bon. Ça dure pas. Ouais, mais au moins, ça passe le temps, même si ça dure pas. Regarde Marie, t'en as combien? Bah, je sais pas, oula, je vais compter, hein. T'as une question à la con, comme ça, ou quoi? Ça lui a pas, ça lui a quand même permis de passer de bons moments, hein. Ouais. Exactement. Hein, Romano, toi aussi, t'es un grand séducteur, t'en as combien de meufs, toi? Gothique, oula, l'huître, tête de cheval. C'est dents de cheval, pardon. Dents de cheval, il y avait qui d'autre, là? Raticha également, il y avait Raticha la belle. 50 toilettes. 50 toilettes, la meuf du flipper. La mononucléose. André aussi, t'es sorti avec André. Je suis pas sorti avec elle. Mais non. André. C'était une surveillante dégueulasse. Celle qui avait la tête en eux. Le profil. Ah oui, c'est ça. Ouais. Avec le nez rentré en fait. Ouais, elle avait la gueule rentrée par endroit. Ouais. Même si elle était cabossée du visage. Tu vois, Romano ne s'est pas gêné et. Hein? Et c'était la reine du flipper. La reine du flipper. Ouais, elle passait son temps à jouer au flipper, cette débile. Ne parle pas mal d'André, c'est pas parce qu'elle t'a rejeté alors qu'elle était si belle. Non, non, mais elle était dégueu, elle se foutait de sa gueule. Tu sais, quand je jouais au flipper, je te dis, on s'amusait à faire tilter le flipper, ça l'a rendu. C'était André, une surveillante. Ah, t'es là, je te préviens, tu refais tilter le flipper, je te fous. Allez, on fait un bad. Je te fous une privation de sortie. Et on nous a dit que la DAS n'existait plus, ça s'appelait la DR, je sais plus qui. Plusieurs messages. Est-ce que Fabio, tu connais Thomas Martinez? Thomas Martinez? Oui. Bah, oui. Il te passe le bonjour. Voilà. Ah bah, tu vois. Il a envoyé un message. C'est ton pote, il nous dit. Eh bah, c'est ton pote. Ça se passe mal, ouais. Non, mais tu vois, si ça se passe mal. Enfin, ça se passe pas mal à la maison. Et puis de l'Espagne, t'es juste un peu serré, ouais. Putain, les Espagnols qui sont en train de tuer les Turcs, là. 3-0. Espagne! Aïe, aïe, aïe, désolé. C'est Morata qui a marqué encore. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, t'as Morata de la Juve, il est bon, j'adore la Juve, moi. Ouais, il se bat. Non, mais il était prêté, gros, à la Juve. Non, il a été vendu à la Juve. Ils doivent le reprendre. Non, il a été vendu et le Real, ils avaient une option de rachat. Pour le reprendre, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, pour l'instant, il est en équipe d'Espagne, puisqu'on est dans l'Euro. Et il en a son deuxième but, ce qui nous fait 3-0 pour les Espagnols face aux Turcs ce soir. Difficile soirée pour la Turquie. Bon, reste avec nous, Fabio, parce que des conseils, on en a. On aura Alan pour toi. Tu connais un Lucas. On aura José. Toute ta classe qui t'envoie. Tout le monde écoute. Ouais. Ouais. Lucas Dambelli. Il n'y a pas son nom de famille, c'est Lulu. Salut Lulu. Je suis Lucas, le pote à Fabio. C'est super, vous passez sur Skyrock. Ou alors vous écoutez Skyrock et vous entendez des potes à vous qui passent dessus. Ah, c'est ça, exactement. Vous passez sur Sky et vous vous rendez compte qu'il y a plein de potes qui écoutent Skyrock le soir. Et bah, c'est bien. Ça fait souvent que ça arrive. Et en Thomas plus. Martinez, il dit que tu es son meilleur pote et il veut te dire à quel point tu comptes pour lui. Ah, c'est mignon, oh, ça. C'est une déclaration. Qui sera toujours là pour toi. Mais il faut compter sur ses potes. C'est important, les amis, c'est super important. Et bah, tu peux compter sur eux. Après, ta mère, elle va changer parce que t'as 14 ans, tu vas en avoir. Là pour l'instant t'es au collège, quand tu vas aller au lycée ce sera pas pareil. Tiens, tu vois, c'est le message de Alessandro. Salut Alessandro. Ouais, elle a peut-être peur qu'il t'arrive un truc, quoi. Quand tu vas au statutrice, quand tu passes au lycée, on prend tout de suite pour. Tiens, on va vous demander, on va vous poser une petite question parce que là, tout le monde peut répondre. Vous nous dites qu'est-ce qu'on vous interdit à la maison. Tiens, si vous êtes encore chez les parents, qu'est-ce qu'on vous interdit à la maison? Alors, j'imagine que si vous avez 20 ans, vous interdit moins de trucs, quoique. Mais qu'est-ce qu'on vous interdit à la maison? Quelles sont les règles qu'on a imposées? Qu'est-ce que vous aviez pas le droit de faire quand vous y étiez et que ça vous. Des trucs qui vous cassaient les couilles, genre par exemple, tiens, Romano, souviens-toi, va rechercher bien profondément dans ton cerveau chaud. Ah non, mais moi, c'est, ça va, j'ai 21 ans, donc c'était il y a 4-5 ans, quoi. Alors. Bon, alors, oui, dis-moi à voir. La question était donc, qu'est-ce que ta mère t'interdisait de faire ou ton père t'interdisait de faire et que ça te cassait les couilles? Bah, moi, pas grand-chose. Moi aussi. Tu sais que moi j'ai une enfance, non, mais après, une adolescence avec des parents qui me laissaient faire à peu près tout ce que je voulais. Ouais, c'est vrai que t'as eu de la chance. Non, c'est pas de la chance que j'ai eu, Marie. Il faut dire que j'étais quand même un fils modèle. Toi aussi, Romano, sans doute, non? Manger dans la chambre, ouais. La daronne, elle aimait pas, moi. Ah ouais, manger dans la chambre, moi, c'était tout le temps, moi. Bah non, tu mangeais à table avec la daronne, quoi. Non, moi, je mangeais dans le salon, moi. Moi, je mangeais dans ma chambre. Moi, je mangeais dans le salon. Ah, sur mon bureau, en regardant la télé. Et moi, je mangeais pas, il me nourrissait pas. Dans le fauteuil. Karim, mon pauvre. T'étais au parasite, quoi. Non, parce que comment on appelle ta tutrice? C'est ça qu'on dit, Fabio? Ouais. Ouais, c'est ça. T'as ta tutrice qui t'interdit de faire plein de trucs, mais ça peut arriver avec des parents, des vrais, hein, où t'as pas le droit de faire plein de choses. Ça peut arriver aussi, là. Ah non, mais oui, c'est pas juste parce que c'est ta tutrice qu'elle fait exprès de faire ça, oui. Oh là, moi j'ai une plante et j'ai un tuteur. Ouais, c'est bien. Il est gentil, il dit jamais rien. Mets-le dans ton cul, tiens. Ouais, j'ai déjà fait. Ah bah tiens, quoi. Je vais le mettre dans la gueule, le fesse de cochon, là. Après, je l'ai remis à la plante et la plante, elle est morte. Ah bah tu m'étonnes. C'est bizarre, ça aurait pu faire du fumier, Cédric, mais non, pas du tout. Non mais lui il doit avoir la merde radioactive, Cédric. T'as déjà chié vert, Cédric. Bah alors ouais. T'as chié vert comme ce qui sort dans la centrale nucléaire des Simpsons là de chez Burns. Quand tu bouffes que de la salade, oui, tu chies vert, tu vois. Ah non, moi quand je bouffe de la salade, mais surtout, je chie non, mais quand tu chies vert fluo, c'est que ta salade à la base elle est étrange. C'est une salade, c'est pas vert fluo. C'est une salade normale. Non, je suis vert clair. Voilà, vous connaissez pas le restaurant qui s'appelle le Tchernobyl? Non. Il est super. Est-ce que vous savez où je mange mes sushis? Non. Au Fukushima. Ah ouais, c'est pas mal. C'est un petit truc à ouvert. Il est sympa comme tout. Ça s'appelle le Fukushima. Il y a des sushis. Après, je suis violet rouge. Ah, c'est bien, ouais. Et ça fume. Et ça fume. C'est joli. Il se déforme de la gueule aussi. Ouais, et du coup, du cul aussi. Bon, Marie, on t'interdisait quoi, toi? Oh putain, moi plein de trucs. Mais ah, tu vois, Fabio, t'es pas tout seul. Mais je faisais ce que je voulais au final. Ouais, regarde, on m'a interdit de frapper ma sœur, je ne comprends pas. Sam a 15 ans, boum. Oui, bah ça c'est normal. Il a du temps, il est encore jeune, ça va s'arranger pour Juninho. Salut Juninho. Bah lui, il a la casette 71, lui, son père est coupé internet à partir de 19h. T'as pas internet aussi à la maison, hein, Fabio? Je l'ai, mais en fait, moi, je peux pas m'en servir. Oui, donc tu l'as pas, en gros. Ouais. Ouais. Et ça, c'est encore pire, parce que s'ils ont pas Internet pour tout le monde, bon, tu te dis, ils sont un peu arriérés, ils vivent un peu au 20e siècle, mais bon. Mais si y a Internet et que toi, t'as pas d'utiliser, tu te sens frustré, quoi. Ouais, clairement. Je vais d'ailleurs. Genre, t'es le seul de la famille, y a pas le droit d'avoir utilisé Internet. Romano, que tu es choqué, mon gars. Oh le bug. Non, mais t'es le seul dans la famille à ne pas utiliser Internet, à pas avoir le droit. Ouais, je suis le seul, ouais. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est quoi là, par exemple, alors, justement Romano, tiens, toi qui pouvais faire tout ce que tu voulais quand tu étais tout petit. Ouais, mais moi il y avait pas internet toi à l'époque, moi. Mais admettons, regarde. Mais c'est marrant parce que vous aviez pas internet. Ouais, mais tu sais, ça arrivait tard à Autun. Ah d'accord. En Bourgogne, je comprends mieux. Et donc ouais, comment tu réagirais dans le cas de Fabio? T'es à la place de Fabio, t'es dans une famille d'accueil et ta tutrice elle veut pas que tu aies internet. Déjà, tout le monde a internet à la maison. Non, mais je lui demande pourquoi déjà. Tiens, par exemple, t'es dans la même famille que Cédric, vous êtes tous les deux recueillis, vous vivez ensemble dans la même chambre. Ah non, mais je suis bien tombé dans le même lit. Franchement, je fugue. Je préfère vivre dans la rue. Et il y a un lit pour nous. Non, bah, je fugue. Viens, Romano, on va dormir. Non, allez, viens, superposé. C'est l'heure de faire dodo. Non, on vit dans un lit superposé. Je dormais au-dessus, moi. Ah, bah, mais putain, mais là, tu t'imagines, le lit casse, tu tues ton frère. Et tu pètes, c'est sympa. Mais une fois, ouais, je peux tomber dessus. Hein. Mais tu sais que tu es complètement à côté de la plaque, puisque là, on parlait de toi et moi, là. Ouais, je sais, mais imagine, on habite ensemble, je serai en lit superposé, je vivrai au-dessus de toi. Mais pourquoi tu seras en lit superposé? C'est quoi ce blocage? Parce que dans la même chambre, tu veux dormir quoi? Pas dans le même lit, couillon, va. Bah, si, c'est ce Moi je vous mets dans le même lit. Mais si on lit dans des lits superposés, je me mets en haut. Pourquoi t'as pas qu'il tombe dessus? Non, mais l'autre il va m'écraser la gueule. Ou alors, tu sais, je vais me taper des perlouses. Oui, bah oui. Je suis malade. Justement, je pensais à ça. Je me dis, excuse-moi, j'ai crevé le matelas tellement j'ai. Non, mais c'est ça. Tu sais que je pourrais pas dormir en dessous de quelqu'un parce que je me dis, j'ai tellement fait à mon frère péter comme un bâtard que je me dois obligé. Mais tu sais que tout le monde n'est pas un animal. C'est une bête. Non, mais c'est vrai, attends, tu peux te contrôler à minimum, quoi. Je sais pas si vous avez écouté ce matin, on a fait une révision pour le bac. Et Cédric a une fois été exceptionnel. Je pose une question, quel est l'animal sur Terre qui vit le plus longtemps? Cédric me répond, l'homme. Bah ouais. Mais on n'est pas des animaux, Cédric. Bah ouais. On n'est pas loin d'être des animaux. Toi, t'es complètement dedans, oui. Ça. Quand je vois les membres de l'équipe. C'est la tortue qui vit le plus longtemps. Eh ouais. Bah ouais. Ça peut vivre. Mais laquelle, la tortue de mer ou la tortue? Genre, t'as une tortue, la meuf, elle peut t'enterrer, hein. Ah ouais, ouais, ça vit plus. 182 ans la plus vieille tortue. Je crois, ouais, on disait ça ce matin. On apprend des trucs de fou dans le morning. Non, mais ouais, les tortues de terre, mais ça dure. Ouais. Mais souvent, la plupart des gens, en fait, c'est même pas qu'elles meurent, c'est qu'ils les perdent. Ouais, souvent. Parce que la nuit, l'hiver, ça hiberne. Et en fait, ça se met sous terre. Et des fois, ça fait genre, tu peux les retrouver chez le voisin, quoi. Et il y a des gens, ils les retrouvent jamais. Voilà, elles s'en bat, elles se promènent, les tortues. J'ai perdu une comme ça au Maroc, ouais. Non, mais ouais, il y a plein de gens. Moi, j'avais des voisins, pareil. Tu sais, au printemps, ils cherchaient la tortue partout, tous les ans, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, parce que mon arrière-grand-père au Maroc aussi, il avait une tortue. Ouais. Et chaque année que j'y allais, il l'avait. Putain, genre pendant 20 piges, quoi. Ouais, mais ça vit longtemps. Même les petites tortues que t'achètes, hein, si tu t'en occupes bien, ça dure longtemps. Ah ouais, ça, je sais pas. Ouais. Ah, il y a Stan, qui est tortue Floride, tu sais, avec les trucs classiques, là, les tortues d'eau avec les trucs orange sur les côtés. Elle est mignonne, ta photo, Stan. Il a une photo d'une tortue, elle s'appelle Ninja. Bonjour, tortue Ninja. Salut à elle. Merci pour les photos. Vous pouvez les envoyer d'ailleurs avec l'appli Skyrock. Vous la téléchargez, c'est gratuit. C'est sur l'appli. Et vous nous envoyez une photo gratuite. On aime bien, ouais. Mais salut à Tortue Ninja, alors, là, salut. Bon, des trucs qu'on vous interdisait. Alors, comment tu réagirais, Romano, si par exemple Cédric avait le droit à Internet, vous êtes en famille d'accueil tous les deux, et puis toi, t'as pas le droit à Internet parce que tu es tout petit? Bah, moi, je demanderais déjà pourquoi. Ouais, pourquoi lui et pas moi? Ouais, pourquoi elle te dit quoi comme raison? Tu tristes. Je vais te reposer la question, Fabio, c'est normal. Oh, tu n'as pas compris. Elle te dit quoi comme raison pour Internet? Que t'as pas le droit d'y aller. La tutrice. Parce qu'en, je sais que c'est bizarre, mais. Elle dit que je vais sur des sites pornographiques. Ben oui, mais faut lui dire que tout le monde y va sur les sites pornographiques. Ah, ouais, mais ça, je trouve. Non, mais ça, c'est pas vrai. Oui, non, mais même ça, même si c'était ton père et ta mère, tu sais, ils vont te dire la même chose. Si tu chopes en train d'aller sur YouPorn, évidemment, tu vas te faire engueuler. Non, mais tu fous le filtre, là, le contrôle parental, là. Oui, puis, voilà. Tu peux leur expliquer que s'ils veulent pas que t'ailles sur YouPorn, il y a contrôle parental, etc. Exactement. Etc. Non, mais est-ce qu'en l'occurrence, est-ce que t'as déjà vraiment été sur des sites de cul et elle t'a cramé? Absolument. Ah ouais. Non, en fait, une fois, j'avais une PS Vita. Genre, ouais. Elle m'avait mis un code pour ne pas y aller sur Internet. Et j'ai réussi à l'enlever. Bravo. Et je télécharge des vidéos. De cul. Et je lui donne la PS Vita le soir, parce que je dois lui donner le soir. Et elle avait entendu le bruit comme quand ça a fini de télécharger. Ah. Du coup, elle s'est demandé ce que c'était, elle a regardé. Et ah bah c'est clair que si elle entend ça, c'est forcément c'est. Ouais. C'est un peu grillé. Oui, ça c'est sûr que. C'est clair. Il s'arrête. Oui, forcément. Elle comprend tout de suite que c'est pas un film, que c'est pas X-Men, non, c'est pas. Oui, mais en fait, tout est de ta faute, Fabio. Fallait pas te faire choper. Ben ouais, parce qu'en fait, à la base, t'y avais droit, puisque t'allais sur Internet télécharger des films et tout ça. Et un jour, elle a entendu. Oui, en fait, t'es juste dans la période de punition. Voilà. Bon, ça peut arriver à tout le monde. On y revient d'ailleurs. Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit à la maison? Pas de chicha à la maison pour Robin, 23 ans. Non, moi j'avais pas le droit de fumer dans ma chambre. Bah, c'est oui. T'avais quel âge? Ah ouais, moi pareil. 15 ans? Non, plus 17. T'avais pas le droit de fumer dans ta chambre? Non, mais des fois je fumais. Quand il y avait des potes, on fumait, tu vois. Et ta mère, elle prenait comment? Ah bah, ça se sent. Elle gueulait, mais bon, quand il y avait mes potes, c'était fait, quoi. Ouais, voilà, ouais. Moi, ma mère, elle voulait pas payer Internet. Du coup, j'ai bossé, tu sais, je faisais les marchés, c'est moi qui paye Internet. Ah, mais l'abonnement tous les mois, c'est pas con là, maman. Ah ouais. Eh, moi, je peux pas. Moi, je peux pas inviter une fille sans lui la présenter avant. C'est message de Cocaïna. Salut Cocaïna. On m'interdit de manger dans ma chambre pour Iskour. Ah, il y en a plein, ça. Ah, la chicha. Non, message de Robin, mais également message de Mohamedoninia. Bonjour Mohamedoninia. Mohamedoninia. Non, mais par rapport au message précédent, mais je sais pas. Moi, je trouve ça normal. T'amènes quelqu'un chez toi. Et s'il y a tes parents qui sont là, tu leur présentes. Ah, quoi. Bah, même ouais, si c'est un pote, tu leur dis ouais, c'est machin. C'est voilà, il dit bonjour. Ouais, c'est normal. Sans parler de passer non plus deux heures avec eux, tu vois. En train genre avec eux. L'interrogatoire, tu vois. Oui. Vous êtes qui? Déclinez votre identité. Veuillez laisser votre carte d'identité à l'entrée, s'il vous plaît. La G, lui, c'est sa meuf qui lui interdit la fellation après la sodomie. Alors ça, vraiment. Scandaleux. Ça, c'est une. Une honte, vraiment. Mais pas, je vais vous faire de la merde. Moi, la télé pendant le petit-déj. Mais elle a raison, faut écouter la radio pendant le petit-déj. Ouais, écoute Skyrock. Bah oui, c'est bien. Juju, quelle idée de regarder. Il y a rien à la télé en plus. Bah si, il y a télématin. Voilà, t'as télématin. Bah, super. Et puis après, t'as tous les trucs. Je sais même pas, il passe quoi, TF1? TF1, il y a le téléachat, Ouais, mais il n'y a pas que ça. Des dessins animés, oui. Ah ouais. C'était fou. T'es fou. Ben ouais. Bon, tu vois, on va y revenir. Tu restes avec nous et on te présentera donc, comme je te l'ai promis, Alan, 19 ans, à Paris. José, dans le 64 aussi. La France entière se mobilise pour toi, Fabio. Et t'as vu, t'as plein de potes qui nous écoutent ce soir. Donc, profites-en. Moi, ma mère voulait toujours que je me couche à 10h le soir et je vous écoutais jusqu'à minuit. Aujourd'hui, j'habite tout seul. Eh ben, écoute, c'est bien, c'est mieux comme ça. C'est Alan, un autre ouais, Alan. T'écoutes sous la couette. Qui a 20 ans et qui vient de nous laisser un message. Salut à toi, Alan. Ben, nous, on va retrouver un Alan de 19 ans dans un instant. Ah, bah, tiens, il y a le câble HDMI de la PS4. Ah, il nous écoute. Bonjour au câble HDMI de la PS4. Moi, j'ai pas le droit de jouer à la console en période scolaire. T'as pas le droit de jouer à la console. Bah, heureusement, les vacances arrivent. Bah, ouais. Ouais. C'est bien. Ça va être le week-end, peut-être t'as le droit, mais genre la semaine, t'as pas le droit, ouais. Ouais. Moi, j'ai pas le droit d'avoir un animal chez moi, alors que j'aimerais tant avoir un chien. Ouais, parce que moi aussi, j'avais. Ah, tiens, c'est un des trucs que mes parents, ils voulaient pas que j'ai un animal. Parce qu'ils étaient persuadés que j'allais pas m'en occuper, alors que. Ah, bah, ça, tous les parents. Je m'en occupais, je m'occupais très bien déjà des deux poissons que j'avais, Sancho et Pancho. C'est qui ça, Sancho Pancho? C'est mes deux poissons que j'avais. J'avais deux poissons rouges. Il y en a un qui s'appelait Sancho et l'autre s'appelait Sancho Pancho. Ouais, mais tu t'en occupais? Tu leur changeais leur eau et tout ça? Non, c'est ta mère qui le faisait. Bien sûr que oui. Ouais, ah, bien sûr, ouais, c'est ça. C'est bien pour sûr. Ça qu'ils ont non, pas. Non, mais ça, le coup des animaux, de toute façon, tout le monde l'a fait. On la connaît, ouais. Oui, je vais m'en occuper et puis ça occupe une semaine. Et puis, en fait, c'est les parents qui. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, reste là, Fabien, on est de retour avec toi, mais tout de suite, vous l'attendez, le voici, le voilà. Avant les pervers de Pamela, qu'on va retrouver tout à l'heure, on va écouter les annonces des pervers de la semaine. Il y a du lourd cette semaine, hein, j'espère. Ah, bah, il y a du lourd. Bah, déjà, on sort l'effet mardi, là, exceptionnellement. Ah, ouais. En plus, là, maintenant, on est inscrit sur un nouveau chat pour les pervers, donc là, je peux te dire. Donc, on va chatter avec Pamela, on va les trouver en live voilà. Et on va également on chatte en direct, on récupère les numéros et on appelle direct derrière. Et on a ceux qui nous ont laissé des annonces de cette semaine aussi qu'on va retrouver là. Donc préparez-vous avant Pamela, avant le clash. Voici le top bug sur Skyrock. Le top bug, le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. Ah, j'adore, l'émission est bouleversée avec cette histoire d'euros, c'est super ça. C'est qu'on doit faire le top bug le mercredi. On devait le faire hier mais on n'a pas eu le temps mercredi à cause de la victoire de l'équipe de France. Allez les bleus, Et donc on le fait aujourd'hui, le top bug, le voici, le voilà. Romano, tu es à l'honneur ce soir. Eh ouais, et attention, cette semaine, pas mal de mouvements. Ah. Ah, du mouvement dans le top bug, du mouvement. Tu trouves que Romano parle bien, Fabio? Vite fait, hein. Merci, c'est très sympa. Non, mais il aurait pu dire non, c'est plus gentil. Oui. C'est vrai. Alors. Alors, ben, cette semaine, ben, déjà, deux sorties. Oh, deux sorties. Deux entrées, mais. Quel bouleversement. Ah ben ça bouleverse et après ça bouge de l'envers. Alors écoutez bien le top bug, il y en a qui va falloir suivre là. Qui nous disent enfin le top bug pour le poteau du 95. Et oui, enfin le top bug. Le top bug le vendredi, mort de rire. Ça marche? Oui, ça va marcher. Black Nougat, 15 ans qui nous envoie le message. Allez, le poteau du 95, magnifique le top bug le vendredi. Mais t'envoies combien de messages à la minute? Ah ouais, le mec est chaud quoi. Dès qu'on fait le top bug, t'es excité. Toi t'es un fan, c'est bien. Alors deux entrées, deux sorties. Ouais. Dans le classement de cette semaine, on va découvrir ça tout de suite. Les deux sorties d'abord. Et Alan du 40, oui, il y aura le clash, hein, t'inquiète, dans la soirée. Très bien. Émission riche en émotions, il nous dit. Ah bah, il y a de l'émotion. On va t'émotionner, tu vas voir. Bon, alors déjà, les deux sorties. Bon, il y en a le premier qui se barre, c'est il y a Cyril. Lui, il fait la fête. Eh bah, c'est terminé pour ce bug-là. Hop là, il dégage. Fini la fête. Terminé, la fête est finie. T'es devant ma télé. Bon, il y a Cyril, lui, il fait la fête. Il fait la fête. C'est normal, c'est et l'apéro aussi. L'apéro, d'ailleurs, il le dit, la fête, l'apéro. Ouais, Romano, t'as fait l'apéro, toi aussi. Non, même pas, non. Eh ben, c'est inquiétant, alors. Eh ben, voilà. Alors, Cédric, Cyril, il fait la fête, il sort. Putain, moi aussi, j'ai du mal. Fini la fête. Il y a Cyril, lui, il fait la fête. Et fini la fête. Et attention, deuxième bug qui sort cette semaine, c'est le bug, je dois bien te l'avouer. Il était là depuis un moment, Il était deuxième, lui. Ah, bah oui, là, il est plus rien, là, Marie. Il a fini plus rien, il est dans les choux, là. Hop, il est sorti. Me faire prendre par le vagin, mais par l'anus. Je dois bien que. Je dois bien t'avouer. Mais non. Moi, je suis un peu triste qu'il soit sorti parce que je l'aime bien, lui. Ah oui, mais bon, il faut de la nouveauté un peu. Bah ouais, donc il s'en va. Je dois bien que. C'est sûr, tu ressembles à une mouche sur une vitre. Ouais, c'est ça, ouais. Une mouche coincée, ouais. Eh bien, attention, maintenant nous allons passer au classement officiel avec les 5 premiers du Top Bug. Merci Cédric, c'était bien. De rien, c'était génial. Bon, alors, numéro 5, c'est l'entrée de la semaine, une des entrées de la semaine, c'est l'entrée du bug Pascal. Un bug avec un seul prénom, c'est-à-dire oui, que... j'en ai chié là. Ben, c'est pourtant, c'est pas des. Karim, dis le prénom. Pascal. Voilà, tu vois, c'est facile. Cédric, tu arrives? Bah oui, Pascal. Oh là. Marie. Pascal. C'est bien, c'est bien. Samy, Samy, t'y arrives? Samy. Pascal. Ah, tu vois. Et Romano, t'y arrives pas? Bah, Pascal. Bah, si, regarde. Bon, on écoute numéro 5. Dans le nez, quoi. Dans le cul aussi. Oui, numéro 5, c'est ça. Ça dansait, là, pour le moment. C'est Pascal. Attends, il m'a trop demandé. Eh, la team Lebel, faut s'activer. C'est bien, bien, quelqu'un. J'arrive plus à parler, moi. On va s'activer, la team Lebel, là. Pascal. Faire caca. Non, j'ai dit Cascal. Non, Pascal. Pascal. C'était Pascal. Moi, j'essayais de comprendre ce que tu disais, donc j'avais cru que t'avais dit on va faire caca. Non, non, pas du tout, c'était Pascal. Je crois que c'était pendant le clash de la drague. Oh là là là là là. Attends, j'ai... Oh mon dieu. C'était pendant le clash de la drague. C'était Pascal. Il y a un autre con aussi qui parlait, il me dérangeait. De qui parles-tu? Bah, de Cédric. Tiens, quand t'écoutes le bug, tu es en train de brailler derrière. Genre, c'est de sa faute si tu t'es trompé. Ouais, non, mais c'est moi de parler, quoi. Bah, non, mais il faut que tu fermes ta gueule à des moments. Parle bien, toi. Parle bien. C'est Pascal. La règle, c'est quand je parle, tu te tais. Ouais, bien sûr. Numéro 5. Et entrée cette semaine. La première entrée de la semaine. Attention, place numéro 4. Ça perd une place par rapport à la semaine dernière. C'est le bug international. Hello, Eli, Ulu, Guy. Ah, toujours là, celui-ci. Numéro 4. I'm Romano Smith. Romano Smith. Allô, hello, hello, hello, hello, hello. Ah non, c'était hello, le bug anglais. Et ouais, bug international qui est toujours là, moi je l'aime bien celui-ci. Numéro 4. Ouais, il est bien lui. Et il perd des places, attention, une place de perdu. Allô, hello, hello, hello. Alors attention, nous passons à la place numéro 3. C'est la meilleure entrée? Non, pas encore. Ah ouais, elle est rentrée. Ah non, non, non, ça rentre encore plus fort. Ah ouais. Place numéro 3 qui gagne une place par rapport à la semaine dernière, c'est le bug. J'ai la minette épilée. C'est pas Mela, c'est pas Mela. C'est son histoire de minette épilée, tout ça. Là. Allez, on va l'écouter. Voilà, numéro 3. Oui. Et sans A, j'ai la minette. J'ai la minette épilée devant et un peu plus longue sur les côtés. Oui. Et lui, il est content. Il est content. Absolument, oui. Absolument, oui. Comme l'a dit Fabio, et absolument, oui. J'ai la minette. La minette épilée est plus longue sur les côtés. Ah ouais, c'est Pamela, ouais. Avec sa petite minette toute mignonne. Elle vient tout à l'heure nous voir, Pamela. Elle débarque dans l'émission. Ne vous inquiétez pas, elle sera là, c'est vendredi, c'est la folie. Pamela est donc numéro 3. Attention, numéro 2. L'entrée la plus forte de la semaine. Ça rentre direct au numéro 2. Et c'est le bug. Linoleum. Ah, le truc qu'on met par terre qui ressemble à du plastique. Le lino. Le lino. Mais le vrai nom, c'est linoleum. Et c'est deuxième. Tu vois comment c'est du lino. Mais pourquoi tu n'es pas resté à Lino tout court, c'est plus facile à dire pour toi. Non mais plutôt que d'essayer de faire le mec intelligent qui connaît le monde entier. Non mais c'était ça, je voulais faire le mec malin, tu vois, ouais, mais bah, c'est loupé. Je suis passé pour un con. C'est ça, exactement. C'est le linoleum. Je comprends si on dit cette merde. Linoleum. Non, lino. Linoleum. Ouais, c'est ça. Linoleum. Voilà. Linoleum. Alors l'hélium, c'est de l'hélium. Cédric dit toi. Linoleum. Bah voilà, tu vois, Cédric qui arrive. Il est dégoûté, Romano, que Cédric y arrive. Il est fini. Il kiffe. Linoleum. Écoute, Romano, écoute bien comment il faut dire. Linoleum. Voilà, tout simplement. Voilà, bah ouais, tout simplement. C'est numéro 2, c'est l'entrée, la meilleure. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une entrée directe à la deuxième place. Celui-ci, il promet. Linoleum. Linoleum. Il n'y a pas un Samacloud ouvert et comme ça, je voudrais acheter du linoleum. Si vous en trouvez un ouvert à cette heure-ci, faites-nous signe. Ouais, il est peut-être un peu tard, mais des fois, ils font des nocturnes. Il faudrait qu'on essaye un jour avant 22h des centres commerciaux. Jusqu'à 22h. Comme ça, j'irai acheter de la moquette. Linoleum. Je veux du linoleum. Et numéro 1. Attention, numéro 1. Toujours le même, ça ne bouge pas. Number 1. Il garde sa première place. C'est le bug. Je trouve ça anti-sexy au possible. Eh oui. Ça joue Kaira, quoi. Ouais, c'est vrai. Cache ouais, mais forme. C'est vrai que c'est. Quoi, moi, personnellement, je trouve ça. En effet, Romano, je pense que c'est un avis qui doit être partagé par pas mal d'auditeurs de Skyrock, d'ailleurs. Moi, je pense que. Non, mais je suis d'accord. J'ai dit la vérité. Oui. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça. C'est. Moi, je trouve ça anti-sexy ou possible. Eh ben voilà, tu vois. Eh ben voilà, voici le numéro 1. Vous avez le talkback en entier. Eh oui. Je trouve ça. Facebook. Hein. Je trouve ça anti-sexy au possible. Et c'est numéro 1. Vous avez donc les 5 premiers, puis tous les autres bugs vous pouvez retrouver sur l'appli des bugs de Romano. D'aller les télécharger. Ouais, sur l'Apple Store, Google Play, elle est gratuite, elle est pas chère. Exactement. Et sur le default.skyrock.com, vous pouvez écouter tous les bugs aussi. Oui, il y en a 1315 ou dans ces eaux-là. Attendez, je vais vous dire exactement. 1321. Et ouais, 1321 bugs. Ah, quand même. Rien que pour toi, Romano, t'imagines. Eh ben ouais. Tu pourrais faire un site. Quoi? Ouais, il existe, c'est default.skyrock.com et puis il l'applique. Eh ben voilà, ouais, tu vois, ça existe déjà. Tout ça, est t'es prévu. T'es pas con, dis donc. Hein. Ouais, un petit lexique. Un lexique. Ouais. Bah fais le mari. Voilà. On va s'amuser, tiens. Non, fais-le pendant les vacances. Ouais, ben bah, voilà. Ça va t'occuper. Bonne idée. Entre le 15 juillet et le 15 août. Ouais, sur la plage, très bien. Ouais. Nickel. Bon alors, récapitulatif rapide. Alors attention, récapitulatif dans l'autre sens. Et vous pouvez voter hein, sur le 41-759. Moi, je pense toujours aux nouveaux auditeurs qui arrivent tous les soirs et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une émission cryptée, c'est codé, c'est. Et ouais, mais c'est pour vous, c'est pour les initiés. Vous le comprenez, vous, Romano, et ça, c'est bien. Alors, numéro 1, donc ça ne bouge pas, je trouve ça anti-sexy au possible. Numéro 2, c'est l'entrée la plus forte de la semaine, c'est le linoléum. Linoléum. Troisième, c'est Pamela, avec sa minette. J'ai la mini. Le quatrième, c'est Hello. Ilulu, Hello. Ilulu, Ili. Et numéro 5, c'est la deuxième entrée de la semaine, c'est Pascal. Cacacacal. Cacacacal. Bon, vous votez pour celui que vous préférez. Et mercredi prochain, parce que c'est le mercredi, logiquement, le top bug. Mercredi prochain, vous retrouvez votre top bug, le nouveau classement. Entrée de coquet. Coquet. Oui. Ouais, c'est un joueur espagnol, à la place de Fabregas. Hey, okay. C'est-à-dire qu'il est drogué, il a déjà pris de la drogue avant d'aller sur le terrain. Il est coqué. Il est sorti de Fabregas, je crois. Ouais, c'est ça. Fabregas qui sort, coqué qui rentre. Maronja. Fabio, tu restes avec nous. On retrouve pour toi José, Alan, le Clash aussi dans un instant. Les Fifth Harmony, tout de suite. Elles sont là, les Fifth Harmony. Designer dans une demi-heure. Du Drake aussi. Ah. Plein de sons rap et rap carré, là, écoutez. Et puis, le nouveau Black M, avant minuit, c'est sur Skyrock. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le Champion, mon frère! Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi, tu as reçu un Smax. Smax à ton tour, vite. Niveau 2, franchi, tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi, délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Toute la nuit, on dit que la nuit porte conseil. Maintenant disponible. J'ai les yeux rivés vers le breakdown. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Pendant l'euro, il y aura 72 goals, 192 défenseurs, 144 milieux de terrain et 144 attaquants. Tous ces joueurs joueront dans la même équipe. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et c'est parti sur Skyrock, c'est parti avec le son des Fifth Harmony. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta go to work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work. But you gotta go to work. You don't gotta go to work. And my body do the work. We can work tomorrow. Oh, yeah. Girl, gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight both, she take that. Put in overtime on your body. Et sur Skyrock, on écoutait les Fifth Harmony, et elles sont bien les Fifth Harmony, c'était Work From Home. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Bon, allez, regardez les Fifth Harmony, il y en a qu'on préfère à d'autres, hein, quand même. Hein. Ah bah, il y a du lard et du cochon. Quoi. Exactement. Ah bah, c'est bien, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est bien, ouais. C'est pour ça qu'elles sont bien d'être 5. Comme ça, t'as le choix. Elles sont bien d'être 5, les Fifth. Ouais, c'est ça. Harmony sur Skyrock. Designer, tiens, lui, il est tout seul, il va nous chanter Panda, là, dans une demi-heure, le gros son rap US qu'on kiffe. Il y en a plein des sons rap US qu'on kiffe. Bah, tiens, il y a aussi Drake qu'on va écouter tout à l'heure. Donc, Designer, Panda, du Drake à écouter. Et le nouveau Black M, t'as un petit bout du nouveau Black M, Romain. Ouais, je vais mettre un bout. Je parle de mieux en mieux, mais. Et tu sais que le Top Bug, faut arrêter de le faire. Au milieu de l'émission comme ça, parce que alors, pendant une heure et demie, je vais galérer derrière, t'es contagieux. Je vous le dis, n'écoutez pas le Top Bug la veille d'un examen, par exemple. On a bien fait de le faire ce vendredi. Ça, c'est Black M, le nouveau. La nuit porte conseil avant minuit. On va l'écouter, le nouveau Black M. La nuit porte conseil. Vous l'avez découvert sur Skyrock. Il est venu nous voir cette semaine. Black M, on le remercie d'ailleurs. Et l'album arrive au mois d'octobre. Nouvel album. Tenez-vous prêts. Vous aurez plein de sons à découvrir. Et déjà, celui-ci a se passé avant minuit. On s'occupe de Fabio. Ah oui, famille d'accueil. Et famille d'accueil et ta tutrice, elle te laisse rien faire. Donc, pour te rassurer, Fabio, hein, je en même dit, temps, bon, t'as déconné aussi. Il hein. y a plein de ma. Oui, c'est vrai, ouais. Ça, sur le site internet. Le site de cul, Fabio. Oui. T'as merdouillé un petit peu. Ah bah, tu télécharges un film. Ah, tu t'es fait griller. Tu rends la PS Vita à ta mère. Le film se termine de télécharger à ce moment-là. Il s'ouvre et hop, c'est un film de cul. Donc, bon. Et ouais, à ce moment-là, ta mère te dit, mais c'est quand même bizarre ton film, là. Il y a des bruits bizarres. C'est chelou. Je ouais, sais c'est pas, étrange. Je ouais. sais pas ce qui se passe. Bizarre, chelou, tout ça. Vraiment. Bon, alors. Et puis, il n'y a pas de doute avec les bruits des films de cul, hein. Ça. Oh, tu sais, parfois. Bah, tu peux dire que c'est une dame c'est qui a. Ouais, elle s'est cognée le pied. Alors, il faut vraiment tomber sur une scène où il y a des dialogues, ce qui est assez rare. Celle-ci, par exemple. Beaucoup de dialogues. Oh, bah, ça. Celle-ci. Ah, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Bon, alors, pour te rassurer, regarde. Ils sont pas forcément famille d'accueil, mais plein de messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. Jérémy le kamikaze. Moi, mes parents, ils supportent pas que j'amène une fille dans ma chambre. J'ai le droit de tout faire. Ah non, ça va pas te rassurer. C'est Sania qui nous dit, moi, j'ai le droit de tout faire. J'ai aucune interdiction. À peu près comme moi. Ah moi... non, il y avait un truc que ma mère, elle voulait pas trop, c'est que. Genre, même Romano. Quand des meufs, c'était qu'elles viennent dormir. À la maison. Ouais. Bah, c'est normal, tu vois. Ouais, t'avais fait dormir la gothique chez toi, l'autre, elle avait flingué le lit avec ses règles. Non, non, mais c'était avant. Avant, y a une... Ah ouais, mais il y avait pas moyen. T'es au courant de l'histoire de la gothique qui avait dormi chez Romano et qui avait flingué le matelas, le lit avec ses règles abondantes. Non, que les draps. Ah putain, t'imagines. Elle avait gueulé sa mère. Non, en fait, ce qui s'était passé, c'est que je l'avais niqué pendant ses règles. Et voilà. Elle avait les règles très très abondantes. Oui. Oh, putain, donc grosse fuite. Et grosse fuite et fuite dans mon lit. Voilà. Et ma mère avait récupéré. Si, il y avait toujours une malaise. Tiens, j'aimerais trop mettre la musique à fond chez moi. Ma mère, elle veut pas. Ça, les parents, ouais, la musique, ils aiment pas trop. Ça, quand ça fait. Ah, bah, à fond, laisse tomber. Avec toi, dis full avec ta batterie, dans tu votre fais. Non, moi, il me laissait faire. Tu sais, j'avais une sono et je mettais très fort. Et t'écoutais. Et on entendait jusqu'à le bout de la rue. Et mon père, il arrivait en gueulant. Il était là. Bon, tu vas baisser ta mère de là parce qu'on t'entend. Ah ouais, depuis, moi, ça les rendait. On l'entend depuis tout là-haut. Et si vous voulez faire un test avec le son de designer, il y a des grosses basses sur le ah son ouais, de designer. Ah ouais, ça fait trembler les murs, quoi. On va vous le mettre d'ici une petite demi-heure. T'as essayé déjà. Toi, hein, Fab. Pour les rendre dingues. Ouais, histoire de faire péter les aplombs à ta tutrice. Essaye encore. Essaye. Tente le coup. Bon, on va te mettre en contact avec José parce que lui, il était dans une famille d'accueil. Bon, il a 25 ans aujourd'hui. Une famille d'accueil perdue à la campagne. Et donc, José, raconte-nous un petit peu. Salut, José. Salut à toi. C'est gentil d'appeler pour. D'ailleurs, vous êtes plein à avoir laissé des messages pour Fabio. Et vous êtes plein dans des familles d'accueil. Ou alors, vous êtes très, très, très, très nombreux à nous écouter. Et vous êtes mobilisés à fond pour Fabio. C'est gentil. Ah, il y a eu plein de messages. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, José? Alors moi c'était un peu particulier. Du coup moi j'ai été placé dans une famille d'accueil genre quand j'avais 7 ans. Oui. Mais José du Portugal. Portugal. Et non, pas du tout. Mais alors t'es pas Portugal. Plus au sud. Non, Portugal. Ah, Portugal. Alors moi du coup j'étais dans cette famille d'accueil et genre en fait on m'a placé dans une famille d'accueil genre au fin fond du Béarn genre dans le 64. Ah, t'y es encore d'ailleurs. 800 habitants dans le village. Ah, le choc. Mais tu venais d'où au départ? Eh ben, à la base, je venais de Paris. De Paris et j'étais le seul Renoir. Mais non, t'es le seul Noir du village. Ah ouais. Les gens, ils l'appelaient le Noir. C'est vrai? Non. Ils m'appelaient pas. En fait, au début, si, franchement, au début, j'ai pris trop la misère. C'était dur. Franchement, voilà, c'était chaud. Moi, dans la famille d'accueil où j'étais, elle avait jamais vu un noir avant de me voir. Mais t'imagines, tu devrais arrêter d'aller à la plage parce que tu es trop bronzé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des gens, ils me demandaient si j'avais le sang de la même couleur qu'eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Ouais, c'est ça, t'imagines le premier soir, il y a son mari, mais chérie, t'as vu ça, un noir? C'est ça, mais les gens venaient me toucher la peau pour voir si c'était. Tu es brûlé. Non, mais attends, mais les mecs étaient coupés du monde ou quoi? Mais tu es noir, non, mais en fait, c'est pas tous les jours. Du monde, c'est qu'ils envoyaient, mais à la télé. Dans le village, il n'y en avait pas, quoi. C'est pas vrai. Ils n'avaient jamais eu de contact avec des noirs, quoi. Il y en a un en vrai. Donc, du coup, c'était. Ça devait être chelou pour toi à 7 ans de vivre ça, en fait. Parce que pour toi, bon, black ou pas black, t'es toi, quoi. Ouais, franchement, c'était compliqué. Mais bon, après, maintenant, avec le recul, je sais que c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était super compliqué. Et à l'école, ça allait?

C'est lui. En fait, c'est un peu comme le film de Camini là, qui est sorti là. Ouais, c'est vrai, oui. Marie Gaumont. Ouais, bah, sauf que moi, j'étais pas avec mes parents, quoi. C'est Lobotomix qui nous dit ça. Il y avait un autre. Ouais, il y en a eu plusieurs. Ouais. Comment il s'appelle le film d'ailleurs? Marie Gaumont. Marie Gaumont. Ah, c'est ça le film. Ouais, Marie Gaumont, c'est un film Sky d'ailleurs. Qui marche bien d'ailleurs. Ouais, il a bien démarré. Ouais, il a fait un bon démarrage au box-office. Ne sois pas ce Camini là. Bon, alors, pour toi, Alan, qu'est-ce que tu voulais dire, donner comme conseil à Fabio? Bah. Déjà, moi le truc c'est que je suis placé depuis que je suis né en gros, tu vois, donc les galères de placement, l'ASE, tout ça je connais. T'as connu, ouais. D'ailleurs c'est plus l'ADAF, c'est l'ASE. En fait. Ouais, j'ai vu des messages. Ça a été renommé. D'accord. Ouais, du coup, toutes ces galères, je connais bien, donc bah, c'est pas la première fois que j'appelle aussi, je me rappelle j'avais appelé pour... En début d'année. En début d'année, il y avait quelqu'un qui avait appelé parce qu'il était parti de chez lui, il avait fugué. Ah, t'es toi, l'auditeur antifugue. On se rappelle de toi, l'auditeur antifugue. Et du coup, ouais, vous m'aviez mis en contact avec lui, il m'appelait souvent et ça s'est bien réglé pour ça, lui. C'est cool qu'on fait des trucs comme ça, ouais, c'est bien ça. Ouais, donc du coup, là, j'ai appelé parce que j'ai vu qu'il avait quelques galères. En fait, quand on réfléchit bien, on est le plus gros réseau social tous les soirs. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est vrai? Vous rentrez en contact, vous prenez. C'est bien les suivis. Il y en a qui trouvent des meufs, c'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Des meufs qui trouvent des mecs. Il y en a même qui font des bébés, quoi. Ah ouais, on a vu ça. Il y a des bébés. Juste par rapport à ça, grâce à vous, j'ai rencontré ma nana. Je suis resté gentiment avec, donc. Ah bah quand même, oui, bon. Et voilà, c'est ça, Skyrock. Le love. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, Fabio? Bah, étant donné qu'il n'a pas le droit de faire grand-chose. Alors déjà, Fabio, petite question. Est-ce que, en dehors des interdictions qu'on te donne, est-ce que ils te font un petit peu la misère, ta famille, ou est-ce que ça se passe bien? Non, ça va, ça se passe bien, nickel. Ça va bien. Ok, ouais, parce que ouais. Le truc, c'est que bon, il y a quand même pas mal de familles d'accueil. Je dirais pas la majorité, parce que c'est pas vrai. Mais il y a pas mal de familles d'accueil qui font ça pour l'argent et qui ont parfois du mal à laisser les gens sortir, parce que justement. C'est moins de soucis pour eux. Non, puisque nous disait José, c'est qu'ils ont quand même des responsabilités, donc faut quand même faire gaffe. Oui, oui, justement. Si par exemple tu sors et que tu te fais écraser par une voiture, c'est quand même eux qui sont responsables. Bah oui, oui. Non, mais puis souvent les gens. Bon, après, bon, alors, Romano, imagine, t'es en famille d'accueil, tu sors, tu te fais écraser par quelqu'un, par son pied, parce que tu sors et que t'es tout petit, il te voit pas. ça peut poser un problème à la famille. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Bah, évidemment. Bah, ils ont la responsabilité, quoi. Hein, donc, ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, justement, le truc, c'est qu'ils ont une obligation de protection sur toi. Du coup, ils peuvent pas se permettre de tout faire, mais malgré tout, normalement, t'as le droit de sortir, parce que... Ah, c'est quand même une bonne nouvelle, tu as le droit de sortir. En plus du fait qu'ils sont payés, normalement, ils ont, on leur donne de l'argent, de poche pour toi, justement. Ouais, donc, c'est pour que tu puisses t'en servir aussi, mais du coup, si jamais tu veux sortir vraiment et que ta famille te laisse pas, bon, j'imagine que t'as déjà essayé de négocier avec eux, mais ce que tu peux faire, c'est aussi essayer de voir avec ton éducateur ou ton éducatrice, essayer de lui en parler, dire que t'aimerais sortir, que tu fais pas de conneries, etc. Et peut-être justement ils en parleront à ta famille et qu'ils pourront négocier là-dessus. Bon, essaye de. Alors, qu'ils voient entre eux. Ouais, toi, Fabio, en même temps, il t'empêche pas complètement de sortir non plus. C'est que toi, il t'empêche genre d'aller dormir chez un pote, quoi. Arriver avec des parents, classique, quoi. Donc, en fait, faut reprendre les méthodes qu'on utilise d'habitude, être sympa à la maison, filer un coup de main, aider, avoir des bonnes notes, et demander d'être récompensé pour tout ce qu'on fait. C'est un peu le lèche-cul, quoi. Genre, par exemple, tiens, je fais la vaisselle, mais toi, il y a une fête avec des potes et je peux sortir. Ouais, c'est donnant-donnant. Voilà, j'ai des super notes. Oh, bah, ouais, a priori, le bahut, c'est pas trop ton truc, non, toi. Tu fous le bordel. Mais bon, essaye de faire des progrès. J'ai des meilleures notes que le trimestre d'avant. Allez, on fait une teuf avec les potes, tout ça. Donc tu peux peut-être essayer. Bah, tu fonctionnes comme des parents. Essayer de gérer ça. Puis bon, comme après ça. Tu peux faire comme Alan, si vraiment c'est la galère, tu peux en parler à ton éducateur. Ouais, pour essayer de sortir, ça peut être pas mal. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va vous mettre en contact puisque tu nous appelles, Alan. Toi, Alan, t'es un professionnel dans ce domaine. On va te filer un nouvel ami. Ton nouvel ami, il s'appelle Fabio. Hein, Fabio, tu es le nouvel ami d'Alan. Merci, Alan, en tout cas. Ouais, sympa, Alan, d'avoir appelé. Merci, ouais. Merci à toi. Et puis, bah vous quittez pas, on vous met en contact. Et puis on remercie José aussi. Merci, José. De rien, les gars. Merci beaucoup. José, en tout cas, je voulais juste faire une petite dédicace. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui. Oh, je vais faire une dédicace à ma femme d'amour qui m'écoute, à mon pote Mika qui est avec moi, à toute sa famille, à toute ma famille, et à mon fils Liam qui vient de naître, bien entendu. Eh ben merci. À mon petit-fils. Et big up à vous tous aussi. Vous êtes excellents. Ça fait 10 ans que je vous écoute. Vous déchirez. Vous êtes franchement, vous êtes des tueurs. Continuez comme ça. Merci José. Et vous, merci pour les messages. Bon, faut pas oublier le clash. Il est déjà tard. Nous dit Black là sur SMS. Vas-y. On s'en occupe et on prend des nouvelles. Fabio, et éclate-toi bien, et l'été arrive, tu vas voir, il va être plus cool l'été quand il ira au lycée, parce que ça, on a eu plein de messages. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Quand il ira au lycée, ce sera plus simple, tu verras. Ok, Fab. Okay. Donc vite. Merci. Allez, on te présente tes nouveaux amis, puis n'oublie pas tous ceux qui t'ont laissé des messages ce soir, qui sont tes potes, là. Profites-en. Et est-ce que je peux passer une dédicace? Allez, ouais. Oui, vas-y. Alors, je passe une dédicace à Lulu Groheider. Ouais. Dédicace à Thomas Martinez qui est à fond dans l'Espagne. Ouais, ouais, qu'on bah, l'Espagne qui a gagné, le match est fini à l'instant d'ailleurs. Ça nous fait 3-0 pour 3-0. Les Espagnols face à la Turquie. Ouais. Dédicace à Charney, Barra et tout le collège Jules Chamberlain. Voilà. Eh bien, merci à toi, Fabien. On t'envoie d'ailleurs, pareil pour Alan. Hein, même chose pour toi, Alan. Et même chose pour toi, José. T-shirt Skyrock à la maison, c'est parti. Ouais. Salut les gars. Et salut. Il a gagné. Ah, il y a Audrey qui vient de nous rejoindre. Elle a battu le match. Elle nous fait bonsoir, l'équipe. Et vive l'Espagne. Eh ben, vous revenez du match de foot. Les Espagnols ont gagné 3-0. Vous avez eu 3 beaux buts. Si vous êtes turc, vous êtes un petit peu dégoûté. Mais venez vous consoler avec nous. Et vous êtes éliminé aussi. Ah, c'est fini la Turquie, ça y est, ouais. Ah merde. Ouais, l'Italie s'est qualifiée cet après-midi. Ouais, c'est ça. La France, bon, on est qualifié, évidemment. Les doigts dans le nez, quoi. Facile. Bah oui, les premiers, même. Facile. Et donc, l'Espagne, 3-0. Eux aussi. Croatie, République tchèque, de partout aussi. Et de partout, là, il n'y a pas de qualifié encore. Non. Croatie pas loin quand même. Oui, ils sont pas loin. Ils ont 4 points. Ouais, faut attendre la suite. Prochain match. Et la France dimanche avec France Suisse à suivre dimanche soir. Allez les bleus. On a le temps de faire le clash. Il est quoi, 22h52. Allez, vas-y. Bah c'est où on lance le clash tout. Bah écoutez, ce qu'on peut faire. On fait le clash. On passe deux coups de fil. Un pour Cédric, un pour Romano. On décide si on le poursuit après. Vous avez donc la pression, ça peut se passer en un coup de fil. Votre sort peut se décider maintenant sur Skyrock. Wow. Attention, la pression de la drague est tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ok, j'ai bien mis la pression là. Ouais, c'est bon. Ouais, la pression est là. Allez. Je suis prêt moi. Allez, vas-y. Ready to win. Ta méthode, Cédric. Eh ben, soir, je vais essayer. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je veux savoir quelle est ta méthode, Eden. Tu craques du fou? Non, mais c'était pas. Je trouvais ça intéressant le début alors de la phrase. Vas-y. Donc je disais. La méthode. Ce soir, la méthode, c'est je fête la fin de mes examens. Mmh. Et j'aimerais bien fêter ça avec la femme, tu vois. Beaucoup de stress, la tension, tout ça. Et... Méthode fin d'examen, c'est bien. Ouais. Romano, quelle est ta méthode? Eh ben, moi, j'ai été voir un match de l'Euro. Ouais. Et j'ai ramené un sextoy euro, un drapeau à se mettre dans le cul. Tu veux pas ramener la mascotte Victor? Ah, ouais, mais ils connaissent, parce que j'ai l'impression que la mascotte, elle passe complètement à côté cette année. Ah ouais, putain, mais. Et elle, regarde, elle est là, sur le drapeau qui est à ta droite. Je me souviens qu'on en a plus parlé il y a 6 mois quand ils l'ont dévoilé que pendant l'Euro. C'est un gamin. Mais, on le voit jamais, ce machin. Non. Victor, c'est vrai, il est. Oh, Victor. Mais même, il amène pas de bonhomme dedans, tu sais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme en plus, un mec, tu sais, au bord du terrain. Comme Mickey chez Disney. Ouais, ben voilà, ouais, comme il y a dans les. Comme un basket et tout. Oui, oui. Tu sais, la mascotte, quoi. Alors. C'est mieux footing 198, quoi. Ah, c'est clair. Ah, franchement, non, mais ouais, n'empêche qu'au moins on s'en souvient. Ah, bah oui. Super Victor, je suis pas sûr que tu t'en souviens dans 10 piges. Bah, footing, on s'en souvient encore, ouais. Bah, alors, Cédric, méthode fin d'examen. Romano, méthode euro. C'est parti. Premier coup de fil pour toi. Cédric, on appelle chez. On l'appelle chez Bernard. Et au passage, la Turquie n'est pas encore éliminée. Elle peut finir dans les 4 meilleurs 3e. Bon, bah, bon courage les Turcs alors. Et la mascotte tourne autour de la pelouse avant le match. Je l'ai vu mercredi au parc, nous dit Callaghan. Ah ouais, donc il y en a une. Donc il est là, Victor. Ouais. Bon, et Bernard, il est pas là. Allô. Ah si, allô Bernard. Oui, qui c'est? Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est Michel au téléphone. Tu vas bien? Oui, Michel. Ouais, c'est Michel, le futur bachelier. Je t'appelle parce que j'ai passé mes examens là hier et aujourd'hui. Et du coup, j'étais un petit peu tendu là. Et j'aimerais bien fêter la fin des examens avec ta femme. Allô? Je crois que c'est une erreur. Bah, t'es bien Bernard. De la nature, oui, une erreur de la nature. T'es bien Bernard. Bernard qui? Bah, je sais pas, Bernard, c'est toi. Oui ou non? Ah oui, mais bon. Ben voilà. Eh ben moi, c'est bien Michel. Et ce soir, j'aimerais bien faire l'amour à ta femme, histoire de me détendre pour fêter la fin de mes examens. Fais crier les enfants. Ah. Bernard, tu veux pas t'occuper des gosses? Moi, je m'occupe de ta femme. Non. Ça sera plus simple. Non. Allô? Non, non. Parce que là, il y a les enfants qui gueulent. Moi, je vais faire crier ta femme au lit ce soir. Voilà. Ah bon? J'ai dit ce soir, je vais faire crier ta femme au lit ce soir. Ah d'accord, mais je veux bien, mais bon, c'est ah ben voilà, nickel. Ah ben on a trouvé un terrain d'entente. Ah ben ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, je m'occupe de ta femme, toi tu couches les gosses, et moi je m'occupe de faire jouir ta femme, lui donner du plaisir. Eh ben. Ah ben oui. Je peux te dire qu'elle va s'en souvenir, la coquine. Ah d'accord, ok. Ah ben génial. Ouais. Eh ben oui. Eh ben je vais m'occuper d'elle. Ben, oui. Et du coup, voilà. Ta gueule. Non mais c'est pas. Bon ben je m'occupe d'elle, à tout de suite. Ok. Bisous mon pote. Du coup, de se laver les fesses, hein. Ouais, exactement. Nickel, j'arrive. Eh ben. Une opération réussie, mon pote. Et voilà ma gueule. Eh ben oui, qu'est-ce que t'en penses, Romano? Rien. Je suis en train de manger des Mikado, moi. Ah, tu prends des forces. Ah, tranquille, la bouche pleine, quoi. Ouais, bah ouais. Oh là, tu m'excites, là. Non, tiens. Tu veux pas un gros Mikado? Le mien aussi, il est marron au bout. Ah, laisse tomber, non. J'ai un gros Mikado, il est tout marron. Voilà, bah qui sent le pipi. Bah, je crois qu'un tour, ça va me suffire. Hein. Ah, tu crois? Ah, bah. Non, mais ça va, t'as pas fait un truc de ouf non plus. Bah, ouais, tu vois, j'ai niqué Bernard et sa femme. Oui, c'est vrai que vu les prestations que t'as fait dans la semaine. C'est pas dans les pires, on va dire. Vous ouvrez ta gueule, passe ton appel et on va voir. Ouais, mais j'attends qu'on appelle. Chez Philippe. Ça sonne chez Philippe, là, c'est pour toi. C'est parti. Eh ben, je sais pas ce qui va se passer, mais ça a l'air d'être intéressant, ça, dis donc. Du coup, il fait un blocage, hein, comme vous pouvez constater. C'est moi qui fais le blocage. Oui, oui. Fumeur d'élite 18 ans, c'est pas du tout la fin des examens. Gros sac de Cédric, je vote Romano. Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est la fin des écrits. Ah ouais, tu vas perdre. Ah. Allô toi. Oui, bonsoir, c'est la femme à. Olivier. C'est la femme à Olivier. C'est la femme à Olivier, oui. Et Olivier dans le coin ou pas? C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis, j'ai une petite surprise pour vous ce soir. Bon. Ah, ça, hey, ah, ça va vous faire plaisir. Ah bon, d'accord. Ah bah là, tous les deux. Je sais pas trop, mais. Allô? Oui, salut Olivier, comment tu vas? Allô? Oui, allô? Oui, Olivier, tu m'entends? Oui. Comment tu vas? Bah, ça va bien. Ça va bien, il y a du monde chez vous là. Ah oui, il y a toujours du monde à la maison. Ah bah très bien, bah je vais passer du coup. Eh bah extra, avec grand plaisir. Hein. Eh bah je passe, parce que tu sais que j'ai un petit cadeau pour ta femme. Ah ouais, bah ça, ça fait plaisir ça par contre. J'ai acheté la mascotte là, tu sais, de l'Euro, la Super Victor. Ouais, génial. Version Godmichet pour le cul de ta femme. Ah génial, génial, vraiment, ça fait plaisir. Ah bah. Vraiment génial, ça fait plaisir. Ah bah j'arrive dans 5 minutes. Attends, j'ai préparé tout le champagne, le vin, tout, le pinard, oh, tout. Ah bah tu prépare-lui l'anus surtout, hein. Ouais, c'est, il est prêt, alors. Ah, il est toujours prêt, je peux te dire. Ah bah je peux te dire que toujours je suis là dans 5 minutes. Ah bah, dans 5 minutes, je suis là. Ouais, et t'as la tienne aussi ou pas? L'anus de la tienne, tu l'amènes aussi, hein? Oh bah je vais amener mon anus à moi, tu t'occuperas du mien. Putain, c'est la fête. Oh non, parce que toi, ça il choune beaucoup, le tien. Ah, ça oui, un peu. Je déteste ceux qui chounent, hein. J'aime mieux l'anus des gonzesses, moi. Ah bah écoute, ce soir, on s'occupera de l'anus de la tienne à tous les deux. Ouais, super, génial. Ah bah voilà, ah bah, tout de suite, alors. Amène l'anus de la tienne, parce que... Très bien. Il choune, je vais foutre un bouchon au tien, comme ça, on y puera moins. Hein, d'accord? Très bien. Génial. Eh bah, tout de suite, bisous, mon amour. Je comprends ce qu'il raconte. Wow! Hey, vous avez vu deux coups de fil? Et c'est là qu'on voit que vous êtes vraiment des professionnels. Parce bah attendez, les vrais lovers. Eh ben oui. Quoi, un vrai lover est là. Moi, bah, moi aussi, on se moque de vous parfois parce qu'il y en a qui disent Romano il est chauve, enfin des trucs comme ça. Mm-hmm. Ou Cédric il a quatre mentons, il sent les pieds de tout le corps, tout ça. Bah, c'est pas vrai ça. Eh bien, c'est bien gentil de se moquer, mais admirez quand même la performance. The Perf. Performance, yeah. The performance of Cédric, yes, and it's Romano. Me. Et direct, professional direct, of love. Direct, bam, bam, bam. Et deux, paf, deux coups de fil comme dans ça. Dans le cul du belge. Ça, c'est efficace. Non, dans le cul du mec. Dans le cul qui pue du belge. Non, non, non. Donc, il est 11h pratiquement. On va vous laisser 5 minutes pour voter dès maintenant au 41-759 sur la piste. Ah, donc on fait pas de deuxième tour, c'est certain. Ah là, il avait annoncé. Ah, ouais, mais vous allez faire un serrage chacun quand même. Non, mais bon, moi. Non, mais ce que j'aime bien là, c'est qu'il y a un serrage chacun, donc il va y avoir du suspense, ouais. On sait pas qui va gagner. Lequel avez-vous trouvé le plus sexy? Lequel vous a fait le plus rêver? Lequel vous a Cédric. Donné des frissons? Eh bien, moi, lequel vous a fait dresser les poils sur les bras? Et dans le slip. Et peut-être même dresser la queue et mouiller vos culottes, les filles. Oui, oui, dresser la queue et mouiller vos culottes, mais bien sûr. Eh bien, vous avez mouillé vos culottes, dressez votre queue, les mecs, et votez Romano. Et Cédric, tu votes pour qui? Incroyable, ça, écoute mon micro. Il faut voter Cédric. Et c'est parce qu'il faut pas qu'on parle ensemble, Cédric. Ouais, c'est ça. On ne comprend pas, imagine si tout le monde se met à parler, par exemple, parle, vas-y. Bah, mais bizarrement. Eh ben, oui, je parle aussi. Mais bizarrement, quand moi je parle, écoute-moi, il parle sur moi, le coup là. Là, c'est bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, allume ton micro, le belge. La personne parle et ça coupe, ouais. Tu vois. Bah, il faut mettre ton micro en rouge. Ouais, bien sûr. Ouais. Appuyez sur le bouton rouge. C'est du micro. Ça, ouais. Essaye d'être pro. On. En votant Romano. Non, en votant Cédric la famille. Allez, votez Romano, mes amours. Ce soir. Magnifique. Notez soirée triche, Romano. Votez Cédric la famille. Souvenez-moi. Et dans un instant, vidéo de cul. Une vidéo de cul qui bousille la vie de Roberto qu'on va retrouver en direct avec nous. T'es déjà là, Roberto? Déjà là. Déjà là. Tu votes pour qui pour le clash, Roberto? Ah, vote Cédric. Ah, Roberto Romano. Bon, allez-y, votez, rien n'est joué. Pamela, hein. À suivre. Et Pamela arrive aussi, ouais. Et Roberto, et Nicky. Et je vote Romano. Oui, en juin et en juillet, Skyrock t'en met plein la vue. Ah, c'est cool. Tous les matins, Morning Show. Le Crédit Agricole t'envoie sur les 8e, quart, demi et finale de l'Euro 2016. Avec tes places en tribune déjà réservées. Et toute la journée, Skyrock t'envoie sur les 4 stades de Rihanna à Nice, Lyon, Lille et Paris.

Panda sur Skyrock, on écoutait Designer, le gros son de Panda. C'est le son qui fait poum poum poum poum. Combien d'écouter là? Are you ready? Romano. Moi je reconnais, je suis un petit beau. Difool. Je serais une meuf, je préférais qu'on s'agite, moi. Cédric. Elle est belle quand même, sa bite. Marie. Non, je levais la main parce qu'en fait j'ai pris l'apéro, comme vous pouvez l'entendre. Samy. King of soccer, you know soccer? Yeah, Olympique de Marseille. Momo. Non, la véritable phrase, à la fin, il me dit ferme. J'espère que comme ça va vous fermer vos gueules, quoi, à la fin, quoi. Et Karim. Ah, hamdoulah, tranquille. Difool Radio Libre, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Ouais, avec toute l'équipe, avec le foot à suivre. Une pensée à Momo aussi, que vous entendez dans les jingles, ouais, et qui est toujours dans nos cœurs, surtout pendant mais l'Euro. Oui, plus, ah bah ça. Oui, Momo, elle aurait kiffé ça, ouais. Eh ouais, l'Euro 2016 qu'on suit en direct avec un 3-0 pour les Espagnols. C'est le résultat du match de ce soir. La qualification cet après-midi de l'Italie. La défaite de l'équipe de Zlatan. Il n'y arrive pas, Zlatan, avec ses Suédois. Ah, pas du tout, non. Ah, il n'y arrive pas. En même temps, bon, il n'y a pas que lui sur le terrain, mais. Ouais, mais son équipe, zéro tir cadré en deux matchs. Mais ça montre qu'une équipe, c'est une team. C'est normal, c'est la traduction en anglais. Team Romano, votez Romano. Alors on va voir la team qui a gagné. Ça a voté beaucoup pour la team Romano, pour la team Cédric. Oui, c'est trop tard pour les votes. C'est fini les votes depuis deux minutes. On a clos les votes. On a les résultats qui arrivent dans un instant. Préparez-vous. Ah, il y en a qui veulent ta mascotte Vibro, Romano. La mascotte Victor de l'Euro. En Vibro, il y a Not Found qui a laissé le message. Pour un peu, elle existe. Hein. Ah, et il y a Ryan B qui a trop de chance. Lui, il a fait un selfie avec Victor. Ouais, mais je l'ai vu, je crois que c'est. Je sais pas si c'est le même. Que j'ai, non, mais j'ai eu plusieurs messages, c'est peut-être pas lui, mais j'en ai eu plusieurs qui ont fait des selfies avec Victor et c'est quand même la classe. Il y a l'auditeur là sur Twitter qui a posté là. Avant le match, moi j'en ai vu. Ah non, mais là c'était, je suis pas dans un hall et il y a Super Victor et l'auditeur à côté, tu vois. Super Victor, c'est le nom. C'est... Super Victor. Super Victor. Sur la Super Radio, wow. Skyrock avec le Super Clash de la drague. C'est... Oui. Alors, qui a gagné? Bah, les résultats arrivent, ça a beaucoup voté, regardez, ça défile. Je vote Romano pour Ben, pour Jojo également. Bravo Romano, quel serrage, j'en pleure de rire pour Fred. Big up à toi Fred. Salut Fredo. Je vote Romano pour Mickaël. Romano c'est un champion. La team Romano en force. Romano champion le pro. Mon frère. Oula mais Romano, dis donc. Eh ouais. Romano c'est le meilleur. Romano serrage en bonne humeur. Je vote le chauve. Bah, ils sont où les messages pour Cédric? Bah Manu, ouais. Vote Romano. Veux, ouais. Une bombe, la team Romano en force. Romano. Ça y est, t'as les résultats du fou là. Sous le nez. Ah déjà? Eh ouais. Bah 5 minutes. Enfin, ça a été bien compté là. Attends. 5 minutes. Ça dépend qui gagne, quoi. Si tu perds, ça a été, ouais, mal compté. Mais là, ça a été. Ouais, attends. Bon, ça dépend, ouais. Ouais. Ça dépend. On verra si j'ai un coup de gueule ou pas. Ah, team le Belge depuis Moscou. Très bien. Ah, quand même. Plus la bien. Team le Belge. Ah, Raph également, qui est en Bourgogne et qui vote Cédric. Merci. Ah, Bourguignon traître, Romano, t'as vu? Ta saloperie. Ah. Je vote pour Cédric. Message de Chupa Chups. Bonjour, ben, Chupa Chups. Romano pour Sab. Lynn qui vote pour Romano. De toute façon, les votes sont terminés. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Bon, bah, je vous les donne dans un instant. Il est où l'homme à la vidéo là? Il est là. Ah, Roberto! Ah. C'est toi, Roberto. Roberto, yes. 23 oui, ans. Et tu es en Avignon ou à Avignon? Ça en dépend. Avignon, on dit. Logiquement, oui. Ouais. Alors. À peu près, ouais. À peu près. Oui, de toute façon, on a compris. Tu Avignon, quoi. À Avignon, dans le 84. On salue d'ailleurs tous nos auditeurs du Sud. Ouais, coucou. Bonjour, le Sud. Bonjour l'équipe. Bonne soirée. Alors, salut Roberto. À partir de maintenant, on parle en patois. Est-ce que tu t'es bien ségué l'évier aujourd'hui? Ah non, mais. Non. Hein, tu non, t'es gars, ségué l'évier, tu as fait gicler la. La pachole. Alors. Les gars, c'est extrêmement bizarre de vous avoir au téléphone. Hein. Eh bien, wow. Il faut tester vous aussi. Eh vous, ouais, pouvez passer à l'antenne, c'est facile, hein, vous nous appelez, vous débarquez ici dans l'émission. Par contre, les gars, moi, je veux pas mourir avant d'avoir entendu Romano faire le remix de Panda. Ça, c'est sûr et certain. Ah, mais c'est vrai, ça. Pourquoi tu n'as pas pensé, Romain? Faut qu'il vienne nous voir, ce designer. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais t'as vu comment il rappe? Je veux bien. Ah ouais, justement, je veux pas prendre. Non, mais. T'as envie que je passe pour un con, ouais, c'est ça. Oui, ah, t'as envie que je passe pour un con. À chacun sa manière de voir les choses, mais je pense que tu peux donner quelque chose là-dessus. Ouais, moi, je pense aussi, je crois en toi, Romano. Non, mais ça, c'est impossible. Jusqu'au bout, je crois non, en toi. Non, mais je pourrais jamais, ça. Écoute. Là, tu peux faire déjà blablabla. Ouais, là, ouais. À la limite, il vient et tu fais tous les cris dessus, toi. Non, mais il y en a beaucoup, hein. C'est bien ce son, hein. Moi, j'adore ce son de. Ah, il est bien, ouais. Tu te mets au panda. Ouais. Le matin, pour me réveiller, quand on passe ça dans le morning, ça me fait. Ah, ça te réveille. Ça me met en transe. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, j'adore les trans. C'est génial, les trans. Ouais, non, c'est pas les mêmes. Voilà, ils ont des gros clitoris. Oh, non, ça s'appelle du jus qui est bien bon. Oui, bah, ça s'appelle une bite, hein, Cédric. Oh, j'adore ça. Ah, bah, je sais bien. Bon, alors, Roberto, explique-nous l'histoire de la vidéo, parce qu'on a parlé de vidéo de cul, c'est toi, donc la vidéo de cul, c'est ça? Problème. Voilà, exactement. Mais tu te filmes en baisant, tu te filmes en branlant, tu fais quoi? Non, en fait, si je dois résumer le gros de l'histoire, en fait. j'étais avec une petite. Ah, une petite. C'est comme ça qu'on dit à Avignon. Ouais, petite. Je suis avec une petite. Bon, elle avait deux ânes. Une petite, c'est le meuf. Elle peut même être plus âgée que toi. Ah, c'est Cora. Lorsqu'on dit une petite, c'est aussi le fil. Coller la petite. Coller la petite. Et donc, le mal m'est venu de vouloir snapper. Pendant que tu baisais. Ouais. Alors, ça, faut m'expliquer parce que vous êtes plein à le faire, mais pourquoi vous faites ça? C'est ridicule, c'est complètement con. Non, mais après, je fais rire. C'est votre délire, c'est bien, mais toi, tu vas nous expliquer pourquoi ça t'a posé un problème. Ouais, parce que moi, je sais pourquoi ça t'a posé un problème. Et donc, mais Romano, tu t'es jamais filmé en faisant l'amour avec la gothique? Non. Pourquoi? Non, ça aurait été tellement beau, tu serais allé sur tête-de-mort.com, le site préféré des gothiques. Non, mais alors moi, c'est un truc, me filmer, ça ne m'intéresse... je sais pas, moi, quand je suis en train de baiser... Je pense qu'à ça, moi. J'ai pas envie de faire autre chose, quoi. Karim, toi, tu t'es déjà filmé en baisant. Ah, moi, je te sors une vidéo tout de suite, gros, si tu veux. Vas-y. Et tu vas baiser qui dans le studio? Non, mais tiens, tu veux une vidéo où je me faisais... Non, ça va. Attends, Karim. Non, mais j'ai pas envie de voir ta vidéo. Non, mais Romano, il veut voir. Attends, moi, je suis toujours curieux. T'as envie de voir la vie de Karim, toi? Je suis prêt à tout. Fais juste voir la tête de la meuf, moi, c'est tout. J'en ai vu des horreurs. Moi, je l'ai vu, moi. Ah bah Marie. Parce qu'elle était là, elle me suçait. Je l'ai même suçait. Non, j'étais pas là, j'ai vu la vidéo. Il y a Marie sur la vidéo, les gars. Ah, tu montres pas notre vidéo à nous. On va la poster. Cédric, tu t'es fait sucer. T'as déjà fait des vidéos en baisant? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ouais. C'est là où on a bugué Facebook. Facebook, un jour, c'est lui, il y a un bug mondial, on n'avait plus Facebook. Ah bah c'était ça. Cédric, c'était. Non, j'ai déjà fait, mais après, je garde dans mon téléphone. Il avait fait un Facebook Live. Pas pour l'envoyer, quoi. Et Samy, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi j'ai déjà fait aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Tu as vu la vidéo de Karim? Il se fait pomper. Il y a une petite bite. Tu vois sa bite, tu vois. Ah, tu bandes. C'est le début, elle commence à me sucer, gros. Je vais pas bander comme un taureau dès le début. Bah ouais, mais elle est vraiment bonne. La meuf, elle est bonne ou pas? Ah, moi la meuf, si elle est bonne, tu bandes direct. Ouais, c'est le début, quand t'as commencé à sucer, je sais pas, vous bandez direct. Ah bah moi je bande avant qu'elle me suce quand je suis surexcité, ouais. Ah ouais? Si elle est excitante, ouais, après. Rien d'y penser, ça me. Ouais, un mec qui bande mou dans ma bouche, merci. Je suis content. Aïe, Karim. Vexé la marine. C'est le début quand t'as commencé à te sucer, tu vois. Mais tu l'as pas, t'as pas ta bite bien dure. Oh non. Mais j'ai pas vu. Mais regarde pour Karim, regarde pas pour la meuf. En plus, tu m'as demandé ça avec un regard chelou. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Donc, Roberto, toi, tu t'as fait un snap. Arrête avec la bite de Karim. Mais c'est pas avec sa bite. Il y a deux jours, il regardait Griezmann, il était là. Oh, il a des beaux yeux bleus. Non, mais c'est vrai qu'il a des beaux yeux. Ça, on ne peut rien. Là, maintenant, il veut voir la bite de Karim, mais bientôt tu vas demander le trou du cul de Cédric aussi. Non, ça je crois pas. Ça, pas de risque. Tu vois, je crois qu'il y a des limites. Et elle est là, la limite. On atteint le cul du Belge. On est borderline ce soir. Ah, bah tu me demandes ça, gros, je te tape. Hein. Oh là, je te tape dans le cul tellement tu m'excites. Mais t'es un animal ou quoi? Je te tape les fesses. Non, mais pour l'histoire c'est une bête. Oh là, je te casse les jambes aussi. Bah vas-y, Cédric, j'aimerais bien voir ton trou du cul qui pue. Ah gros, je vais te taper, hein. Voilà. Et donc toi, pour mettre les idées en place. Roberto, revenons à ta vidéo et ton snap. Donc toi, t'as snappé une vidéo pendant que t'étais en train de baiser. Voilà, à peu près c'est ça. Et je l'ai envoyé à des collègues. Sauf que mon doigt, par je ne sais quelle magie, a aussi sélectionné le nom de ma copine. Ah, parce que tu faisais l'amour avec une meuf qui n'était pas la tienne. Oh, le con. Et tu as envoyé la vidéo. T'imagines? Ah, bah bravo. T'imagines? Mais imaginez le truc quand même. Regarde, Romano, ta gothique, t'envoies une vidéo, elle est en train de faire l'amour avec le croque-mort du village. Ouais. Et moi, je m'en branle parce que je suis plus avec elle. Donc, au pire, la vidéo, je la fais tourner, quoi. Oh non, enfoiré. Cariole t'envoie une vidéo d'elle, elle se trompe, une vidéo d'elle, elle est en train de faire l'amour avec le président du chenil de la SPA. Ouais, mais elle dégage. Qui? Déjà, je quitte l'émission. Tu n'as pas le droit, faute professionnelle. Non, mais je fais un duplex. Je fais un duplex. Vous allez voir comment ça se passe. moi, je suis sûr que tu fonds en larmes. Hein? Je pense que je suis énervé. Je suis tellement énervé que. Cariole, envoie la vidéo avec le mec de la SPA du chenil. Je pense qu'il y a un moment où je pleure, mais avant je suis tellement énervé. Ah ouais. Ou alors je pleure de nerfs, mais je te jure, je la fous dehors. Je fais un scandale dans mon immeuble. Et ta meuf, elle a réagi comment quand elle a. Elle a bien vu que c'était. D'ailleurs, tu l'as envoyé la vidéo, toi, Roberto? Il y en a qui demandaient des preuves, apparemment, ne me croyez pas. Ah, Samy voulait vérifier, oui. Samy voulait vérifier, il voulait absolument voir cette vidéo. Et elle a réagi comment? Sur le coup, elle était. Enfin, on m'a raconté par la suite, mais elle était choquée. Mais elle t'a pas. Forcément, je ne t'attends pas. Mais elle t'a pas appelé direct, ta meuf? Si, sur le coup, elle m'a appelé direct. Ouais. Mais t'étais occupé. Tu l'as vu la vidéo, Romano? Ouais. Bon. Romano passe sa soirée à mater des vidéos de cul. Elle est super, l'émission, dis donc. Romano, pas de remarques, s'il te plaît. Non, pas de remarques. Non, mais déjà, vous êtes habillé. Bon, la meuf, en gros, elle a quatre pattes, plus ou moins. Toi, t'es derrière et t'es en train de lui ploter le cul. Bon, c'est clair que je suis ta meuf, je pète un câble. Ah non, mais tu deviens dingue. Je dis direct, je pète un câble total. Ah, bah, ouais. Mais, ah ouais, donc tu deviens fou. Et, toi, et ça te gêne pas de montrer ta queue à tous tes potes? Non, mais là, y a pas la queue. On voit pas la queue. Non, y a pas. Là, en fait, les deux sont habillés. La meuf, elle en... Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a pas une autre vidéo avec ta grosse queue? Non. Là, en fait, toi, t'es habillé derrière. La meuf, elle a quatre pattes devant toi. Elle est en culotte. Et t'es en train de lui malaxer un peu le cul. Mais tu deviens dingue. Tiens, je vais vous montrer la vidéo. Très bien. Allez, sois fou. Ah, t'as mis une musique et tout sur la vidéo. Ah, la musique, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda. Al-Qaïda. Alors, t'es où, toi? Parce que moi, je vois rien. Si t'es derrière. Ok. Ah, la meuf, elle est devant, tu vois, elle est en culotte. Mais bon, ouais, c'est clair. Faut lui enlever la culotte. On voit bien ta tête. Putain, t'as un peu la tête de Karim. Ah ouais, non, vous abusez, là, vous êtes dur. Ah, excuse-moi. Là, vous êtes très, très dur. Ouais, bon, tu commences à t'amuser, mais on voit pas ta bite et on voit pas que tu la baises. Non, mais d'accord. Non, mais tu vois sa gueule, il tire la langue et tout. C'est chaud. Ouais, tu imagines énormément. Non, mais non, mais tu vois, non, mais en plus, tu plottes le cul d'une meuf qui est. Non, mais oui, il est. Qui envoie ta tête en gros. Normal qu'elle pète un câble. Comment vous auriez réagi, vous pouvez nous dire? Oh, ça va, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Roberto? Eh ben voilà, donc depuis bon, ben forcément, pour me parler, c'est pas du tout ça. Donc absolument, j'ai plus vraiment de contact avec elle. Normal qu'elle soit vénère. Ouais, oh, oui, elle est pas très. On voit pas la bite, y a pas la bite dedans. Non, en plus, la meuf a gardé sa culotte, enfin son string. Enfin, ouais, mais voilà, en fait, quand ça fait 6 ans que j'étais avec elle quand même. Non, mais je pense que, en plus, limite, c'est limite encore pire qu'elle t'ait vue en pleine action parce que là, la meuf, elle a dû s'imaginer la suite de la vidéo. Et toi, et tous tes potes qui sont au courant, donc elle passe en plus pour une grosse conne, quoi. Oui, bah elle a coûté de service, je crois. C'est le plus. La dignité, quelque chose de dignité aussi, ouais. Et la vidéo, t'es content, tu souris, tu tires la langue, t'es content de faire le con. Et tu l'as encore sur Snap, ta meuf? Pas du tout. Bah ouais, elle a disparu. Regarde, gros, elle t'envoie pas une vidéo, elle est avec un mec. Hein. Ah ouais, pour se venger. Bon, vous êtes une fille, vous sortez avec un gars, c'est Roberto. Comment vous réagissez avec le petit Snap? Vous êtes un gars, vous êtes dans la position de Roberto, vous avez envoyé une vidéo de cul de vous en train de baiser, mais vous vous êtes trompé, vous l'avez aussi envoyé à votre meuf. Ou à quelques autres d'ailleurs, papa, maman. Total quoi. Encore pire. Mamie, papy. Ouais, super. Vous nous envoyez vos réactions sur le 41-759, le skyrock.fm et puis au 01-53-40-30-20 si vous voulez nous appeler, comme ça vous avez la chance de tomber sur la Marie. Ouais, par exemple. Ou la malchance d'avoir les autres. Ils sont là aussi, hein, Samy, Karim. Samy, le journal du foot avant minuit, journal de l'Euro, journal des Bleus. Pas mal d'infos aujourd'hui. Eh bien, on va s'en occuper. J'ai les résultats du clash à vous donner, tiens, je vous les donne tout de suite et Pamela se prépare et les pervers aussi. Alors, vous êtes un peu stressé, hein? Bah ouais. Hey. Ah oui, Cédric, tu stresses là. C'est quoi ça? Là, je me déstresse là. Ah, Perlouse. Cédric, Romano. Il était bien ce bruit là. Bah, c'était le cul de Cédric. Voilà, je te le refais. Là, il y a une petite tache là. Voilà, une tache. Mais t'es vraiment un porc. T'es vraiment une bête. Tu parles ou tu chies dessus, parle avec moi. Non, mais ça fait. Alors là, ta gueule. Est-ce que je pourrais savoir, Romain, des réseaux sociaux, pourquoi tu n'arrêtes pas de me donner des photos avec des grosses queues en train de bander? Là, j'en ai un message. J'en ai une grosse avec un petit gland, mais elle est bien longue. T'as vu, il clique sur la souris avec sa bite en fait. Il clique sur la souris avec sa bite. Ah en fait, il te parle sur le. Je comprends pourquoi les souris, c'est un des endroits les plus dégueulasses de la maison. Regarde, Romano, comment tu la trouves. En fait, c'est. Il te parle avec sa bite. Ça m'écoute, une te. Pourquoi tu fais ça, Romano? C'est pas pour toi, Diffoul, c'est pour Pamela. Ah, c'est les photos. Merci, tu penses à Pamela. Lui aussi, il est amoureux en secret de Pamela. Il se branle sur elle, il m'a. Ah, c'est la photo de Romain, en fait. Ça m'étonne pas. C'est ta bite, Romain? La bite de Romain, dans le bureau. Ah, d'accord, on comprend. Voilà, bah t'as une bonne bite. Je vais te la sucer. Dis donc, Cédric. Non, ça va aller, c'est pour Pamela. Tiens, Romano, comme je sais que tu. Tiens, pas ça, Pamela. T'es en contact avec Pamela, je te donne toutes les photos de bite qu'on est en train de me donner. Ah, c'est les mecs qu'on est en train de draguer. En fait, on est sur un chat, ouais, on parle pour toi, Pamela. On a des assistants un peu. Alors, les résultats du clash. Merci, les gars. Ah, Pamela, tu veux les résultats du clash? Ah bah oui, je suis pas venu pour rien moi. Romano a perdu à 68%, 32% Romano a gagné, pardon, à 68%, 32% pour Cédric. C'est les résultats du clash de ce soir. Pourquoi ces résultats là? C'est les résultats, je viens de le dire, Cédric, ah, c'est les résultats de merde. J'étais bien Ken toute la semaine. Bravo, ouais, Romano. 32. Romano, t'as repris du poil de la bête. Je te rappelle qu'il y a 15 jours, t'étais au fond du trou. Ouais, ouais. Là, ça repartit. Cédric, tu veux pas, on fait une photo, genre tu te mets à quatre pattes devant et, ouais, bah et ouais, je me mets ouais. derrière. Fais comme Roberto. Il va être d'accord. Ouais. Roberto, on va faire un snap avec Cédric derrière Romano. Non, ah, Romano derrière Cédric. Viens. Gros featuring. On va faire une photo, je vais t'étrangler, ouais, tu vas voir. Viens, sur la photo. T'as pas vu de la semaine. Comment il se la raconte. Bon, Romano, c'est bien, 68, Cédric. Bon, t'as pas vu. Tu t'es bien battu et t'as serré quand même, Cédric. Bon, attends, je vais t'étrangler. Non, mais, tu veux voir le positif quand même, Cédric? Ouais, vas-y. Bah, ouvre ton micro peut-être. Ah, vas-y, assieds-toi. Attends, je fais tout, pour la photo du full. Ah oui, c'est vrai, vous voulez faire la photo, elle va être mignonne, hein, celle-ci. Regarde, mercredi, Romano était à 72. T'étais à 28. Et ben aujourd'hui, Romano, il est que à 68. Et toi, t'es à 32. Ah, je suis que à 32 surtout. Non, mais t'es pas que, regarde, t'étais à 28, tu passes à 32. Ah, mais tu progresses, ça. Oui. C'est ça qu'il faut regarder, la progression. Deux semaines, je gagne peut-être le clash. À ce rythme-là, le 15 août, t'en gagnes. Hein. Dimanche soir, pendant le match de foot, le super clash avec Vincent. Et, qui va gagner? On verra qui va gagner. Vous rejouez le clash tous les dimanches soirs. Et puis, évidemment, lundi soir, le clash en direct avec nous. À pas louper. Avec les deux beaux gosses. Bon, merci pour les résultats. Et puis, merci pour tous les votes. Hein. Quand vous votez, on vous le dit souvent, ça nous fait plaisir. Merci à vous. Merci à Idriss. À, oh, bah, il y en a plein. Il y a Moukir qui nous a envoyé un message. Ah oui, attendez, je remonte sur le message du clash. Non, ça va être trop loin. Bon, mais merci à vous. Voilà. On vous a vu, on vous a compté, on pense à vous et merci. Merci en tout cas à toute la team Romano que j'avais pas encore remercié hein, pour tous ces beaux votes. Et on vous attend ça pour Roberto. Ça fait bien plaisir. Moi, Samy, où sont les pervers de la semaine? Voici les annonces des pervers de cette semaine car Pamela est là, vous l'avez entendu. Salut, je suis là, oui. Mais tu souris, mais tu es heureuse. Oh, heureuse. Sa gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Oui. Et hop, la boum. Sensuel, on était dans le top sensuel aussi avec le clash. Hein. Eh ben bravo Romano. Et puis avec la victoire des Espagnols contre les Turcs, alors là c'était pas un match de fou, c'était un film de cul. Espagne 3-0. Ouais. L'Espagne a gagné 3-0. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et si. Bon alors, Pamela, je te fais écouter quelques pervers et après on les appelle. Et on a ceux qu'on est en train de draguer en parallèle sur tous les réseaux. Là. Ah ils sont chauds, ils t'envoient des photos de leur bite, ils attendent je que ça. Je vois ça, je vois ça. Oui. Il y en a un qui a un attirail de god, il veut te goder. Il t'a, oui, il t'a envoyé une photo avec tous ses godes sur la table. Il a une mallette. Ah non, il a un magnifique god banane, ouais, rose fluo. Fais voir. Ah, il est beau celui-là. Celui-là, là. Il a les menottes et tout. Ouais, les menottes, il a un attirail. Lui, tu vas chez lui, ça fait flipper quand même. Ah ouais. On dirait qu'il t'envoie ça. Mais le mec, il a combien de god? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'imagines 9 gods. Le mec a 9 gods chez lui quand même. Et une paire de menottes. En tout cas, il était très fier de t'envoyer la photo. Ah ouais, 9, moi j'irais pas le voir déjà. Ah non, mais ouais, il ah, j'aurais peur qu'il m'explose au trou de balle. Ah, ou la chasse. Ah, bah si tu mets les 9 d'un coup, ouais, tu risques d'avoir très mal, ouais. Ça c'est clair. Surtout ne jamais se faire menotter chez ce monsieur. Oui, parce qu'il a aussi des menottes, ça faut faire attention. Alors, faites attention si vous allez sur les réseaux, vous pouvez tomber sur des gens bizarres. Par exemple, tiens, ceux qui ont laissé des messages à toi, belle Pamela, écoute bien. Le premier. Oui. Bonjour, 0687, 20... En ce moment, jeune homme avec sa belle maman. Hein? Lui, 28 ans, belle maman, 56 ans. Ah, il baisse, il baisse sa belle-mère. Pour mon plaisir, avec femme ou couple. Merci. Ah ouais, lui il fait flipper. Mais Oh, tu n'as pas tout compris, Romano. En fait, il est avec sa belle-mère et lui il a 28 il ans. Il baisse avec sa belle-mère. Ouais. Ouais. Et quand vous avez parlé, il dit en cachette de sa fille. Donc en fait, il baise la mère de sa fille. Oh, et ils veulent faire un plan à trois avec toi. Oh. Il baise la mère de sa fille. Non, la mère de sa meuf. La mère de sa meuf. Ah oui. Oui, c'est mieux d'ailleurs. Oui, pas de sa fille. Non, la mère de sa meuf. Oui, quoi, c'est crade quand même. Sa belle-mère. C'est. Voilà. Donc, tout simplement. Lui, il est sympathique comme tout, complètement dégénéré. Mais il est connu, c'est mon mec. Ah, bah écoute, Marie. Arrête, laisse-le tranquille, toi. T'imagines, Marie Non, mais non. T'apprends qu'il couche avec ta mère. Non, c'est pas possible. Alors, attention, vous êtes prêts. Le deuxième vient du 71. Ah, merde. La Bourgogne. Et vous allez voir, il est très, très intelligent car il laisse quand même. Donc, un message pour Pamela, le rappel. Écoutez. Oui. Bonjour, homme du 71, chaud. De 65 ans, voudrait rencontrer une femme ou un couple. Ah, le con a oublié son numéro. Ouais. Donc, comment tu veux qu'on le rappelle? Ah, ça oui, ça il est pas mal. Tu l'as reconnu, tu le connais, Romano? Non, lui, ça me dit rien. C'est non, pas quelqu'un du village Autun, non? Non, c'est pas un village Autun. Mais il y a personne. On a eu des auditeurs quand c'est lundi ou je crois ou mardi. Bah, quoi, ouais, tu veux qu'on appelle dans ton tour du cul, là? Saint-Etienne, Romano. Non, t'habites pas. Non, t'es pas de Saint-Etienne. Saint-Firmini. Ouais. Bah, il y a un peu moins d'habitants qu'à Saint-Etienne, je crois. Oui, mais bon, ça touche. Toi, ton bled, il touche des bois. Moi, ma ville, elle touche d'autres villes bien grandes. Ouais, bah, genre, t'allais à Saint-Etienne tous les jours? Tous les jours. Mytho. Si je faisais de la radio tous les jours. Ouais, mais c'était à Saint-Etienne même. Bah oui, c'était à Moreno. C'est où ça, Moreno? Moreno, c'est une colline de Saint-Etienne. Quartier chaud, man. Ça fait rêver là-bas. D'ailleurs, tout le monde dit que c'est un quartier super chaud. Moi, j'ai jamais eu un problème à Moreno. Moi. Ouais, mais bon, les mecs, c'est normal. J'y allais tous les. Ah, c'est vrai. Quand tu vois Difool, cherche pas les embrouilles. Ouais, c'est vrai. Ah, bah ça. Ah oui. Bon, le mec du 71, on ne le rappellera pas. Il est con, il n'a pas les embrouilles. Ah, bah ouais, tant pis pour lui. Allez, on passe au troisième. Il est où? Si ça t'excite d'entendre un homme jouer en train de se branler, cracher son sperme, appelle-moi au 06 86. Ah, mais c'est le retour, lui. Ouais, et après, clair. Quand je décalote, c'est bien gluant. Ah, ça y est, oui. On s'en rappelle, oui. Si ça t'excite d'entendre un homme jouer en train de se branler, cracher son sperme, appelle-moi au 06 86. Voilà, voilà. Je suis à poil quand je décalote, c'est bien gluant. Ouais. Je suis à poil quand je décalote, c'est bien gluant. Imagine l'odeur de sa bite. Ah ouais. Lui, t'as laissé, je veux dire, qu'on met d'annonce. Et lui, il a l'impression que c'est un argument de vente. Ouais, ouais, grave. Ouais, j'ai le gland bien gluant. C'est ça, ouais. Ouais, ça, avis aux amatrices. Lui, il fabrique du fromage, il fabrique du camembert, il a l'impression que ça excite les meufs. Du camembert, mais bien coulant. Mais lui, il nous a laissé des dizaines et des dizaines de messages. C'est un ouf fini, lui. Bon, on va passer au quatrième. Mais c'est qu'il doit vraiment trouver son bonheur régulièrement sur le réseau. Ouais, le mec galère comme c'est pas permis. Ah ouais, comme pas deux. Allez, un autre. Maxou, 1m80, 80 kilos, un berbe. Ah, j'ai bien monté. Cherche pas, OR ou dialogue, SMS, MMS, 06, 03. Et voilà. Et voilà, vive le Marseille. Ah ouais. Allez, voilà. Trop séduisant. Ouais, c'est Maxou. C'est Maxou, du Sud. Très bien. Ouais. Maxou, donc lui, il cherche ou du réel, ou des MMS, ou ouais, des il cherche Pamela, quoi. Voilà, et Pamela. Surtout ouais. Pamela. Surtout, surtout. Eh bien, je suis là pour lui. Allez, un autre. Oui, bonjour, je suis Claude. Bah, écoutez, j'aime porter les collants, donc je voudrais faire des rencontres. Bah, écoutez, appelez-moi, mais plutôt laissez-moi des SMS. Ah. Donc et voilà, donc mon numéro c'est le 06 18. Ah lui, il est chaud, lui. Il essaye de se retenir, mais ça sent qu'il est chaud de ses chauds. Et lui, il aime les collants. Non, il les porte, carrément. Les collants. Oui. Ah, c'est un taré, ce qui est quand même beaucoup plus sexy. Tiens, une autre bite, Pamela, si tu veux. Ah, ça n'arrête pas sur toi. Ah, bah tiens, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, sa tête. Une autre bite, c'est vrai. Et l'autre, il n'y a que sa tête. Et pourquoi j'en ai pas une, moi? Non, moi, ça va aller. Attends, Cédric, je vais te donner une bonne queue. Sa tête et sa bite. Ah, il y a la tête et la bite. Donc, il y a deux photos, donc tu les mets l'une en dessous de l'autre et regarde. Et il y a son corps. Ah, ok. Lui, on l'appelle. Hop là, tiens. Hop. Et le dernier pour ce soir, pour les annonces, et après on les appelle en direct. Jean-Claude, pour un petit dialogue sensuel, 01 45 35. Oui, c'est Jean-Claude, c'est pour un dialogue sensuel. Déjà, il a la voix pour la sensualité, je crois. Jean-Claude, pour un petit dialogue sensuel, 01 45 35. Jean-Claude, c'est moi. Oui. Bonjour, c'est Jean-Claude pour un petit dialogue sensuel. Oui. Sensuel, pardon. Oui. Voilà. Je suis très sensuel. Il donne envie. Je suis le cousin de Didier Deschamps. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour, tonton. Oui, papa. Bonjour. Je suis à Clairefontaine. Et moi, je suis Jean-Claude et je recherche un dialogue sincère. Jean-Claude pour un petit dialogue sensuel. Oh. Sensuel. 01 45 35. Oui. Allez, parisien, allez. Eh oui. Pogba, tu peux enlever tes claquettes, ça me fout à bout de nerfs. C'est le cousin, le cousin parisien de. Ouais, c'est ça, Didier. C'est Didier Deschamps. Ouais. Bon, eh ben, ça nous fait quand même du lourd. Ah ça. Bah là, il y a du client là. Eh ben vous, et, comme le dirait Cédric, eh ben dans un instant, on va les appeler. Eh oui, en direct. Et on est en train de draguer aussi sur des chats. On teste tout ce soir et vous allez voir sur quoi on va tomber. On va découvrir ça avec vous tous. Et les réactions pour Roberto et son snap de cul qu'il a envoyé à sa meuf. Le problème, c'est que sur le snap de cul, c'était pas sa meuf. Oui, c'est ça. C'est ça, Roberto. Ça, c'est un peu con. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et Toine arrive pour agir pour toi. On le retrouve dans un instant. Tu bouges pas. Toine de Toulouse. Allô, Toine. Coucou. Salut. Salut, Toine. Roberto. Ça va bien. Toine. Ça va bien. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va, impeccable. Bon, tu vois, je vous écoute, donc ça va. Ça va, ça va. Ah, il y en a qui veulent écouter Drake, mais je l'ai promis, le Drake. Il y en a qui nous disaient, parce que je parlais des grosses basses de designer, qui avaient des grosses basses sur Drake, et qui nous demandaient de mettre le suprabass sur le son de Skyrock. Mais il y est déjà le suprabass sur le son de Skyrock. Ah, c'est bon, il y a déjà tout ce qu'il faut. C'est lui qui nous a envoyé ça, ça m'a fait rigoler le message. Ouais, super, sur designer, mettez le suprabass. Bon, on va vous le mettre sur Drake, là. On écoute Drake, c'est parti pour One Dance sur Sky.

fantasy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Boom, boom. Je parlais des bases de Drake, c'est ça. C'était One Dance. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et le journal de l'euro arrive, le journal de l'euro des bleus de Skyrock, ouais. De la radio libre, de ouais. Premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ouais. Samy, tu parlais de la pub de Ronaldo, la pub ouais, Nike avec 6 minutes de Ronaldo en à fait, la suite. C'est chaque compétition, que ce soit un euro ou une Coupe du Monde ou quoi, Nike qui sort une pub, mais ouais, limite un film. Ouais, quoi. Mémorable. Ouais. J'aime bien ça, moi. Ouais, c'est ouf. J'ai pas vu par contre. Et ben celle de cette année, c'est celle-là qui est en ce moment à l'écran en fait. Ah non. Mais là, ils l'ont mis en version coupée, tu vois, elle dure 6 minutes. Ah non, on est sur Bing. 6 minutes, ouais, c'est bon. Vous la trouvez sur le site de Nike. Là, elle a duré 15 secondes. Ouais, ben en fait, t'imagines s'ils doivent acheter un écran pub de 6 minutes. Non, mais tu sais qu'à mon avis, genre sur TF1. Ils vont la mettre en entier une fois, tu penses? Ah, c'est possible. Ouais. Parce que, ça sera la seule pub d'un écran pub juste avant la météo. Ils font ça en général. Si c'est déjà arrivé, tu sais, par exemple, pour le jour de l'an, il y a les marques de luxe, genre L'Oréal ou. Ah, Louis Vuitton. Louis Vuitton, ouais. Ou Dior et tout ça. Qui, eux, pareil, font des mini-films. Ouais, c'est des courts-métrages. Ouais, 4-5 minutes. Et souvent, ouais, en fait, ils ont acheté l'écran pub en entier. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que historiquement, la pub de Nike, elle a toujours duré genre 4-5 minutes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle est passée une fois en télé. Et après, tu pouvais la voir que sur Internet. Ouais, c'est ça. À chaque fois, elle est passée une fois. Oui, en même temps, le prix que ça doit leur coûter pour qu'elle passe une fois déjà, ça leur suffit. Les mecs ont pété le budget, quoi. Déjà 30 secondes en télé, ça peut monter à. T'imagines la prendre en euros, 200 000 euros. Ah ouais, bah, 500 ça va vite, 000 hein. euros. Et pour ceux qui l'ont pas vu ou qui n'ont pas l'occasion de la voir, c'est énorme. C'est un court-métrage avec Cristiano Ronaldo, en fait, qui se retrouve dans le corps d'un enfant, tu vois. Ouais. Et l'enfant qui non, se retrouve dans le corps. Mais c'est dégueulasse ton truc. Non. Cristiano Ronaldo se retrouve dans le corps c'est d'un enfant. Non, mais il a le physique d'un enfant. Ah, et le petit garçon, d'un coup, c'est Cristiano Ronaldo, tu vois. Oh, ouais. Et les deux, ils se retrouvent dans la vie de l'autre. Oh, là, Cristiano Ronaldo, il se lève et il y a ses parents qui mangent, tu vois. Ce que j'adore, c'est quand il est petit. C'est énorme. C'est la gueule, toi. C'est là où il m'excite le Franchement, elle est trop forte. C'est trop bien fait. On peut peut-être mettre le lien sur ouais, nos réseaux. Ouais, mais attends, il faut payer Nike. Donnez des sous, Nike. Envoyez des paires de chaussures, quoi. Ouais, 200 000 euros les 30 secondes. Ouais. Et sinon, basket, bravo aux filles, là. Ça y est, qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. C'est bien, les filles. Bravo, bravo. On vous verra à Rio. Roberto est de retour. Dans un instant, on a plein de réactions pour toi, Roberto, et ton snap, là, que t'as envoyé par mégarde à ta meuf. Le snap où tu en baisais une autre. C'est ça. Putain, à toute époque. Non, tu la baisais pas, Roberto, parce qu'on a vu la vidéo, tu commençais à la baiser. Ouais, enfin bon, t'avais. J'étais excité sur elle. C'est intermédiaire. Enlève le kit main libre, Roberto. Ouais, on va te présenter dans un instant Felindra. Et toi, Toine. Déjà, toi, Toine, on lui dit bonjour, mais il est toujours là. Et Felindra. Bon. T'es là, toi, Toine? Ouais, je suis là. Toine. Ouais. Et Felindra, tu es la belle Felindra. Oui, bonjour. Felindra, tête de tigre. Ah ouais, j'avais vu. C'est clair. C'est ça, oui. Non Felindra, tête de tigre. Ah ouais, dans Fort Boyard, ah ouais. Ouais. Oui, celle qui tourne la tête de tigre et les pièces, elles tombent là. Ouais. Il y a les boyards qui tombent. Eh, hey, Romano, elle doit t'exciter alors, Felindra. Pourquoi? Bah, c'est la machine à boyard un peu. Ouais, c'est ça, la machine à boyard. La machine à pièces, ouais. Alors, Felindra, tu seras porte-parole des filles parce qu'on t'a choisi, mais vraiment, on aura pu en choisir une autre. Parce que vous êtes plein de nous avoir laissé des messages sur ce qui t'est arrivé, Roberto. Et elle va se faire la porte-parole des meufs qui nous ont laissé tout ça. Ouais, et toi, Toine, il t'est arrivé à peu près la même chose. En tout cas, tu t'es déjà filmé en train de baiser, toi, Toine. Ouais, voilà, ouais. Roberto, t'es pas le seul à avoir merdé. Ah, yeah. Oh, allez. Bon, on vous retrouve, mais juste après Pamela, parce qu'ils nous attendent. Ils sont là. Oui. Enfin, on espère qu'ils sont là. On les appelle en direct tout de suite. Ah, voici. Désolé, les gars, c'est priorité à moi, là. Priorité à Pamela. Toi, Toine, Roberto, ne quittez pas. Marche, je vais éjaculer 2-3 mecs et ça sera vous. Voilà. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85 A et le droit 95 E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Bon, on a écouté les annonces. Elles étaient super, magnifiques. Et ben, c'est maintenant l'heure de les appeler. Allez, c'est parti. Alors, on appelle les annonces et on appelle également ceux qu'on t'a mis. Allô? Non, t'inquiète, c'est bon. Samy, tu me dis juste quand c'est une annonce sur le réseau ou sur le site. Allez. Mais qu'est-ce que tu regardes, Pamela? Mais des tubs. Wow. T'as les mecs envoient leurs tubs comme ça. Cédric! Tiens, non, ça va aller. Pour te faire plaisir, pour ta chambre. Voilà, je vais en faire un poster. Non, mais je te les laisse, Pamela, c'est pour toi, tu sais. Et toi, Toine, ça te dérange pas de montrer ta tub sur des. Parce qu'on est un peu dans le même sujet, là. Sur des vidéos, tu t'es pas dit. Tu l'as envoyé qui, la photo? Ou la vidéo, c'est quoi? C'est photo ou vidéo que t'envoyais, toi, Toine? Moi, c'est une vidéo, en fait. Mon ex est tombé dessus, en fait, quand on fouillait le disque dur. Ah, oui. Ah, merde. Toi, t'as pas envoyé, ouais. Ton ex. Ah, ouais, ton ex, c'est-à-dire que c'était la meuf avec laquelle tu sortais. Voilà, ouais. C'est ça.

voilà. Bon, les places pour Rihanna à gagner dans un instant sur Skyrock. Et n'oubliez pas, dès lundi, dans le morning, entre 6h et 9h, dernière semaine du morning. Ouais. Pour cette année. Ou peut-être pour l'éternité. C'est jamais, Marie. Hein, dernière sais. Semaine de la saison. Ils ont profité de tous les moments de la vie, Marie, mais comme si c'était le dernier jour. Ne mourrez pas. Il en reste 5. 5 quoi? La morning. Ah, morning. Par contre, des places, on en a plus. Ah ben on en a 400. Des places pour... non, pour ça c'est pour Rihanna. Pour l'euro, on en a plus de 200. Ah oui, oui, oui. Avec le Crédit Agricole lundi, on vous refilera vos places. Alors, semaine prochaine, je vous l'annonce, à pas louper, levez-vous tôt avec nous. Les gens rigolent bien. Et en plus, vous gagnez vos places pour les demi-finales et pour la finale. Eh ouais, dernière chance aussi, semaine prochaine. Ouais. Demi-finale, finale de l'euro, semaine prochaine, à pas louper, dans le morning, entre 6h et 9h. Ça, ce sera dès lundi matin. Et donc, on parle de places. Et tu as dit, il y en a 400, c'est les places pour Rihanna. Oui, c'est ça, ouais. Quark. Ok, tu chantes bien. Please don't stop music. Et bien, tout ça à voir sur scène et sur les scènes des Stades de France. Le Stade de France à Saint-Denis, mais aussi à Nice, à Lyon et à Paris. Vous allez voir Rihanna et les places sont à gagner sur Skyrock avant minuit. Il est quoi? 23h46. Allez, dans 10 minutes, un quart d'heure, je vous donne le top. Vous pouvez vous inscrire. Préparez-vous, on tire au sort et vous faites tourner la roulette avec nous. Vous allez voir Riri. Ouais. Rihanna, tiens, le nouveau Black M à écouter sur Sky avant minuit aussi. Et donc, Roberto, le retour, parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe de toi. T'as entendu, Pamela, elle était assez en forme aujourd'hui. Ah ouais, ça. Mais l'autre, c'était un fada. Fada. Waf, waf, waf. Il a aboyé, il a. Oui, il a. Le mec s'est mis à quatre pattes et il a aboyé. T'aurais dû lui dire de bouger la queue, Pamela. Je lui dirai la prochaine fois. La prochaine fois. Il est parti quand Patrick est arrivé. Ouais, il a surprenant. Peur, hein. Ouais, surprenant. Ouais. Il a trouvé. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est des gens qui le font vraiment. Je suis sûr, il s'est vraiment mis à quatre pattes avec son téléphone à la main. Ah, ouais, ah mais, bah je pense ouais. Je pense que ouais mais lui je pense qu'il sait tout ce qu'il disait ouais. Ah bah déjà le mec il a décroché le téléphone, il était déjà au taquet donc on l'avait dragué ouais sur un réseau, mais on dit pas lequel, on reste discret. Ouais, oui, sur un chat et tout ça là. Alors Roberto, on a Toine avec nous. Et on a Félindra aussi. Alors on va laisser la parole à Félindra parce que Félindra, tu représentes les filles ce soir. Les filles, ouais. Voici votre porte-parole, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec Félindra, vous pouvez le dire. Donc le résumé de la story. Félindra, tête de tigre. Voilà. Cédric, peux-tu nous résumer qu'est-ce qui est arrivé à Roberto? Bah Roberto, en fait, ce qu'il a fait. Oui. C'est l'histoire avec sa meuf. Oui. Ouais, c'est ça en fait. Il a filmé en fait sur Snapchat avec sa meuf, enfin avec une meuf qu'il a rencontrée, je sais pas où d'ailleurs, on ne l'a pas dit. L'explication va être très claire. En fait, il est en train de se frotter à la meuf et ce con, il l'a envoyé à sa meuf. Et en fait. Et on voit sa tête. C'était pas clair. En fait, il l'a envoyé sur Snapchat. En fait, oui. Vous avez le même tic tous les deux là. Ouais, c'est ça le refait. Non, sur Snapchat, il l'a envoyé à sa meuf au pied. Non, Cédric, on ne comprend rien. Il se frottait avec la meuf. Je propose que tu reprennes depuis le début. Elle va te faire. Oui, Félindra, écoute bien l'explication de Cédric, elle est toujours très claire. Bon, allez, vas-y, je vais simplifier. Alors, personne n'intervient. Non. Cédric, réexplique-nous. Félindra, c'est pas gentil de rire. Non. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé à sa meuf. Attends, Cédric. Attends, tout le monde doit écouter. Moi, je m'assois tranquillement. Roberto, écoute bien ton histoire, tu vas voir. Cédric va te la raconter, tu ne vas plus la comprendre. Alors, attention. Cédric. Félindra, on t'entend rire, ce n'est pas gentil pour Cédric. Alors attention, Cédric, c'est à toi. On t'écoute. Roberto, il a envoyé à sa meuf une vidéo sur Snapchat, en fait, où il est en train de se frotter à une autre meuf. Et alors? Ah voilà, meuf a vu la vidéo où il est en train de se frotter à une autre meuf. Ok, pas de problème. On voit bien sa tête, on voit sa grande gueule en train de tirer la langue et tout, quoi. Magnifique, donc... L'histoire est claire pour tout le monde. Roberto, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Je crois que Cédric, il a kiffé sur toi. Le seul truc qu'il a retenu de ta vidéo, c'est Wallah, il tirait la langue. Ouais. Wallah, il tirait la langue. Ça m'a fait rire, tu vois sa grande gueule et tu le vois, il tire la langue comme ça. Wallah, ça m'a excité, oui. Non, ça m'a fait rire, surtout. Wallah, j'aurais aimé être à la place de la fille. Oh, bon. Ah, non, poteau. Et encore moins à la place de ta meuf. Alors, Félindra, qu'est-ce qu'on entend? Il est dur, ça fait flipper ça. Oh, dégueulasse. Alors. Il est Félindra, il t'arrive la même chose. Enfin, tu voulais réagir, allez, vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé de cette histoire. Tête de tigre. Romano va te faire la blague à chaque fois que je dirais Félindra. Déjà, je voudrais juste faire un petit aparté. Je suis pour la team Romano tous les soirs. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Bisous, Félindra. Tu dois être content. Ah bah oui, je suis content. Ouais. Ah bah, non, mais c'est fou, il me montre des trucs, tu sais, il me fait des signes. Il est content. Je ne comprenais plus rien. Mais je t'embrasse, Félindra. Maintenant, nous t'écoutons. Merci. Il se foutait de ma gueule il y a deux secondes. Non, ce qui concerne Roberto, non, je trouve clairement abusé

Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Est-ce que je peux faire une petite dédicace, s'il vous plaît? Tu veux faire une petite dédicace? Allez, vas-y. La petite dédicace. Je vais faire une petite dédicace à mon petit cœur qui est en train de dormir, que j'aime. C'est con, mais c'est con, mais il l'entend pas. Ah bah, ouais, bah non. Bon bah bisous, bisous, petit cœur. Tu lui diras. Roberto, merci du coup de fil et puis bon courage pour la suite. J'espère qu'elle restera avec toi si tu l'aimes très fort ta copine. Et lui fais plus jamais ça. Bah oui. Ouais, bah à mon avis. La prochaine fois tu la trompes, mais tu n'envoies pas de snap. Comme dit Izzy. Merci du coup pour ce sacré conseil. Oui, de rien. Il dit, Derek ça dit la cédaille et je suis assez d'accord. À mon avis, elle va te faire la gueule, mais laisse tomber quoi. C'est possible. C'est la conclusion de Marie. Et toi, Toine. Merci à toi, Toine. Et avec plaisir. Tu représentes bien Toulouse, je voulais te le dire. Merci Antoine. Ouais, merci, c'est gentil. Mais un petit conseil, juste pour tous ceux qui font des vidéos, des trucs, des machins. Vas-y, vas-y. Virez-les après, parce que la relation elle s'arrête, on sait jamais. C'est vrai, c'est mieux. Ce c'est là que ça peut se gâter, Ou tu les mets dans les petits dossiers, là, tu sais, secrets, là, que tu peux avoir les applis, là. Ouais, des applications comme ça. Ouais. C'est pratique. C'est ce qu'il faut faire. Ok, et on vous envoie le t-shirt Skyrock à tous les trois. Roberto, toi, Merci, c'est cool. Félindra, on vous embrasse. Bisous tout le monde. Bisous. Et top inscription pour la roulette. Elle tourne. Ça va tourner. Et ça tourne. Si vous voulez gagner Rihanna, c'est maintenant. Je vous en parlais il y a un instant. Vous voulez aller la voir à Nice, à Lyon, à Lille, à Paris. Saint-Denis. Vous gagnez Rihanna en concert. Il y a déjà Maurice qui s'inscrit. Il était prêt, Maurice, avec son message. Jérémy aussi, il était prêt. Raph aussi était prêt. Maurice, je vais aller voir Rihanna à Nice. Appelez-moi l'équipe, s'il vous plaît. Eh bien, on va te tirer au sort. Donc, Marie va faire un petit tirage au sort. Et attention. C'est ça. Vous faites tourner la roulette avec nous. C'est dans un instant. Et évidemment, sur Skyrock. Et n'oubliez pas la Nocturne. Il y aura plein de escrocs et de Nekfeu à la Nocturne. Puisque c'est aujourd'hui qu'il est sorti l'album. Vous l'avez découvert dans la planète rap cette semaine. Mais oui, non. Super Planet Rap. Eh bien, vous aurez une séance rattrapage ce soir. Là, c'est Black M. Le nouveau Black M. Ça, vous aussi, vous l'avez découvert sur Skyrock. C'est la radio des nouveautés et des exclus. Hein. Oui. Sur l'album qui sortira au mois d'octobre. Black M est venu nous présenter dans la radio libre cette semaine. On écoute La Nuit Porte Conseil. Je suis venu, j'ai vu et j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. Dans ma vie j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Le feu de l'action qui brûle, peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Ce soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. La nuit porte conseil. Bon, et la nuit, il y a la nocturne. C'est pour ça que ça s'appelle la nocturne. Ça arrive dans un instant, c'est avec Fred. Ouais. Et là, c'était le nouveau Black M sur Sky. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Ouais, 100% rap français, ça arrive dans un instant. Et la roulette qui va tourner. Un petit Karim Comedy. Ah non, non, non, le journal de l'euro. Excuse-moi, Karim. Le Karim Comedy Club se fait remplacer ce soir par le journal de l'euro. Vas-y, c'est le journal lundi, il y en aura un. Lundi, il y en aura un. Attention. Vas-y, man. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de Karim Comedy Club ces derniers mois. Ouais, mais avec l'euro, tout ça, on est chargé, man. C'est remplacé par le journal de l'euro. Ouais. Allez, le journal de l'euro. L'euro 2016. Journal des Bleus. Wouh! Skyrock. Le journal des Bleus, c'est parti. Allez, c'est parti. Petite question comme ça pour commencer. Vous savez qui c'est qui a le plus de followers sur les réseaux sociaux? De tous les joueurs de l'euro. Des vrais, des bidons. Non, mais, parce que les followers, moi je. Ah non, mais pour les joueurs de foot, ils n'ont pas besoin de les acheter. C'est Ronaldo. Ouais, hein, Ronaldo, mais largement. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a quasiment autant que tous les autres. Tout le monde. Cristiano. Deuxième, vous avez. Deuxième, c'est Messi. Lewandowski. Non, moi ça m'a surpris. Non. D'ailleurs. Zlatan. Non. Mais Messi, il est pas à l'Euro, Difool. Tu nous as fait une Cédric là. Zlatan, ouais. Non, Zlatan, il est troisième. Deuxième, c'est Gareth Bale. Gareth Bale. Ouais. Moi aussi, ça m'a fait halluciner. Pourquoi Gareth Bale? Il a combien de mecs, Ronaldo? J'ai pas le chiffre. J'ai que les chiffres de Instagram. Là, son chiffre sur Instagram, c'est 67 millions. Ah ouais, ça va. Par exemple, c'est pas mal. 67 millions. Bale, il en a combien? 18 millions. Ah ouais, putain, la marge. Mais 22 000, je fais pitié, moi. Donc en fait, Cristiano Ronaldo, il y a la France qui le suit, on est 66 millions. Donc même 67, 43 ouais. millions sur. Sur quoi? Sur Twitter? Sur Twitter. Pouah, 43 183 818, je viens de m'abonner. Oh la vache. Hop là, et Romano est là en plus maintenant. Et là, je me désabonne. Eh ben, et hop là, il en perd. Oh là. Bon, Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Voici les nouvelles des Bleus, le journal des Bleus. Yes, aujourd'hui, entraînement des Bleus sous la pluie. Donc l'entraînement était un petit peu écourté parce qu'il pleuvait beaucoup vers Clairefontaine. Ils sont juste entraînés une heure, voilà, pas plus. Rapide. Donc ils ont fait un long décrassage, long échauffement pour les remplaçants, les titulaires. Après, attends, Cédric, ils font des décrassages, les Bleus. Ouais, sous la pluie, pendant l'entraînement, ouais. Ouais. Après ceux qui ont joué mercredi, ils ont arrêté l'entraînement. Il y a que les remplaçants qui ont continué à jouer, tu vois, ils ont poursuivi pendant une demi-heure. Ouais. Les ceux qui jouent habituellement étaient en soins et après ils sont tous revenus sur le terrain. Ils ont fait des ateliers devant les cages, donc des ateliers de frappe, tu vois, des tirs. Voilà, atelier couture, atelier peinture, atelier cuisine. Oui. Et donc ce sont principalement distingués Griezmann et Gignac. Ça a été les plus adroits aujourd'hui devant les buts. Ceux qui ont marqué le plus de buts à l'entraînement. En fait. C'est bien. Donc est-ce que c'est une indication? Griezmann, ça l'a chauffé à de louper un match, hein, non? Ouais, ouais. Bon, en même temps, ça va. Fallait le reposer aussi. Lui, c'était pas une sanction. Hein, c'était vraiment pour le reposer qu'il a débuté. Hein. Donc là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que va faire Didier Deschamps dimanche contre la Suisse? Vu que la France est déjà qualifiée, est-ce qu'il va mettre les remplaçants et faire jouer tout le monde, ou alors est-ce qu'il va essayer de mettre les titulaires pour accrocher la première place du groupe? Parce que quand tu finis premier, tu joues contre une équipe qui est moins forte que si tu finis deuxième. Oui, vaut mieux finir premier de son groupe. C'est mieux. Ouais, voilà, donc c'est important de finir premier. Donc il devrait faire en fait une composition mixte. C'est-à-dire que la défense, il devrait la laisser la même avec le gardien, les défenseurs. Ouais. Pour créer les automatismes, ils ont besoin de jouer ensemble, de s'entraîner, donc il va les laisser. Il va changer les deux latéraux parce que Sagna et Evra, c'est les plus vieux de l'équipe de France. Donc ils ont besoin de se reposer. Maison de retraite un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais 35 ans. 33 ans et 35 ans, c'est Oui. Les deux joueurs les plus âgés. Donc il va les laisser au repos. Ça devrait être Jallet qui va jouer par exemple. Milieu de terrain, il va changer pour laisser reposer les mecs. Payet devrait être sur le banc, Matuidi devrait être sur le banc, Pogba lui par contre il devrait être aligné, comme c'est le bleu qui a le moins bien joué depuis le début. Deschamps, ils veulent le laisser pour qu'il prenne confiance, tu vois. Donc un match comme ça avec un peu Il pourra peut-être démarrer le match. Ouais, démarrer le match et vu qu'il y aura un peu moins de pression, peut-être qu'il va pouvoir se lâcher et mieux jouer. Ah, il n'y aura pas de bière alors. Ah non, il y a moins de pression. Il n'y a pas de pression. Ouais, non, dommage. En attaque, il devrait tout changer aussi. Coman devrait jouer, Martial devrait jouer, Gignac devrait jouer. Donc les trois titulaires habituels devraient être sur le banc, quoi, pour se reposer. Très bien. Donc ça, c'est pour nos bleus aujourd'hui. Pour les bleus, ils partent demain de Paris, donc pour aller à Lille directement. Ils prennent l'avion le matin. Eh ouais, c'est chez les Lillois. Ils devaient aller s'entraîner. Place, ouais, il devait aller s'entraîner dans l'après-midi demain au stade où ils vont jouer dimanche, donc au stade de Lille, au grand stade de Lille. Seulement, l'UEFA a interdit les équipes de s'entraîner dans le stade de Marseille, dans le stade de Lille. Ils sont pourris. Les veilles de match à cause de la pelouse, en fait. Ah ouais, les pelouses, elles sont mais pourries. Mais ça, c'est quand même honteux, quoi. On organise l'euro, on a des pelouses de merde, on passe pour des cons. Bah, juste à Lille et Marseille, en fait. Les autres, ça va à peu près, mais c'est vrai que Lille et Marseille, les pelouses sont dégueulasses. Mais pourquoi alors, en fait, ils vont aller s'entraîner sur un autre terrain, par exemple, à Villeneuve d'Ascq, des trucs comme ça. Ouais. Mais ils pourront pas s'entraîner. Dans un pré, ils vont aller dans un pré. Avec les vaches. Dans une forêt à côté de Lille. Mais il y avait Didier Deschamps, il avait gueulé pour Marseille. Il a gueulé. En même temps, il faut un concert d'ACDC un mois avant l'euro. Oui. On avait écouté dans le bordel. Mais il a pas tort, Elle va te faire enculer, toi. Non, mais il a raison, c'est vrai que c'est abusé. T'as une compétition comme ça et un mois avant, tu fais un concert de rock où il y a tout le monde qui piétine la place. Il y a Ben qui nous dit j'espère que les cafards du matin auront tort. Oui, ce matin, Blatard le cafard et ses amis ont pronostiqué le match contre la Suisse. Les cons ont pronostiqué victoire de la Suisse. Ah ouais, ça me vénère. enfer. Déjà, ils sont dégueulasses et en plus, ils sont. Ah, c'est ignoble. Ouais, ah, c'est dégueulasse, j'ai vu la vidéo. Non, c'est confirmé, c'est ignoble. Faut aller voir la vidéo. Je l'ai attrapé avec les mains, t'as vu. Tu l'as touché, mais j'ai vu, ouais. Et mais ça s'accroche, ces saloperies, là. Oh putain, c'est dégueulasse. Ça s'accroche. Et encore, au Maroc, ils volent. T'as de la chance. Ouais, bah ouais. Oui, mais là, ils volaient. Là, ils auraient pu voler. Mais au Maroc, ils sont plus gros, ouais. Donc c'est Blatard le cafard, ton ami Blatt qu'on a découvert ce matin dans le morning. Il y a la vidéo d'ailleurs que vous pouvez mater sur tous les réseaux. D'autres nouvelles de l'Euro. Juste petite précision pour les Lillois, aujourd'hui leur fan zone a été fermée. C'était pas pour des risques de sécurité, d'attentat ou quoi que ce soit, c'était juste à cause de la pluie en fait. Donc, il pleut. Oui. En fait, il pleuvait grave dans le nord aujourd'hui, donc le stade de Lille, tu sais, c'est un toit qui peut se fermer. Donc ils ont fermé le toit en urgence pour pas que. Aussi, ils ont un toit. Ouais. Oui, déjà que la pelouse est pourrie. Voilà, donc, pour préserver la pelouse, mais par contre, il n'y a pas de toit au-dessus de la fan zone, donc ils ont fermé la fan zone, les gens pouvaient pas y aller. Normalement, elle devrait rouvrir demain matin à Lille, donc vous pouvez suivre. Putain, l'organisation. Ouais, le match ce week-end. Vive l'Euro en France. S'il pleut pas. Je crois que. On voulait les Jeux Olympiques. On pouvait pas deviner qu'il allait faire un. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ouais, bon. Demain, à suivre rapidement Belgique-Irlande à Bordeaux à 15h, Islande-Hongrie 18h à Marseille, et donc demain soir 21h, Portugal-Autriche. Eh bien, tout ça. Au Parc des Princes. Évidemment, on suit ça sur Skyrock avec toute l'équipe. Hein. Yes. Restez bien dans le coin. Et puis, lundi matin, vos places à gagner pour les demi et pour la finale. Ouais, la finale de l'Euro pour vous. Match de rêve à gagner. Faut être la décideur du matin. On peut jouer à n'importe quel moment du morning. Bon, il est l'heure là maintenant de jouer justement. C'est l'heure de la roulette et il y a Kevin qui est avec nous en direct. Bonjour Kevin. Salut Kevin. Salut Kevin. Hi, c'est. Non. Hey, c'est salut, Kev. Salut Kevin. Ouais. Et toi? Tranquille, tranquille, on est là, on vous écoute. Hein, au calme, bah, et j'espère bien d'ailleurs, profitez hein, tous les soirs, Skyrock, 21h minuit. On est là, tous les soirs. Et là, c'est parti. Et le matin aussi, nous aussi, c'est ouais. Parfait. Décidément, on vit ensemble, Kevin, c'est un truc de ouf. Ouais, toujours. Allez, c'est parti, on fait tourner ta roulette. 100 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Vos places de concert à gagner encore tout le week-end. Ça a tellement cartonné Rihanna qu'on vous en remet tout au long du week-end. Soyez à l'écoute de Sky. Et dès lundi matin aussi dans le morning, pareil. Le concert. Ça va être la folie le morning là cette semaine. Et Kevin. C'est parti. T'as 19 ans, tu veux Rihanna, dis stop quand tu veux. Top. Et. Tu gagnes tes deux places pour Rihanna, Kevin. Ah, merci, c'est sympa l'équipe. Hein. Ben, bravo, attends, tu vas aller la voir où? Paris, c'est le plus près à la limite. À Paris. Eh ben, au Stade c'est de possible. France. Tu seras au Stade de France. La tournée Rihanna en France, c'est évidemment une tournée Skyrock. Merci beaucoup. Et elle est pour toi. Ben, bravo, merci. Kev. Merci beaucoup. On te fait une bise, souhaite un bon week-end. Tu fais quoi ce week-end? Ce soir c'est tranquille, mais demain une petite soirée au calme avec ma copine puis des potes. Hein. On est là. Les potes, éclate-toi bien. Éclate-toi bien en tout cas. Merci potes, beaucoup, hein. Merci. Mais non, il est de danger, il a pas l'accent. Mais t'as entendu, il a dit des potes, hein. C'est remonté ton. Ouais, pas. Cédric Fabien, c'est Cédricain. Hein, ouais, c'est vrai. Chacun parle comme il peut. Ouais, Kevin. Ouais, je voulais préciser, sur le site, j'ai mis que j'étais danger, mais sinon, je suis de Saumur, mais c'est parce qu'on connaît pas trop Saumur. Ah, Saumur, bah si, y a du vin. Ah, si, c'est connu quoi. Y a du vin. C'est vrai. Sinon, je suis de Saumur. Eh ben, on salue tous les saumons qui nous écoutent. Les saumons, ouais, c'est ça. On monte la rivière. On t'embrasse, Kevin. Saumurois. Eh ben, salut à toi, Saumurois. Ciao. Ciao, man. Bon week-end à vous. Vous avez prévu ce week-end? Tu fais quoi, Romano, ce week-end? Tu dors? Ah, repos total. Ouais, moi je après vais. Après le week-end précédent, repos là. Normal, le week-end dernier, je l'ai passé dans mon lit à cause de ma tendinite. Parce que je vous ai dit que j'avais une tendinite ces derniers temps. Ouais, on est. Ça m'a paralysé au lit. Donc ce week-end, je vais sortir. Je vais aller dans des fan zones. Tu vas faire la teuf. Tu vas draguer de la nana. Non, je vais aller voir des matchs de foot surtout. Ah, bon, ouais, d'accord. Oui. Samy, t'as prévu quoi? Marseille, 7h30 demain matin. Ouais, voilà. Direct. Oh, bim. Ah, moi je perds pas de temps. Grâce. Cédric, tu fais quoi? Ah, je vais pas aller voir les matchs de foot. Petit tour vitrine. Non plus. T'as les Belges, ils jouent demain, c'est vrai. Ouais, ils jouent. Je regarderai vite fait le match, mais. Enfin, je regarde le résultat, quoi, mais non. Tu connais même pas le match. Non, je m'en fous du foot, gros. Mais la Belgique, pas. Ton pays. Non, je mettrai mon maillot demain pour les soutenir. Tiens, ah, bah, tiens, tu vas être beau. Ah, bah, mais lave-le. Avant, ouais. Ah, mais il est lavé, t'inquiète. Hein. Tu sais contre qui il joue quand même? Contre. Il l'a dit tout à l'heure. C'est pas comme si on l'avait dit il y a deux minutes en fait. Ouais. Jamais j'étais au standard. Donc, et genre, tu vas nous dire que ton maillot de la Belgique, depuis vendredi dernier, tu l'as déjà lavé deux fois? Non, une fois. Ah, c'est parce qu'on dit. Il l'a porté quand même 6 jours. Bah, tu sais, pour le laver, il faut une. Donc, une fois en 6 jours, oui, et pour. C'est un truc d'ouf. Mais genre, toi, tu l'as lavé ton maillot, gros mytho, va. Ah, mais il l'a mis une fois. Ouais, je l'ai mis une fois, non, moi. Tu l'as mis deux fois. Deux fois, ouais, c'est vrai. Alors. Bah, deux fois, trois c'est heures. C'est toujours moins que six. Ouais, deux ouais. heures. Ouais. Ah ouais, ça c'est moi. Ouais. Et Karim, tu fais quoi ce week-end? Je fais rien, absolument rien. Rien. Ah bah, comme ça, c'est clair. Romano, tu fais quoi? Fanzone, vas-y. J'ai dit, moi, je me repose. Et Marie, tu fais quoi? Moi, je pars à la campagne. Et Cédric, qu'est-ce que tu fais? 70. Moi, je vois des potes, tranquille. Ouais. D'accord, et Samy, tu fais quoi? Je mets mon maillot, moi, je vais à Marseille. Ok, très bien. Bon, on va y aller. Tu peux aller voir des matchs de foot, Fanzone. Bon, et Fredo, qu'est-ce qu'il fait, Fredo? Il va faire plein de trappes nocturnes. Oui, sûrement. Déjà, pour commencer. Et après, il faut récupérer pendant tout le week-end. Ah ouais, parce que la nocturne, il donne tout, Fred. Hein, il donne ah tout. Ouais. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ce qui lui reste, c'est pour vous. Jusqu'au dimanche, après, c'est mort. Ouais. Après, il se repose. Ouais. Nocturne, 100% à français, les minuit et quart. On va vite te laisser, Fred. On y va, je suis bouillant. Je sais, tu es dans les starting blocks depuis minuit. Tu n'en peux plus. Non, mais attends, je vous écoute, c'est top. Bah oui, c'est vrai. Je m'éclate. Écoute, toi aussi. Et nous, on se fait des compliments, c'est bien. Merci à tous ceux qui étaient là toute la soirée, toutes celles qui nous ont laissé des messages. Waleno, salut à toi. Salut Mama, salut Charles, salut Ben. Salut Cortez, tous les autres. Régina, bonjour Régina. Tristan également qui nous a laissé des messages ce soir. Big up à vous. Éclatez-vous avec la nocturne déjà. Voilà, déjà. Et puis profitez bien du week-end sur Skyrock. Prenez soin de vous. Et le morning est de retour lundi. Lundi, avec nous. Le mec cherche, c'est quand, c'est quel jour. Tu avais oublié d'y foutre si c'était lundi. C'est en fait. Lundi. Non, mais c'est que j'ai des cachets mardi, pour mardi, mercredi. J'ai des cachets pour ma pardon, j'ai oublié. Comment va le bras? Ah non, Fred, s'il te plaît. Non, j'ai oublié. La douleur. Désolé. Oh, allez, bon week-end. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, j'y vais. Ils sont pas sympas, franchement. Bah, tiens, on te le laisse. Ah, c'est gentil, Fredo. Tiens, je vais te parler de mes problèmes d'épaule. Alors, deux heures. On en est où, Difool? Mais écoute, ça va, je survis. Genre, ça va. Je aller. T'ai connu le bras en rubanais. Oui, t'as vu, mais là. Maintenant, il est un peu plus libre, oui, c'est vrai. Oui, il l'a libéré. Le bras retrouve sa liberté et la radio libre vient lundi. C'est ça. Dès 21h. Eh ben merci à vous et puis Fred, c'est parti, on y va pour la nocturne. On y va, coup d'envoi. Coup cool. d'envoi tout de suite. Bon week-end à vous, profitez ciao, bien. Ciao, prenez soin de vous. Et puis à lundi, ciao. Et à lundi. Allez, ciao. Ciao. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr! Champion, mon frère! 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne. Coup d'envoi 100% rap français. J'espère que tout va bien. Venez vous détendre un petit peu après les examens, après tout ce qui s'est passé cette semaine. Le son Skyrock 100% rap français avec pour débuter ceux qui étaient invités cette semaine, le escroc numéro 1 digital. On va fêter ça maintenant sur Skyrock. L'album s'appelle Destin lié et on va débuter maintenant avec un morceau qui s'appelle Né pour mener. Il y aura du son de Nekfeu, du escroc aussi. C'est parti, on va peut-être, je pense, faire une triple à Nekfeu et au escroc. Coup d'envoi maintenant sur Skyrock. Balancez les messages, hein. 41759, le hashtag la nocturne, hashtag Skyrock. C'est parti, coup d'envoi. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. C'est sur l'album Destin lié. Énorme ce morceau. Né pour mener maintenant sur Skyrock. Escroc. Habite à ma billon, mais j'en fais ma billon. C'est pire qu'un avion, j'y pense en ma billon. Mauvaise pour ma billage, écoutez-moi bien. Ce que je ressens dans le ventre, c'est le couteau papillon. Pour de la chaîne, je vais pas chez la ménage. Je cuisine ce que tu trouveras pas chez la ménage. Dans le tourbus, le studio est aménagé. Premier saut de la falaise, j'avais jamais nager. Non, mais j'ai fait le saut de l'ange en criant seulement chaud devant. Faut que je sorte de là, tous ces gens sont des lâches. Et le sursaut de là, je prends des morceaux de l'âme. Faut que je sorte de là. J'ai rempli le seau de lave avant le seau de l'ange. J'aperçois l'au-delà. J'suis pas dans le crime, mais beaucoup des miens sont dedans. On aime bien, ouais, nos vies sont dangereuses. On se maintient, ouais, que des questions d'enjeu. Né pour mener, hey, comptez la monnaie, hey. Né pour mener, hey, comptez la monnaie, hey. On aime bien, ouais, nos vies sont dangereuses. On se maintient, ouais, que des questions d'enjeu. Né pour mener, hey, compter la monnaie, hey. Né pour mener, hey, compter la monnaie.

qu'on me crève. Et sur le ventre, c'est toujours qu'un sperre. Y'a un seul de couilles pour leur faire la guerre. Pas un seul de cœur pour sauver la terre. Ouais, j'mets les couilles, je vends plus. Le rat est jalouse, ma pute. On s'est oublié en bas. En haut, je me rappelle de toi. Ching chang ching chang, j'suis la folle dans ma chambre. Tiens, roule ça que j'm'envole. Ching chang ching, hey. Bah ouais, j'fume ma drogue. J'calcule pas mon fort. Faut que j'recompte ma somme. Ching chang ching, bang. Troisième œil comme Tenchin 1. J'joue, j'suis vif comme la kata. J'mets plus linge sale dans le kappa. Wow, wow, wow, wow. À fond dans Paname. J'ai la banane, gros pec dans le hammam, ham, ham, ham, ham. Toute la tête avec un pet, pet, pet. Un cachet, j'te montre ma tête, tête, tête. QLF sur la plaquette, quête, quête, quête, quête, quête. Grosse te puche, j'joue pas la Rihanna. J'suis un requin, j'suis pas un piranha. Va te rendormir, ta chenille qu'en pyjama. Ouais, ouais, fuck la zère, zère, zère. Ça, toi t'es vert, vert, vert. M'appartient, hein, tant qu'on les sert bien, hein, montre-moi ça me convient. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Je fais le fenda. Chicken, chicken, chicken, chicken. PNL, dédicace à Toulouse. Clara à l'écoute. Chicken, chicken. Ok. Chicken, chicken, chicken. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Niska, Booba, MLC dans la nocturne 100% rap français. Tomber mon glock, je peux pas baisser. fuck Brigitte, Brigitte Bardot. Je me suis fait dans le hall, je cachais mon joint devant Monsieur Diallo. Allô, je vais te faire la peau petit connard. Donc on va essayer de me mettre à l'eau. Je suis encore là 20 ans plus tard. Fuck Tago, ce monstre pirate dans son plumard. Le bruit et l'odeur c'est moi. Demande à chaque Chirac. Peine chaque syllabe dans leur mère. Fiance dilate. Tiens baiser des Mexicaines. Demande à Pierre Gignac.